radio libre. Minuit, tous les soirs sur Skyrock. Toujours en forme et en direct sur Skyrock. Salut tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et puis 21h, on est en direct, on est avec vous. Et vous êtes avec nous, tout le monde. On est ensemble quoi. C'est bien dit Salmarie. C'est ça. Et oui, tout le monde est là, bonjour la Marie, bonjour Romano. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Samy. Salut, bonsoir tout le monde. Salut Karim. Salut tout le monde. Et Cédric aussi. Ouais, bonsoir tout le monde. Et les réseaux sociaux qui sont là, vous pouvez nous laisser tous vos messages, faire péter tous les réseaux sociaux. C'est avec Romain qui fait un petit film derrière, c'est bien Romain. Petite photo, on est sur un Facebook Live. Non, je fais une photo. Tu fais une photo. Voilà. C'est dingue, le nombre de trucs qu'on peut faire dans l'émission du Facebook Live, du Periscope, des photos et de la radio surtout. Et on fait de la radio ensemble jusqu'à minuit. Eh bien, il y a du foot ce soir à suivre. Il y a déjà des buts. Alors, on va tout de suite faire un point sur le foot. Pour le reste, vous nous appelez si vous voulez passer dans l'émission au 01 53 40 30 20 avec le 41 759, l'appli Skyrock, pour nous laisser vos messages. Bonjour à Arthur, bonjour à Sopra, bonjour à Thibaut, bonjour à Vazel Manon, bonjour à Jules, bonjour à Lalbalet qui vient d'arriver, à Axel Hudson. Salut Axel Hudson, vous voyez les messages arrivent directement ici, sous notre nez, sous mon nez en particulier d'ailleurs. Ah ouais, pousse-le qu'on les voit aussi. Ah oui, que vous les voyez. Tu vois le message de l'Italiano, Romano? L'Italiano. Oui, il est là, l'Italiano. Eh bien, bonsoir à toi. Buonasera. Il y a Momo qui nous dit Forza Juve. Alors la Juve, ils ont marqué contre Lyon. Ah ouais, direct au bout de 13 minutes de jeu. Ah oui, ça va vite alors. Un petit point foot, allez, Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, ouais, bah, la Juve, ils ont marqué un but à Lyon, voilà. Un but contre Lyon, ouais, parce qu'ils jouent à Turin. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc c'est un but sur penalty de Gonzalo Higuain. Voilà, les Lyonnais perdent 1-0, ça commence bien. Ça veut dire que Lyon c'est presque fini cette histoire là. C'est mal barré. Oh, bande de deux. Non mais c'est drôle. Et voilà. Ils ont pris un penalty direct dans tout. Voilà, les biatchs. C'est les contents. Vous entendez les Lyonnais? Faut pas beaucoup pour que Samy soit heureux. Hein. Ouais, c'est clair, là, il est heureux, mais c'est un truc de ouf. Hein. Les couilles, je suis américain. Ouais, c'est ça. Moi, la NBA du non, c'est un carré. C'est un carré depuis qu'ils ont été rachetés, les Marseillais. Hein, c'est avec ça. John McCouille, là. Ouais, John McCouille, le célèbre. Bon, donc 1-0 pour la Juve face à Lyon. Désolé, les Lyonnais et les fans de la Juve sont contents d'après ce que je vois. Ah, merci à Ricardo sur SMS qui nous dit on est les meilleurs. Forza Juve, Forza Juve. Et le Real. Ils ont marqué aussi. Ah, il y a 1-0, nous dit, ouais. Le Real, il joue contre qui? Merci l'Albanais. C'est Gareth Bale qui a marqué contre le Legia Varsovie. D'accord, oui, d'accord. Donc ça va être facile pour eux. J'imagine. Ah ouais. Et puis l'autre match, c'est Monaco contre le CSKA Bucarest, ça. C'est ça, CSKA Moscou. À Moscou, pardon. C'est pas du tout la même ville. CSKA, c'est pareil. Je sais pas pourquoi j'ai dit Bucarest, mais bon. Moscou. Je voyais des lettres écrites sur la télé. Monaco, donc il gagne 1-0, c'est ça l'essentiel. Monaco 1-0. Voilà, on se remet au poids sur le foot et puis on suit ça tout au long de la soirée avec vous. Monaco 1-0, Lyon ils perdent 1-0. Oui. C'est les deux matchs de la Champions League qu'on suit en direct ce soir sur Skyrock. Bon, il y a Clem Crazy. Tu vois les messages, Romano, malgré mon nez. Je suis content de la voix de Cédric. Ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté Skyrock. Eh ben, gros bisous. Ah, bah, de toute façon, il a pas été là pendant 3 mois. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Le mec nous a fait une comédie à cause d'une. Bah, soi-disant. Non, mais attends. C'est quand même étonnant. Tu n'as plus aucune douleur, t'as plus rien. Non, si, j'ai encore mal. Oh, bah, ça se voit. C'est grave. Ah, bah, grave. Le mec, il met le bras dans tous les sens. C'est normal. Hier soir à minuit, le mec, je le surprends le bras dans le cul. Oui. Mais dans le cul, trop. Le bras dans le cul. Julie, bah dis donc, pour une clavicule pétée, t'es encore sacrément souple. Et ben voilà, donc toute l'équipe est là et Cédric aussi. Et vous bientôt, tous. Je vais pouvoir t'en coller une. Hein, également en direct bientôt. Jusqu'à minuit sur Skyrock pour cette grosse soirée. Je note. Bon, Vivier est avec nous. Tiens, ce soir on est mercredi. Clash de la Drague, on est revenu de vacances hier. Vous avez eu le temps de vous chauffer hier soir. Pas de clash hier, mais aujourd'hui c'est le grand jour. Le grand jour est le premier clash de la Drague de ce mois de novembre. C'est ouais, ça. Bah moi je vais la faire. Désolé de vous mettre la pression. Non, mais moi il n'y a aucune pression, je vais vous la faire classe ce soir. Ah oui, classe carrément. Classe. Grande classe. Grande classe. Comme d'hab, quoi. Comme tu sais le faire. Bah c'est ça, quoi, vous connaissez. Bah bon, la classe, ouais. Je crois qu'on va pas tarder pour le clash, on va le faire dans pas longtemps. Tiens, il y en a un qui a pas l'air bien. Donc, t'as pas de méthode? Non, tranquille. Non, il a pas de méthode. Je vais consulter. Ouais, ça se sent, ouais. Non, je vais faire la crasse, moi. Les pêcheurs, mais tu sais, ça se prépare une émission, hein. Romano, il prépare les clashs de drague. S'il gagne, il n'y a pas de secret. Bah écoute, non, mais. La combien de fois, au dernier moment, à l'arrache, il pêche un message, t'inquiète pas, je l'ai cramé. Non, parce que parfois, il s'est improvisé. Bah moi aussi, c'est vrai. Non, mais là, c'est bon, j'ai ma méthode, moi. Comment il le défend, mais c'est amusé, ouais. Ouais, c'est vrai, je suce un peu ce soir, Romano. Non, pas du tout. Tu me trouves bien. Moi, je sais pas, moi, je trouve ça normal. Tu parles de ton pif depuis hier soir, tu lui dis rien, et moi, je suis gentil avec toi. Belge qui nous dit mort de rire, vas-y Cédric, trouve une bonne méthode s'il te plaît. Bon bah trouve une bonne méthode, ça va clasher. On va tiens, laissez-nous les messages aussi si vous avez des numéros pour le double appel de ce soir, histoire qu'on rappelle les familles de France. Et puis on a vous tous et vous toutes en direct de toute la France, vous pouvez nous passer un petit coup de fil. Tiens, il y a Mathieu que je voulais saluer. Mathieu, il a gagné ce matin la totale des cadeaux du morning, il était là à 7h30, soyez là dans le morning. Ah ouais, c'est lui. Et la semaine prochaine on aura des cadeaux de fou à vous offrir. C'est déjà Noël sur Skyrock. Semaine prochaine, dès lundi, on vous a offert la totale ce matin. Ça, c'était un vrai cadeau de fou. Ah ouais, c'est clair. Puisque vous avez il a chopé Mathieu, puisqu'on sait qui c'est maintenant. Mathieu, tu as chopé les 4000 euros de cadeaux avec les 1500 euros, la PS4, Slim, t'as gagné ton iPhone 7, t'as gagné ton écran plat, t'as gagné tes places de concert pour Drake, t'as gagné tes jeux en plus. 4000 euros pour Mathieu ce matin, je veux dire qu'il était content. Tranquille. Cette heure tu m'étonnes, tu commences bien la journée. Ça va bien. C'est vrai, pour démarrer la journée, Sky, il n'y a pas mieux. Et donc Mathieu en a eu la preuve. Et dès la semaine prochaine, cadeau de folie à vous offrir. Donc dans le morning, soyez là entre 6h et 9h. Et soyez là demain matin aussi. On aura des iPhones, on aura vos PS4. Ah, mais je sais même pas, moi. Et ouais, Robano, j'ai une petite surprise pour lundi. Lundi, mardi. Ouais, bah, de toute façon, moi, en soi, c'est pas moi qui vais le gagner, le cadeau. Bah, non. T'en sais rien. Si t'envoies un message, que tu trouves, je sais pas, le nom de l'invité mystère. Ouais, bien sûr, Ah, par exemple, ou un faux mytho. Si t'arrives à jouer à un faux mytho, ouais, exemple, bah, c'est bien, ouais. Surtout, c'est moi qui le fais, donc. Accroche-toi un peu. Bon, les rendez-vous du boarding à pas louper. Et puis, inscrivez-vous pour les 1500 euros. C'est encore tombé ce matin. C'est Fatima qui a gagné ce matin, je crois. 1500 euros, elle a gagné à Bron. On lui fait un gros bisou. Elle nous écoute tous les matins. Et elle a gagné ses 1500 euros. Elle est récompensée. En répondant Skyrock, envoyez 1500 sur le 72020. Si vous voulez gagner 1500 euros demain matin, vous nous envoyez un message maintenant, on vous appelle demain. Et vous gagnez, si vous répondez Skyrock, il faut répondre Skyrock pour gagner, bien sûr. Bon, alors on a parlé des cadeaux, maintenant on va parler de tout ce que vous voulez. On a Vivi au téléphone avec nous, qu'on va retrouver en direct du 88. Salut Vivi. Vivi. Bonjour Vivi. Vivi. Bonjour. Ah putain, j'ai cru que ça allait recommencer comme hier, le standard. Non, s'il te plaît. J'ai angoissé. Non. J'ai réparé le standard aujourd'hui, Romano. Ah bah tiens, si vous étiez, la merde. Si vous étiez à l'écoute hier, c'était marrant parce que hier, j'ai failli le péter le standard en direct parce que moi, il faut pas que. Moi, un appareil, il faut que ça marche. Je sais pas si t'es comme moi, Vivi. Mais par exemple. T'as un appareil, ça a pas de cerveau, le truc. Ça t'a coûté cher. Par exemple, je sais pas, on prend l'exemple, il y a un iPhone qu'on va vous offrir demain. L'iPhone, imaginez le truc, il bug tout le temps. Le mien, il a bugué la semaine dernière, il trouvait plus de réseau. Ça m'énervait, je faisais le péter. Et au dernier moment, je me suis quand même dit, la saloperie, elle coûte 7700 balles. Ouais, c'est ça. Et 700 balles, ça fait quand même cher. Ah bah, sacrément, ouais. Donc je me suis retenu et j'ai fait pareil avec le standard. Tu nous entends bien, Vivi, là? Oui, vous avez vu un peu comme ça marche bien. De la folie. Bon, faites comme Vivi si vous voulez passer dans l'émission 41759 avec l'appli Skyrock, la toute nouvelle appli. T'as téléchargé la nouvelle appli, Vivi? Ouais, je l'ai plus, je l'ai téléchargée. Franchement, alors, elle est bien. Ah ouais, nickel. Ça fait bizarre de passer à l'antenne. Ben, c'est bien de nous appeler, merci Vivi. Vous venez passer c'est à l'antenne la aussi. Fois, en fait, je vous écoute tout le temps, en fait, je vous écoute pratiquement tout le temps. Et tu nous avais jamais appelé? Non, jamais. Jamais. Je voulais passer faire un petit coucou à Romano, mais bon. Ouais. Ah ben, bah, gros bisous, Vivi. Bah, profites-en. Je suis là et je te parle et t'écoute gratuitement. Franchement, ça fait super plaisir. Fallait nous appeler avant, Vivi. Ah bah ouais. Mes parents, ils vous écoutent tout le temps. Les parents. Skyrock, donc, la radio préférée de la famille. voilà. Magnifique. Donc, est-ce que je peux passer vite un tout petit. Une toute petite dédicace. Alors fais ta dédicace et puis après tu nous expliqueras pourquoi tu es une vraie casse-couille, parce que on dirait pas comme ça, mais Vivi, c'est une grosse casse-couille. Ah bah sympa, bienvenue. Ah, à première vue, comme ça on se dit, ah elle est sympa, elle est cool, tout ça. Ah Romano. Ah bah évidemment. Elle te passe le bonjour, elle est contente de te parler, mais non, c'est une vraie casse-couille. D'ailleurs, je voulais vous lancer un œuf après tout. Oui, c'est ce que je voulais dire. Déjà, il y a quand même des gènes prédestinés, cette prédisposition à casser les couilles. Alors, je voulais donc lancer un appel à vous, les gars qui nous écoutez, vous êtes déjà tombés sur des casse-couilles, je sais pas, dans votre famille, votre sœur, dans votre famille, votre cousine. Que des meufs, en fait. Dans votre. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des casse-couilles hommes aussi. Alors, puisque Marie insiste, les filles, c'est spécialement pour vous, heureusement que la Marie est là. Ouais. Si vous aussi, vous connaissez des casse-couilles hommes, vous nous dites. Ah, donc, putain, ouais. Votre meuf, de quelqu'un de la famille, votre mère peut-être aussi, votre père. Ouais, n'importe qui. Vous connaissez des casse-couilles? Moi, j'en connais des casse-couilles. Regardez, au fond du studio, au fond, bien au fond. Romano. Ah non, on le voit. Mais non, il est au milieu du studio. Au fond, moi, j'ai la place centrale. Non, mec. Il est sur la table de mixage. Je suis plus près de toi. Oui, quoi, je suis dessus. Non, je suis assis derrière. Je ne monte pas dessus. Tu sais, je ne pousse pas les boussoles. Tellement, je suis petit. Plus les boutons avec les pieds. Donc des casse-couilles. Donc, tiens, mon père, c'est un gros casse-couille. Il a toujours un pet de travers. Tiens, racontez-nous un petit peu tout ça. Et on y reviendra tout à l'heure. C'est mon beau-père qui est un casse-couille pour Clem. 13 ans dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Les filles, toutes des salopes. Oh, t'as une déception, toi. Ah, bah super. Oula, qui va pas, Nico. Nico du 74, 19 ans. Ouais, t'es vénère, là. Ouais, t'as une petite déception, hein, toi, Nico. Moi, c'est mon pote. Il me parle tout au long de la sortie. Ah, vous êtes sorti. Je sais pas, vous êtes retrouvé dans un bus et il t'a pris la tête pendant tout le voyage. quand t'as envie d'être tranquille, quelqu'un qui parle tout le temps. On peut dire, ça peut être quelqu'un de casse-couille. Ouais, c'est vrai. C'est ouais. vrai. Ma sœur qui ne veut pas que j'ai internet sur mon phone. Ah ouais, ta sœur, elle te. Mais de quoi elle se mêle Lolo Cadas, 14 ans. Bah en plus, t'as 14 ans, mais de quoi elle se mêle, ta sœur? Remets-la en place. Moi, c'est ma mère. Dites-nous alors, vous nous dites, et puis on va donc retrouver Vivi. Alors, Vivi, casse-couille donc. Oui, Vivi, casse-couille. Enfin, oui, on peut dire ça comme ça. Bah, déjà jeune, je voulais faire une petite dédicace à mes parents. À mon copain qui m'écoute en ce moment même, je t'aime ma petite banane. Voilà. Il se reconnaîtra. Une petite bite. Non mais tu vois par exemple, moi j'aimerais pas que ma copine me surnomme ma petite banane. Ouais, c'est bizarre. Non, qu'elle m'appelle mon concombre ou. Moi je suis ta petite cerise. Hein. Sa petite moi je suis ta petite cerise. Ça va bien tous les deux. Une petite cerise pour une fille, ça passe mieux qu'une petite banane pour un mec. Mais enfin bon. Oui exact. Non mais après je ne pensais pas. Voilà. Non mais bon, tu lui as passé un bonjour, c'est gentil Vivi. Voilà. Alors allons droit au but comme le dirait Samy. Eh ouais. Direct to the goal, puisque straight maintenant goal. Marseille est América. Straight to the goal. Straight to the goal. Ça, tu vois, ça pète. Hein. Ouais, ça pète. Straight to the goal. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Vivi? Dis-nous pourquoi t'es casse-couille. Donc, toi. En fait, ça fait un an et quelques mois que je suis avec mon copain. Mm-hmm. Donc. La petite banane. Hein. Ouais, c'est lui. C'est lui. Au début, je voulais. Je n'avais pas de jalousie. Lui, il avait une jalousie. Je lui ai dit d'arrêter. T'es dans ta jalousie. Je suis mort dans un moment où vous êtes cousine. Allez, Vivi. Dans ta jalousie. Et en fait, je lui ai dit d'arrêter un tout petit peu. Mais ça fait quelques mois que c'est moi qui a repris la relève. Ah, vous avez fait une casse-couille. Alors, quand je disais le couple de merde, regardez-moi ça. Ah. Oh, putain. Après, l'essentiel, en fait, l'essentiel, vous êtes ensemble depuis combien de temps, t'as dit 8 mois? C'est banane et cerise. Non, ça fait un an. Ça fait un an en plus. Et quelques mois que je suis avec. Oh, bah, il est habitué. Oui. On se connaissait depuis bientôt 7 ans maintenant. D'accord. Putain, il va se dire, j'aurais mieux fait de rester amis. Donc, mais en fait, on a attendu vraiment longtemps avant de sortir ensemble. Ah, ça, c'est clair, 7 ans. Alors, par exemple, tu remarques une meuf aujourd'hui, imaginez les gars, vous remarquez une meuf aujourd'hui, et puis, vous sortez avec elle en 2023. C'est vrai que vous avez bien préparé le terrain. Ça là, fait long. Mais entre-temps, t'étais sorti avec d'autres mecs? Comment? Entre les 14 ans et les 21 ans, là. Bon calcul, Robin, dans 7 ans. Les 7 ans d'attente. Marie est admiratrice. Ouais, non, mais c'est incroyable. Admirative. Je suis bouche bée. Admirative. T'es sorti avec d'autres mecs ou tu l'as attendu pendant... Ouais. Je sais que mon copain actuel est sorti avec une grosse, je ne dirais pas le nom. Tu peux, mot, vas-y, pute, une vraie cela. Crasseuse. D'accord, grosse. Donc, crasseuse. Il est resté, etc. J'adore. Ils se sont quittés. Moi, je n'étais plus avec mon ex actuel. Et du jour au lendemain, on a commencé à parler, etc., etc., etc. Et de fil en aiguille, voilà, ça s'est fait, ça... quoi. Voilà. C'est vous bon. Vous êtes fait. C'est bon, et maintenant vous cassez les couilles. Tu sais que ce sera pas le premier couple. Je sais pas, vous pouvez nous dire, mais tu n'es pas le premier couple à vivre dans la jalousie ou dans ton jacuzzi. Ah ouais, c'est clair. T'as déjà vécu dans la jalousie, Romano, ou dans un jacuzzi? Non. Dans un jacuzzi? Non, t'es plus dans ta jalousie, toi. Non, mais moi. Qu'est-ce qu'elle devient d'ailleurs, cette Nabila, dites donc? Vous avez des nouvelles de Nabila? Vrai, ouais. Si vous avez des nouvelles de Nabila, dites-nous qu'est-ce qui se passe dans cette Ah si, mais elle habite plus en France, je crois. Elle habite où maintenant? En Suisse, non? Non, à Londres. À Londres? Ou aux States, C'est pas parler anglais, le bordel. Comment elle va parler là-bas? Moi, j'en sais rien. Bah, c'est pas parler français non plus. Non, mais c'est pour savoir. Oui, t'as déjà été dans ta jalousie, toi aussi. Ah ouais, ouais. Non, mais moi, je suis casse-couille, hein. Ah, tu vois, c'est bien Romano, tu vois, tu dis. Non, mais là, moi, c'est pas sur la jalousie. En ce moment, il y a un peu une crise dans le couple, c'est au niveau de la consommation des cigarettes. Non, mais vous êtes complètement taré. Tu vois, Vivi, ça pourrait être plus grave, tu vois, Vivi, tu pourrais avoir une crise à cause des cigarettes. Et un petit point footballistique, bien sûr. Bien sûr. 2-0 pour Monaco. Monaco qui survole la Champions League. Ah ouais, bah ça, c'est clair. Ça va, Monaco? Ouais, ça va bien pour eux. Championnat, ça va. But de Falcao. Et Falcao, ce soir, il marque. Qui est de retour et qui marque. Ah, il déchire. Bon, Falcao, deuxième but pour Monaco, 2-0 face au CSKA. Moscou. Oui, c'est bien ça. Très bien. Il y a un CSK à Bucarest ou pas? Je crois pas. Ah, c'est moi qui l'ai inventé. Je l'ai inventé. Parce qu'il y en a dans plein d'autres villes, mais il y en a je pas crois de pas chance. Qu'il y en a à Bucarest. Et puis bah, pour la Juve, toujours 1-0 face à Lyon, deuxième match. Galère Lyon, la Juve qui a touché le poteau plusieurs fois. Enfin, c'est chaud. Oui, on disait quoi là? Parce qu'on était sur la jalousie. Je disais que j'étais dans la jalousie. Dans le jacuzzi. Non plus. Non. J'ai à cause des cigarettes, nous, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'en fait. Tu lui voles ses cigarettes. Non. Tu sais qu'on fait paquet séparé maintenant. Maintenant, quoi. Ça, c'est le début de la fin d'un couple. Ça, je vous le dis. Quand vous faites paquet séparé des cigarettes, ou alors je sais pas, moi on est en train de. Non, mais par exemple, on a le droit de fumer une cigarette, elle me prend dans mon paquet, alors là je peux vous dire que le couple va mal. Bah maintenant on en est là hein. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on se fait des crédits. Si moi j'ai plus de clope, elle m'en avance une, il faut que je rende. Vous notez, vous êtes sérieux là? Ah ouais, ouais, parce qu'en fait elle considère que je fume plus qu'elle. Donc en gros maintenant au sac, ça un chien, y a qu'un ou pas qu'un. Ça te fait mal au cœur. Tiens regarde, il y a Cynthia pour te rassurer. Putain, moi et mon chéri on est grave jaloux. Je laisse pas avoir des amis filles. Et moi je n'ai pas d'amis garçons. Et pourtant on est bien comme ça. C'est pareil. Allez, c'est pareil. Mais c'est pourri ça, non? Après, bon, vivez comme vous voulez. Mais je vois, bon, Cynthia, tu dis c'est très bien comme ça. Bon, tant mieux. Mais c'est quand même bien d'avoir des amis, non? Ah, bah, s'interdire de parler à un mec. Il a une seule copine, hein. Il a une seule amie. Ah, bah, fais gaffe, il couche peut-être avec. Ah, non. Si. Bah, tu l'as choisi, t'as choisi. On l'a eu juste avant, il nous a dit que si. Non. Romano, elle est en couple, la fille. Donc, bah, il fait des plans avec lui aussi, là, en couple. Il fait des plans à trois avec eux. Tu vas lui monter la tête, la pauvre. C'est pas le pauvre, parce que c'est lui qui va manger. Je sais que c'est un blagueur, donc ça marchera pas avec moi. Tu crois que Romano, il fait des blagues tout le temps? Non, mais parfois, il fait des blagues, mais il se rend pas compte, mais il dit la vérité. Méfie-toi. Non, mais j'espère pas pour toi. Moi non plus, j'espère pas. Il est parano à cause de nous. Bon, t'es une chieuse. Il est en train d'écouter. Bon, on le salue. Excusez-moi, t'es une chieuse, mais ça fait quand même plus d'un an qu'il te supporte. Donc, au final. Bravo. Non, et puis bon, lui, il a été casse-couille avant, donc bon. Vous oui, êtes voilà, un partout, donc, quoi. J'aurai un peu la monnaie de sa pièce. Mais en fait, je voulais aussi dire une anecdote que j'ai eue il y a pas très longtemps. Dis ton anecdote. Vas-y, dis là l'anecdote. On était à la salle de musculation. Ah, tu fais de la muscu, toi? Oui, je fais de la musculation. Donc, si Romano, il veut qu'on se combatte ensemble, il n'y a pas de soucis. Non, ça va aller, tranquille. Ouais, tu fais de la muscu, tu vas être très doué. T'as pris le plus fort de l'équipe, quand même. Ah, non, j'ai rien demandé. Le plus intéressé. Va te mettre un pain, maintenant. Le plus sportif. Allez, Vivi, faut pas l'emmerder. Parce qu'elle arrive avec son halter, et bam, elle tombe vraiment dans le coup de la gueule. Tiens, je vous écoute, je fais de la muscu, nous dit Jordan. Eh ben, salut à toi, Jordan. Bonne muscu à toi, mon ami. Ah, bon courage, j'en ai fait juste avant de venir. Donc oui, à la salle de muscu. Ah, c'est ça la sueur. Qu'est-ce que c'est Non, la sueur, c'est Cédric. Ah merde. Non, je viens de prendre ma douche. Oh, moi, j'ai pas fait de muscu. Non, mais non. Pas fait de muscu. Je peux en laver non plus. Si, laver. Bon, et à la salle de muscu, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà. J'étais à la salle de musculation avec mon copain, évidemment. Et de la scousse, en fait, il y a eu deux nanas qui sont arrivées, qui ont dit ouah, il est trop beau, celui en Marcel. Alors qu'on était que deux. Oh, trop beau dans Marcel. La même salle. Hein. C'est un compliment qu'on m'a jamais fait, ça, trop beau Marcel. Oh, oui. Lifoul, t'es ah, mais trop c'est vrai, dans les salles de muscu, ils sont en Marcel des fois. Ah, j'aimerais bien voir Marcel, Lifoul. Quelle allure. Ah, la gueule. Oui, il a de la chance, en tout cas. Donc, il est trop beau en Marcel, ils ont fait les meufs. Oh, putain. Et toi, t'as pété non, un plomb. J'avais envie de les taper, en fait. Mais t'aurais dû. Je voulais, mais je ne pouvais pas. C'est plutôt flatteur qu'il y ait des nanas qui trouvent ton mec beau. Ouais, plutôt qu'elles disent ah putain, t'as vu le laidron. Ah putain, il est dégueu. Ah, t'as vu le laidron. Bah ouais. Ah, excusez-moi, je crois qu'on a un coup de fil en ligne. En ligne avec nous, coup de fil. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment de l'émission. Vous nous appelez 01 53 40 30 20. Ah, on l'entend mal. Le 41 759, l'appli Skyrock. Moi, j'entends très bien. Bonjour, moi, Chita. Mais il est complètement con, ça n'a pas coupé. Je suis là. Je te présente Vivi, une casse-couille. Oui. Bonsoir Vivi. C'est Moshita, Vivi. Elle n'est pas peur. Tu l'as reconnu, Moshita? Ah oui, c'est moi quand même. Coucou. Elle a Je suis Moshita. Alors, oui, tu voulais témoigner donc. De quoi? Qu'on vous a déjà dit à mon ancien mec? Oui. On m'a déjà dit, c'est qui le laidron à côté de toi? J'ai répondu, c'était mon mec. Et c'était qui cette personne? C'était Cédric. Oh, c'est son mec, pas son clébard. Cédric, là. C'est dingue ça quand même. Ouais, c'est chelou ça. C'est des histoires comme ça, c'est un truc de fou, Cédric. T'as des trucs dans ta vie, c'est quand même dingue ça. Mais tu es très laid. Je m'en souviens pas. Allez hop. Moshita, merci du coup de fil. Faites comme Moshita, appelez-nous si vous voulez. Pas de problème. Allez-y, au 01 53 40 30 20. Pour Vivi. Non, bon, écoute, Vivi, vous êtes relou. Vous êtes casse-couille. Mais t'es au point de chercher, genre. J'entends juste un truc. Comment ça s'est fini l'histoire à la salle de muscu? Comment s'est fini l'histoire à la salle de muscu? Eh ben, en fait, j'ai été voir mon copain et j'ai fait des bisous, j'ai fait des machins. Et puis ils sont partis. Il est à moi, quoi. Genre, tu l'as limite pissé dessus pour marquer ton territoire. C'est mon mec. Oui, c'est, voilà, c'est lui, fait, ouais. Non, ouais. Non. Regarde, j'y pisse dessus. Ouais. C'est mon mec. Mec, les deux meufs ont dû dire, j'ai une timbrée. C'est vrai, bon. Après, dites-nous si vous aussi vous avez un côté casse-couille. Pas forcément. forcément dans la jalousie ou dans votre jacuzzi, hein, c'est un peu comme vous voulez. Mais vous pouvez nous dire au 41759 sur l'appli Skyrock pourquoi vous êtes casse-couille. Et surtout, je vous ai demandé, parce que ça, c'est plus rigolo de parler des autres, qui est-ce qui est casse-couille dans votre entourage? Ouais. Commencez à réfléchir dans l'équipe. On va faire un petit tour de l'équipe dans un instant. Donc, les casse-couilles à l'honneur aujourd'hui sur Skyrock. On est gâtés. Dans la radio libre. Oh, et je suis casse-couille. Et en direct. Ah ouais, Cédric, c'est vrai que t'es casse-couille. Moi, je suis pas casse-couille, moi. Ah ouais. Non, t'es pas... Bon, on va en reparler de toute façon. T'es un gros relou. Alors, trouvez des arguments parce que ça suffit pas des. De dire que c'est un gros relou ou un gros con. Non, c'est vrai, ça suffit pas. Il faut rentrer faut plus dans les détails. Pareil pour vous. Hein. Le monde tout le temps. Moi, c'est mon prof de maths qui est un gros relou. Ouais, très bien. Eh bien, écoute, on le salue, mais dis-nous pourquoi c'est un gros relou ton prof de maths. Donc, vous nous envoyez ça. 41759, skyrock.fm. Et puis, donc, bien sûr, le 01 53 40 30 20 pour passer dans l'émission. Même chose pour les doubles appels. On va faire, tiens, double appel dans un instant. Le clash de la drague. Bon, ben, pas longtemps non plus, parce que je vois que vous êtes chaud. Surtout Romano, d'ailleurs. Ce ah, soir. Chaud bouillant. Ouais, bah, moi, j'ai pas de méthode. T'inquiète, ici, j'ai ma méthode. Ça y est, ta méthode. Ils sont chauds tous les deux. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, on va écouter du gros son. Qu'est-ce qu'on va se mettre ce soir? Ah, ouais, on vous a choisi. Ah, je sais que ça va faire plaisir. Pas qu'à toi, Romano, mais à moi aussi. Un de nos morceaux préférés, c'est quoi? Bah, moi, j'ai Jul. Ah, bah oui, c'est Jul. On m'appelle Love Me. On m'appelle Love Me. On écoutera Jul. Dans à peu près une heure, on sera le nouveau Jul. On m'appelle Love Me. Son que vous avez découvert sur Skyrock. On m'appelle Lovni. On écoutera. Qu'est-ce qu'on écoutera d'autre? Tiens, du Bruno Mars ce soir, du Jul avec On m'appelle Lovni. Et le premier son de cette soirée, allez, un petit soprano, ça ferait plaisir. Ouais, moi aussi. Grave. Allez, Sopra, c'est parti, c'est en feu et c'est sur Skyrock, évidemment, dans la radio libre, en direct avec vous sur Sky. What the fuck? Ici, tu peux tout dire. Et donc, je suis addict à la masturbation. C'est bien. Tout faire. Tout faire. Moi, je me frotte le gland, tu sais, je le lustre. Tous les soirs. 21h minuit, c'est la radio libre de Default sur Skyrock. Ouais, c'est en direct avec vous, tous, vous toutes, de toute la France, au 01 53 40 30 20. Venez faire de la radio avec nous, laissez-nous vos messages, débarquez ici. Les casse-couilles, on vous salue. On salue le démon du 80 qui nous dit, ouais, Soprano, il a pété la solo. C'est bien, Soprano, il était là pour péter la solo. En feu. On va vous mettre, tiens, on va vous mettre le nouveau Ghetto Phénomène. Ghetto Phénomène et Jul, une nouveauté Skyrock. T'en as un bout, Romano. Ouais. On se mettra du Jul. Je vous ai promis Lovni. On m'appelle Lovni. Ding ding ding ding. Enfin, ça fait à peu près ça. Ouais, c'est un peu près, le, ouais, le morceau, ouais. Le son de. À dégoûter de l'écouter, en fait. Mais non. Lovni. Oui, j'aime bien Lovni. Arnaud le boss qui est lucide. Je supporte pas, Lovni. Tu vas voir, tu vas aimer. C'est le genre de truc, tu l'écoutes le matin, ça te reste dans la tête toute la journée. Moi, j'ai chanté ça toute la journée. On m'appelle Lovni. Jul et le Ghetto Phénomène et Jul, le nouveau sur Skyrock, qui s'appelle Wesh Alors, En Chaleur. Écoutez en chaleur, Wesh Alors. Ah, c'est dans ce sens-là, Romano. En Chaleur, Wesh Alors. Ghetto Phénomène. C'est ceux qui avaient fait... Maria Maria. Maria Maria. Ouais. Le nouveau. Ah. On se le fait dans une heure, tiens. On écoutera du Jul un petit peu après. Il y a du gros son à écouter ce soir. Attention, attention, attention. Ghetto Phénomène. Ghetto Phénomène. D'or et platine. Ghetto Phénomène. D'or et platine. Donc ça ce sera, allez, dans moins d'une heure on vous le balance. On vous le met en entier, vous me direz ce que vous en pensez. Ghetto Phénomène. Ah ouais, wesh alors, wesh alors, wesh alors. Il avait fait dans Planète Rap ce morceau. Ouais. La semaine Ghetto Phénomène. En chaleur, un peu comme Marie ce soir. Hein. Ça, je vous dis, les gars, profitez-en. En chaleur, en chaleur. C'est en chaleur. Ah oui, oui. Réchauffe ce mois de novembre, c'est bien. Donc, on écoutera ça tout à l'heure. Nouveauté Skyrock, il y aura le nouveau Bruno Mars aussi à écouter sur Sky 24K Magic. Le nouveau Bruno Mars. On écoutera aussi le morceau qui fait. The Weeknd avec Starboy. Encore une découverte Sky. Je suis dit, Romano, je suis pas plus. Il est bien, je te casse les couilles. Pourquoi là, on te casse les couilles? Parce qu'ils ont fait des paroles sur leur frein avec mon nom. Oui, c'est Romano. Chaque fois qu'on passe le morceau, tu vas la faire ce soir. En antenne, on est là. C'est Romano. Votre Romano. Votre Romano. Votre Romano. Non, c'est pas ça, si, si, on va faire ça. Non. Attention, vous êtes prêts? Votre Romano. Tu devrais être content, on te fait une chanson. Cédric, il serait content. Starboy a écouté tout à l'heure sur Skyrock. Pas trop malou. Bon, l'autre, ça lui fout les boules. Ah, ça va le rendre. Ah, t'as les boules, t'as les glandes. Allez, chante le bel. Les crottes de l'équipe. Je suis très zen. Pande. Il pande. Et Lyon a marqué un troisième but. Non, non, Monaco. Ah, Monaco, pardon. Ouais, excusez-moi, les lunettes, j'ai rien marqué du tout. 3-0 pour Monaco but face au CSKA Moscou. Encore Falcao, deuxième but ce soir. Ouais, c'est ça, ouais. Deux buts à la suite pour Falcao. Exact. Exactement. C'est bien. Joué, ouais. C'est bien. Et puis c'est, bien. Bah, c'est moins bien pour Lyon. 1-0 pour la Juve. Se retrouve au Juventus Stadium à Turin. Donc ça nous fait du 1-0 toujours, mais rien n'est joué. Et on suit les matchs en direct. Et c'est la mi-temps dans quelques secondes. On suit ça évidemment en direct. On vous dira tout ce qui se passera. Merci aux fans. Calmez-vous les filles. Pendant la deuxième mi-temps. Et même pendant la mi-temps. Attendez un peu pour les encouragements. Parce qu'il y en a un autre, il fait la gueule. Non, moi, trop la gueule en bière. C'est Cédric. Ouais, ça marche bien que Cédric. Non, non, c'est pas grave. Et puis, bon, place pour Drake qui a gagné tout à l'heure avant minuit sur Sky. Bon, des réactions sur les casse-couilles. On a juste Thomas à prendre et juste après, on fait le double appel et on se prépare pour le grand clash de ce premier clash du mois de novembre. Ouais. Attention, on remet les compteurs à zéro. Pas de souci. 0-0 pour ce mois de novembre, évidemment. On n'a pas fait de clash hier, c'était mardi. Ce soir, attention, Romano d'un côté, Cédric de l'autre. On peut avoir les méthodes déjà. Si vous êtes prêts. Moi je rentre de week-end, j'ai plus rien à bouffer, je boufferai bien de la tarte au poil. Très bien, très bien, quand vous avez un petit creux. Bah non, mais je rentre de week-end de la Toussaint, là, le frigo est vide. Évidemment, le frigo est vide. Alors, je peux bouffer des couilles aussi. D'accord. Ah, sympa. Tout dépend sur qui tu tombes. Il faut s'adapter. Hein. Très bien. Et toi, Cédric, ta méthode ? Moi, je fais la rééducation de la bite. Ouais. Et ce soir, je voulais tester, voir si ça marchait bien. De la rééducation de la bite. Ouais, je rééduque ma bite un petit peu, là, hop, je la muscle. Bah, tu vas bien le faire pour de vrai. Soir, je bande grave et puis je vais la foutre dans le cul de la famille. Quoi. C'est vrai, tu devrais le faire pour de vrai. Il y a des trucs pour lutter contre la précocité. Oh, ça va, t'inquiète. Non, mais va voir un médecin, le mec va te branler. Bah, tout se passe bien. Représente les précoces. Ouais, tu lui dis bonjour, représente les précoces. Je suis Cédric. Hein. Je suis précoce en fait. Voilà. Allez. Et puis tu demandes une petite rééducation. Bon, on fait ça tout à l'heure. Hein, ça fait combien de temps que t'as pas baisé ? Oula. Oh, ça va, t'inquiète. Ça va. Ah, parce que genre, quand t'avais la clavicule pétée, tu baisais. Ah non. Là, je baisais pas. Ah, mytho. Mais non, non. Putain, mais hey, il nous a pris pour des cons, je vous dis, son histoire. C'est mytho. On salue les mythos d'ailleurs qui trouvent toujours de bons moyens pour pas aller bosser au bahut, au boulot. Au boulot, c'est plus cher parce que c'est pas payé. Ouais. Au bahut, il y a moins de conséquences, c'est vrai que c'est pas mal. Si vous avez des méthodes, n'hésitez pas. Cédric a trouvé la méthode de la clavicule. Elle était pas mal. Franchement, deux mois, deux mois. Pas mal ton truc. D'ailleurs, j'ai reçu les audiences des deux mois de ton absence, Cédric. L'émission a multiplié son audience. Tous les soirs par 5. Ah ouais, putain. Par 5. C'est dingue. C'est parti, mais la flèche est montée. Et nous, sans tricher, hein, je dis, pour nos collègues préférés. Nous, sans tricher, comme ça, multiplié par 5. C'est la folie. On n'avait jamais vu ça. Grâce à toi, la folie, ouais. Putain, j'ai bien fait de revenir. Dis donc, ça va monter encore. On a eu la première chiffre d'hier. Là, c'est pas. C'est pas la folie. Bon, merci à vous d'être là. En tout cas, vous pouvez débarquer ici. 01 53 40 30 20, le 41 759. On salue le pote de Satan, Leilana, qui est là, qui nous fait un bisou. On te salue à Nice aussi, à Alice du Qatar, qui est sur la nouvelle appli Skyrock. N'hésitez pas à la télécharger. Et on était avec Vivi, alors qui reconnaît une vraie casse-couille. Au moins, elle le reconnaît. Après, ouais, elle le sait. Son mec aussi. Et ça fait un an qu'ils sont ensemble, comme quoi. Tout peut arriver. Non, mais il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a des couples qui fonctionnent comme Putain, ça. Mais c'est tu vrai. Bouffes la vie. Hein. Alors, des vrais casse-couilles, tiens, il y en a qui nous laissent des messages sur le 41-759. Les vrais casse-couilles. Tiens, un vrai casse-couille dénoncé par Clément. Bonjour Clément, mon beau-père, c'est un casse-couille. Parce qu'il ne fait que me surveiller. J'ai envie de le taper quand je vois sa grosse tête de bite. Effectivement. Dis-nous s'il y a des nouveaux, dans les. Un peu vénère. Dans les jours qui viennent, t'hésites pas à nous faire signe, à nous laisser des nouvelles. Moi, c'est ma mère, c'est une casse-couille, elle veut toujours qu'on fasse le ménage. Cynthia, 20 ans, qui nous laisse un message. Sinon, d'autres casse-couilles. Encore les beaux-parents. Cédric, hein, sinon, il est très casse-couille. Alors, dans l'équipe, on a dit qu'on fera un petit tour de l'équipe. Mais regarde le message. Là. Bah, tiens, il y a Célio qui nous dit moi, c'est ma belle-mère qui est une grosse casse-couille. C'est pas la première. Belle-mère, beau-père, ça revient bien, souvent, hein. Ouais. Les parents aussi, ça marche bien. Les petits frères, petites sœurs aussi, j'ai vu. Ça y est, Antoine. Comme casse-couille, j'ai une pote qui s'appelle Clara. Elle parle tout le temps. Elle s'arrête jamais. Ah ouais, ça me fait marrer, mais c'est pénible, mort de rire. C'est vrai, j'ai regardé sur les réseaux, on a eu un paquet de messages de gens qui parlent tout le temps et qui vous énervent. Il y a des gens, ils se sentent obligés de parler. Ah, mais tiens, Romano, alors, c'est passé ça dans ma vie. C'est super. Et le pire, c'est les voix aiguës où tu sais qu'ils te bouffent un peu. Ah oui, une voix mère, mais moi, je connais un mec. Tu sais, quoi, je vais pas dire qui c'est parce que. Voilà. Voilà, bonjour Romano, tu m'as reconnu. Mais le mec, quand il vient chez moi, tu sais, je sais que c'est ma hantise, je sais que ça va être chiant, quoi. Pourquoi ? Parce que le mec, en fait, il me parle. Mais il s'arrête pas de parler, quoi. Il parle. Il a des trucs à dire. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est intéressant, t'as envie de lui dire. C'est lui ? Ouais, t'as envie de lui dire, mais je m'en fous. T'as envie de lui dire, Cédric, ta gueule. Allez, bouge, le dire, il va encore se vexer. Ah, des gens qui parlent tout le temps. Moi, c'est ma mère, elle est trop toquée, il faut que tout soit bien rangé à la maison. Et elle me casse les couilles. Ah, moi, message de Farid. Ah bah moi je suis casse-couille alors. Farid, 18 ans. Ah, moi aussi j'aime bien. Bah oui, bah évidemment on a noté un casse-couille. Mais d'ailleurs on va témoigner dans l'équipe. On va vous dire les casse-couilles. Qui est-ce qu'on trouve casse-couille dans l'équipe et pourquoi? Commencez à réfléchir et on en reparle juste après le double appel. Et Lisa, tiens, qui voulait réagir là-dessus. En plus on va la prendre tout de suite, Lisa. Se tenir à carreau, elle est de Corse. Hein. Salut Lisa. Oula. Oui, salut. Oui, bonjour, salut Lisa. Salut l'équipe. Et il y aura Aziz salut. Aussi de Marseille. Oh là, on est bien dans le sud. Oh, Aziz. À Bastia et à Marseille. Salut Aziz. Ça va, normal et tout. Ça va et toi? Wesh mec. Ça va. Donc toi, on t'a chopé sur Snap. C'est Skyrock FM, le Snap de Skyrock. Hein. Ouais, c'est ça. Si vous voulez, si vous voulez aller mater tous les soirs ce qui se passe dans l'émission, tout ça, bah déjà vous l'écoutez, c'est déjà pas mal. Et en plus, vous pouvez aller sur Snap. Donc on t'a chopé sur Snap, Aziz. Et Lisa, bah toi, tu nous as envoyé un message ou tu nous as appelé, je sais pas. Oui, elle a envoyé un message et je l'ai rappelé derrière. Eh ben c'est bien, voilà, vous nous envoyez vos messages 41759 et avec la nouvelle appli Skyrock. Elle est bien la nouvelle appli, Lisa, tu l'aimes bien? Non, oui. tu l'aimes bien. Non mais dis-nous hein, s'il y a un truc qui va pas sur la nouvelle appli, n'hésite pas. Ah, elle est mieux qu'avant. Hein. Elle est mieux qu'avant, très bien. C'est bon. C'était le but. Et oui, avec le son HD de Skyrock pour nous écouter sur l'appli, télécharger l'appli Sky. Alors Lisa, dis-nous donc casse-couille, c'est qui était casse-couille? C'est toi, c'est quelqu'un de ton entourage, c'est ta mère, ton frère? C'est mon ex. C'est mon ex avec qui je suis restée 2 ans. Très bien, mais tu savais dès le début qu'il était casse-couille ou alors tu l'as découvert petit à petit? Ouais, j'ai découvert petit à petit, mais ouais, c'est bon, c'était fort, hein. C'est pas possible. Alors, c'est pour ça que je suis plus avec. Pourquoi c'était un... Excuse-moi, j'ai un peu l'émotion. Et l'odeur de Cédric. Et l'odeur de Cédric, aussi, ouais. Il est plus habitué, mais bon. Ça, c'est ça. Il est fouette. Hein. Et pourquoi il est casse-couille? Alors, quand je me maquillais... en fait, j'avais pas le droit de me maquiller s'il était pas là. D'accord, oui, genre tu vas essayer, genre tu, si tu te maquilles, tu vas essayer de séduire d'autres mecs. Voilà, c'est ça. En fait, il est énormément jaloux. Mmh. Je suis avec un gars, je suis assise à côté d'un gars. C'est la panique dans sa tête. C'est oui, mais bon, quoi, des fois, fait. Tu peux rien, quoi. Ouais, genre dans le bus, par exemple, t'es assis. Ouais, ou je sais pas, où tu prends l'avion. Monsieur. Bon, les places, ils sont attribuées. Ouais, c'est ah ça. Ah bah non, je ne peux pas m'asseoir à côté de ce monsieur. Lui, il veut changer tout le monde. Tu vas pas péter un câble dans l'avion. Le mec, il refait le porte cabine. Sérieux? Ah, mais c'est un tyran, ton mec. Un tyran. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui nous écoutent. Les gars, si vous êtes comme le gars de Lisa, n'hésitez pas à témoigner. J'aimerais bien qu'on vous ait à l'antenne ou alors que vous nous laissiez vos messages. Ouais, des trucs, c'est normal. Donc, des trucs, c'est normal. C'est normal. Tu as appris pas normal. Tu as appris à parler une autre langue, Cédric, pendant les vacances. J'ai appris à parler le belge. Oh là, c'est normal. Exactement, c'est normal. Mais pas moi, moi je suis pas normal. Non, mais ça, on te confirme. Comme mon visage. Oui, c'est pas normal. Mais pourquoi elle veut mettre une mini jupe quand elle est pas avec son. Voilà. Tu te souviens de la crise qu'il nous a fait une fois avec sa meuf? C'est pas une mini jupe, c'est genre une jupe jusqu'au genou. C'est la folie. Hein. Mais t'as un arriéré, toi, non? Et pourquoi tu l'avais tu pas vu au Moyen Âge? À qui tu parles? Ah, Cédric. Romano, il pense que t'es à l'arriéré. Non, mais sérieux, mais ta meuf, elle s'habille avec un décolleté, string qui dépasse, mini jupe. Non, mais déjà, string qui dépasse. Déjà, le string, il était pas dedans. C'est pas le genre, mais. Ça va, c'est le rendez-vous. Tu te souviens pas de la crise qu'il avait fait dans les couloirs? Non, mais je me souviens, ouais. Ah non, mais moi, elle s'habille comme elle veut. Ouais, c'est sortir en boîte. Non, mais je m'en bats les couilles. Tu sais, c'est pas. Je sais très bien qu'elle va pas s'habiller comme une pute. Ouais, mais si elle s'habille comme une pute, tiens. Non, mais non, elle s'habille pas comme une pute. Non, mais si elle s'habille comme une pute. Bah, elle s'habille comme une pute, je lui dirais, t'as vraiment des culs de pute. Comme une pute. Après, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Donc, toi, c'est la crise. Donc, dès que tu mets un truc, ouais, genre un décoté. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi. C'est déjà pas mal, hein. Si je reste avec des amis, je lui envoie pas un message, il pète un plomb. Ouais. Tous les combien si genre, toutes les heures, un message? Ah, oui, les messages, c'est tous les combien, ouais. Ah non, c'était toutes les minutes. Je lui réponds pas pendant 5 minutes. Ah ouais, genre, il t'envoie un message. Bon, faut que tu lui répondes tout de suite. Autrement, il t'en envoie un deuxième un peu plus agressif. C'est sympa de passer une soirée avec des amis. Ah ouais, putain. C'est vachement avec eux. Non, mais ça, c'est relou. Elle tombe. Tu vois, ah non, mais oui, mais au bout d'un moment. Enfin, lui, il t'envoie un message. Bon, faut que tu lui répondes. Après, le mec, il va te répondre et te reposer une question. Et t'arrêtes pas toute la soirée à envoyer des messages. Ouais, quoi. Parce que t'es avec des amis, quoi. C'est ça. Moi, je dirais que t'as bien fait de le lâcher. Ouais, mais c'est à cause de ça. Hein. Ah non, mais moi je comprends, c'est invivable. Toi, tu l'as vraiment largué à cause de ça, toi, Lisa? Non, pas vraiment à cause de ça, parce que j'en ai eu marre. Sa mère, elle te mettait dedans. Ah putain, la famille de merde. Ah, excuse-moi pour lui, hein, je suis désolé pour ça. Mais c'est quoi, la mère, elle donnait son avis aussi? Oui, elle est habillée comme une pute. Mais j'avais l'impression d'être en couple avec sa mère, en fait. Oui, tu t'habilles pas comme une pute parce que. Ah ouais, donc ta mère te surveillait aussi. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré combien de temps, cette histoire-là? 2 ans. Oh ouais, quand même. Ah ouais. Mais non, mais t'as du courage, hein. T'es solide, hein. Ah ouais, tu tiens le choc. Hein. Ils sont solides, les Corses, hein, ils sont comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous nous dites, là? Mais c'est vraiment un gros connard, ce gars. Alors ça, c'est évidemment un message de fille. Cédricette qui vient de nous laisser un message. Très beau pseudo. Mais il y a Jennifer Thompson, 22 ans. Bonjour, mais Jennifer Thompson. Ah voilà, il se fait insulter. Il y a plein de messages, là, qui arrivent pour ton mec. Colonel Charlie. Alors lui, il est du côté de ton mec. Tiens, on va faire, On va faire donc la guerre, c'est la guerre des sexes ce soir. Moi, une fois, ma meuf avait mis un décolleté, on voyait bien ses seins. Je l'ai embrouillée parce qu'elle était pas avec moi pour montrer ses seins aux autres. Vous êtes des ouf, les gars. Donc toi, colonel Charlie, t'es un petit peu comme Cédric. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Moyen-âgeux, quoi. Ouais, c'est ça. Ah si. Ah si. Moi, je comprends pas. Cédric, c'est un visiteur. T'es un visiteur, ouais. Ça recommence. Moi, je suis comme son mec. Pas de jupe quand je suis pas là. Pas de boîte, pas de pote, mec, etc., etc. Mathias, 20 ans, qui nous laisse un message. Elle est sympa, la vie de ta meuf. Il y a la Bilka qui dit mon ex était tellement jaloux que j'avais même pas le droit de jouer à Candy Crush. D'accord. Ouais, non, mais là, non mais là lui psychiatrique là. Oui lui ça va pas des masses. Hein. Salut Morbac, merci pour ton message. Il est fou le mec à cette meuf. Il a pas confiance en lui, c'est ça que ça veut dire. Eric du 62, il a 26 ans. C'est vrai que c'est ça que ça veut dire. Quand on est super super jaloux comme ça, c'est qu'il a pas confiance en lui. Il doit se dire même pourquoi elle est avec moi. J'étais en décolleté, enfin j'avais un décolleté, mais je l'ai fait une fois. Mais une fois, j'ai eu une fois un décolleté. Mmh. Il m'a dit oui, non mais le mets même pas si je suis là ou je suis pas là, ne le mets même plus jamais. Mais j'aurais dit, il faut savoir ce que tu veux. Quand t'es pas là, j'ai pas le droit. Quand t'es là non plus, tu me fais chier. Peut-être à la maison quoi. En fait, qu'est-ce que je fais de mon décolleté? Oui, c'est ça. Et sa mère, quand je suis au téléphone avec lui, je me dispute. Elle est là. Et c'est connasse. Ah, elle fait des commentaires. J'ai l'impression de me disputer avec elle, en fait. Ah, moi, la mère, moi, je me prendrais la tête avec elle, direct. Ah, moi, je l'aurais envoyé bouler. Ah, moi, elle vient s'incruster. La vieille. Sur Facebook, elle vient s'incruster. Putain, deux ans comme ça. Et la vieille folle, là. Ah, tu vas nous laisser tranquille. Non, mais c'est vrai, une mère peut te bousiller un couple. Ah, ben ouais, je confirme. Donc, je comprends l'accumulation, Lisa. Ouais, ça n'a pas été facile. Et toi, Aziz, alors, c'est qui, casse-couille? C'est toi le casse-couille? C'est quoi? C'est ta meuf? C'est qui toi, Aziz? Aziz, es-tu là? Oui. Ouais, moi en fait, je suis tombé sur une meuf en fait. La première fois en fait, t'as pas fait mal au moins. Hein. Non. Et alors? Ouais, comment tu vois, j'ai parlé en fait. C'est un matin du vin avec moi en fait. Je ne comprends absolument rien de ce que tu dis. Je ne comprends rien de ce que tu racontes. Ah, il est marseillais aussi, Karim. Je sais que tu es parisien, mais je ne comprends absolument rien. Faudra arrêter le patois, Aziz. Est-ce que le patois. Ah, laissez-moi parler en provençal. Quelque chose de pétanque. Cochonou. Bon, les Marseillais, vous avez dû comprendre, les autres, on a eu un peu plus de mal. Alors, redis-nous depuis le début, Aziz, redis-nous ce que tu nous as dit, mais sans patois. Ouais, Bon, t'es tombé sur une meuf, ça on avait compris. Ouais, je suis tombé sur une meuf. T'es pas fait mal. Ouais. En fait, la première fois que j'avais parlé, en fait, c'est elle qui était venue et, on m'a envoyé des je t'aime et tout, mais je suis en courant, en fait, j'ai connu de nulle part. Bon bah écoute, tu peux te dire au début t'es content si t'es célib, t'as une meuf qui te parle comme ça, tu vois que tu la sers facile, c'est plutôt cool, non? Ah, le problème était moche, ça le problème. Ah, elle était moche. Ah, d'accord. Ah ouais. Donc elle était casse-couille en fait. Elle aurait été super bonne, t'aurais kiffé grave. Voilà. J'aurais dit ok, mais. Ouais, mais il peut rien, c'est les moches. J'ai également moi des amis moches. Ah, Cédric. C'est pas facile à vivre tous les jours. Hein. C'est très moche, c'est vrai qu'il est très. Les BG. Ah, merci, Mike. Donc en fait, elle a pas arrêté de te harceler. T'as des goûts de chiottes quand même. Et beau gosse, Cédric. Ouais, c'est sacré goût de merde, Aziz. Et donc, Aziz, cette meuf, pourquoi elle est casse-couille? Parce qu'en fait, elle t'a pas lâché, elle te lâchait pas. Ouais, c'est après, finalement, elle a réussi à vendre mon numéro. Ah ouais, c'est ça, d'être un beau gosse, Aziz. Elle t'a harcelé. C'est ça. Ouais, voilà, commence à marceler. Harceler par une moche, le Aziz. Ça te rappelle des souvenirs, Romano, dis donc? Non, quand même pas. Bah, Romano, lui, ça lui rappelle des souvenirs. Ah, ou juste harceler par une moche, hein. Tête de panda, qu'elle s'appelait, la meuf. Tête de panda, t'imagines la gueule d'un panda, hein. Sur la tête d'une meuf, et tout ça de manière un peu disproportionnée, puisque la tête était plus grosse que le corps. C'est ça. Ouais, non, elle avait la tête qui dépassait des épaules. C'est quand même pas normal. C'est vrai. Ou alors elle a de toutes petites épaules, ou elle a une grosse tête. Non, mais elle avait un problème. Non, mais une grosse tête, ouais. Ah, je pouvais pas. Bon, j'imagine que. Je suis ouvert, mais là, c'était trop. Au final, cette meuf, tu l'as envoyé bouler, Aziz. Ouais. Ouais, bon, ah bah, ouais, ouais, bien c'est fait, ce qu'il faut faire. Bien fait d'envoyer si bouler. Si elle est au bout du rouleau, etc. Ouais, bon, écoute, il vaut mieux plaire, même si elle sert à quelqu'un de moche, c'est pas mal. Ouais, enfin, quand te harcèle derrière, merci, quoi. Parce que je te dis tout le temps, Romano, écoute, Cédric, essaye de te séduire. On le sent bien dans l'émission. On sent qu'il est excité quand il arrive devant toi et qu'il se dandine comme ça, comme une grosse biatch. Voilà, comme ça. Mais de toute façon, il vit dans mes couilles. Ouais, c'est ça, il aimerait bien, tu sais. Tout le monde a remarqué. Oh là, j'aimerais bien vivre dans tes couilles, je mettrais la tête dedans. Tu sais quoi, je vais te sceller avec le maçon petit. Je me les mettrais dans les narines, comme ça. Mais casse-toi de là. Ça sent trop bon. Je vais mettre ma main dans tes narines, tu vas voir. Bon, en tout cas, quand c'est quelqu'un avec lequel tu sors pas, c'est plus facile à gérer pour toi. Pour toi, Aziz, c'est plus facile que pour Vivi. Enfin, Vivi, ça va, elle est amoureuse, elle est jalouse, il est jaloux, ils sont casse-couilles tous les deux. Bon, ça va, ça passe. Mais c'est plus facile à vivre que l'histoire que t'as eue, toi, Lisa, tout à l'heure. Ah ouais, putain, le casse-couille de première, quoi. Le tyran, quoi. Ouais, le tyran, c'est ça. Non, mais c'est ça. Bon, on reviendra en casse-couille tout à l'heure, là. La tyrannie. Gros bisous, d'ailleurs, ma Corse, là. Lisa, on t'embrasse, t'en vas déjà. Bisous, Lisa. Oh yo. Et Aziz, on t'envoie le t-shirt Skyrock aussi à la maison. Vous envoie ça tous les deux. Là. Et de rien, de rien. Dédicace, vas-y vite. Et on prépare les familles de nous l'appel. On est prêts. Tout même prix, franchement, c'est 56. Oussama et David. Salut Oussama, salut David. Oui. Et allez loin. Ah tiens, juste un petit avis. T'as vu Lyon, il perd 1-0 contre la Juve. T'en penses quoi? Ah, je crois qu'ils vont se faire défoncer. Ouais. Ouais, génial, génial, c'est cette beau, émission. Ça. On apprend des trucs, génial. Et Monaco qui gagne 3-0. 3-0 à la mi-temps. Et c'est la mi-temps, la fin de la mi-temps bientôt et le match à suivre évidemment en direct avec vous. Tiens, d'autres messages pour les casse-couilles. Vous connaissez les casse-couilles, n'hésitez pas. Puis on fait un tour de l'équipe juste après le double appel que je vous ai promis. Les familles, elles sont là. Moi, j'ai fermé tous mes volets, puis j'ouvre plus, hein. Oh, bah, écoute, hein. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Oh, après, je vais devoir refaire tous mes carreaux, de la zuc. Le double appel de Difool sur Skyrock. J'ai vidé mes couilles, là. Espèce de petit con, petit chalot, va. Bah oui, mais faut pas salir les carreaux avec tes couilles vidées. Bah oui, Patrick, faut pas gicler sur les carreaux de la dame. Bah oui, faut pas gicler sur les carreaux. Après, j'ai de faire les carreaux à la zuc, hein. Ah, bah oui, puis je vais fermer mes volets, parce qu'après l'autre, il va encore gicler sur mes carreaux. Absolument, ouais. Bon, est-ce que Patrick est là, Romano? Bah, bien sûr, oui. Ah, il est là. Très bien. On l'a dans notre ordi, Patrick. Il a le droit de parler aux familles. Pas nous. Donc, on va passer un petit coup de fil. Vous êtes prêts? On prend les numéros que vous nous avez laissés ce soir depuis 21h. C'est ça. On n'a pas pris dans nos archives, dans tous les numéros que vous nous avez laissés là depuis le début de la saison. Mais on a pris, numéros tout frais, tout chaud. Alors, qui c'est qu'on met en contact ce soir? Deux familles. On commence chez Pascal et chez Paul. Donc, les deux sonnent. Et les deux habitent dans le 62. Pascal et Paul. C'est Nico du 6-2 qui nous a donné. Eh ben merci, merci Nico du 6-2 pour les deux numéros que tu nous as laissés. Vive le 6-2. Allô? Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Allô? Oui? Allô? Bah, allô? Allô? Oui, comment vas-tu? Ça va. Bah très bien là, bon. Et toi? Ah, c'est bon là. Hein? Absolument. Mange-toi un peu là. Bonsoir, alors. Écoute, tu le suces bien. Comment? Décalote complètement. Moi je suis décaloté complètement. Oui, alors que tu veux que ça me foute? Bah moi je suis à WP là comme d'habitude. Allô? Il est là. Oui, allô? Là je suis à poil là. Ah bah, que ce que ça me fasse. Deux, trois doigts dans le cul. Elle bave, là. Bah, c'est bien, là. Et je peux te dire que je vais te baiser... Bien comme il faut. Tranquillement, ouais, avec ta queue à l'air, là. Tu mets un petit peu de savon, là. Tu l'as sodomise, ça fait du bien. Mais tant que ça, tu payes pas le téléphone? Non. Je suis en train de masturber, là. Ah bah, c'est bien. Surtout si elle commence à bien froid de vous m'assurer un petit peu, non? Mais t'as pas trouvé un mec? Surtout si elle commence à bien te frotter et puis à bien te sucer et tout. T'as pas trouvé un mec? T'es en train de te faire baiser ou pas? Non mais toi, ça te fait du bien? Avec un god et tout ça. Ça te fait du bien, toi? Absolument, oui. Ah bah c'est bien, c'est formidable. T'es en train de te baiser comme il faut, là. Tu peux dire au connard qui rigole derrière que ça n'a rien de marrant? Ouais, je suis pas un connard, moi. Attends, t'arrêtes direct, monsieur. C'est Pamela qui rigole. Allô? Oh, comme tu t'es fait respecter. La mise à la main. La classe. Tu lui as mis. Vous entendez ça, Romano? Deux boules. Impressionnant. 1m54 de muscles. Il est parti chialer chez sa mère. Exactement. 1m54 de muscles. Alors, je vous raconte un peu parce que moi j'avais le standard en visu, donc je vois le standard. Et la dame qu'on a eu au tout début, elle est restée à l'écoute de la conversation. Qu'est-ce que c'est que cette merde? À un moment, elle a raccroché, mais elle est restée au moins pendant 2 minutes. Elle a tout écouté. Avec Patrick qui était là, je suis en train de me masturber. Ah mais dis ça, bon, tu l'as en train de pour le masturber là. Voilà, mets du savon et tu l'encules. Bon, oui, on vous mettra le nouveau Joule tout à l'heure là. Oui, oui, on va vous le mettre. Il y en a plein qui le demandent, ça se fait plaisir. On a le temps de faire une autre. Oui, on a le temps de se faire une autre. Bah oui. Allez, on a le temps de se faire une autre famille, on y va. Allez, remets une tournée. Une tournée pour la Marie. Remets une tournée, Jean-Louis. Allez, et une tournée. On va dans le 45. Ouais. Très bien. Putain, mais t'as combien de numéros dans le 45? Allô. Allô. Allô. Oui. Oui. Oui. Allô. Oui, j'écoute, oui. Allô. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Dis allô, allô, mais y'a rien. Oui. Oui, alors j'écoute, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'appelez, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vous appelle pas, moi. Vous foutez de moi, quoi. C'est vous qui venez de m'appeler, là. Oh bah non. Non, non. Moi, j'ai appelé personne, hein. Allô? Oui. Oui, comment vas-tu? Qui est au téléphone? Moi, je suis Patrick, hein. Vous êtes Patrick? Eh ben, c'est bon, et puis? Qu'est-ce que vous voulez? Tu la branles bien, comme il faut, là. Hein? Tu me feras une pipe au champagne. Tu me feras une pipe au champagne. Allô? Allô? Oui, c'est quel sujet? Allô? Oui, allô? Voilà. Oui. Pourquoi vous m'appelez? Non, mais tu... Moi, j'ai appelé personne, là. Ça fait trois fois qu'on a un coup de téléphone de chez Poki qui déconne, là. Et vous, tu m'appelles, moi? Moi, j'ai appelé personne, moi. Bah, comment ça se fait que le téléphone, il sonne, bien? Ah, que c'est que ces conneries-là, là? Ouais, allez. Allô? C'est moi qui t'appelle, t'es pas un PBR, là, non? Tu veux te faire ce demi-dit, là? Bon, ouais, connard, on va te faire foutre. Qui c'est qui a appelé l'autre? C'est toi qui m'appelles? Je suis précoce, en fait. Oui, mon couillon, on va te faire foutre, enculé. Oh. Le belge, il se fait maltraiter. Le cheval s'est passé. Oui, le belge, ouais, il se fait maltraiter, Cédric. C'est autant moi, je mets le mec à l'amende que Cédric, ouais, c'est la victime. Ouais, ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que l'émission, moi, c'est diversifié. Chaque membre de l'équipe a son rôle. Ouais, ça. T'es sûr, fait ouais. Malmener, quoi. Mais aussi, tu t'es fait traiter. Enculé, il t'a dit le mec. Tu t'es insulté, t'as raccroché à la gueule. Enculé, Cédric, t'as vu? T'as parlé dans le double appel. Et à ce moment-là, enculé. C'est dingue, quand même. Venez du cœur, en plus. Oui, du cœur. Bon, et Robano, donc toi, t'as mis la famille à l'amende juste avant. C'est bien. Merci, les familles. Merci pour les numéros. Parfait. Et c'est bien quand vous avez plein de numéros comme ça. Donc là, on a fait un triple appel. Il y en a eu trois. On en a appelé un deuxième au milieu. Vous avez entendu? Oui, on a entendu un bordel là-dedans. Voilà, notez dans le 45. Salut le 45. Bien joué. Bonjour Orléans. Big up tout le coin. Big up le Loiret. Bon, dans un instant sur Skyrock, les casse-couilles, on va y revenir. Vous tous et vous tous en direct, hein, si vous avez envie de parler d'un truc, vous n'hésitez pas. C'est sur la nouvelle appli Skyrock, vous la téléchargez, vous envoyez vos messages. Et évidemment, sur le 41759 et sur le skyrock.fm. Allez-y. Et dans un instant aussi, on aura Thomas, justement, pour les casse-couilles. T'es là, Thomas, déjà? Thomas? Allô. Thomas? Ouais, Thomas. T'as un casse-couille? Ah, j'entends mal. Ah bah oui. Ah, ça aujourd'hui il marche très bien le standard. On a fait des tests avant. Attends, Diffoul a fait de la mécanique. J'ai passé la journée à réparer le standard de Skyrock. Ouais, bien sûr. Bah, je te dis, avant minuit le truc nous lâche. Bah c'est clair. Avec ma pourri qui a foutu les mains là-dedans. Bon, t'as chopé sur le snap de Skyrock, toi. Bon, il peut également passer dans l'émission en nous laissant des messages sur le snap. Donc toi, c'est pour nous parler d'un ou d'une casse-couille. Tu vas nous dire. Et puis on fait un tour de l'équipe avec chaque membre de l'équipe qui doit choisir un casse-couille dans l'équipe. Ou alors même deux si vous avez. Ou même trois hein, si vous en connaissez plus. Peut-être même 4 ou même 5. Allez, hop. Bon, on fait le tour de l'équipe et vous allez nous dire pourquoi on est casse-couilles. Vous avez des potes casse-couilles, des parents casse-couilles, des beaux-parents casse-couilles, de la famille casse-couilles, une copine casse-couille, un mec casse-couille. Eh bien, on y revient. Tu bouges pas. Toi, c'est la copine. C'est qui, toi, Thomas? Ah, c'est ma copine. Les filles, restez dans le coin. Représente, hein. Ah, ça va. Représente bien, hein. Allez, on revient tout de suite sur Skyrock. Bougez pas. Et dans une demi-heure, on se met le nouveau ghetto phénomène. Bon, plein de gros sons à écouter ce soir. Un gros clash à retrouver. On a eu un bon double appel aussi. Bon, la soirée se déroule bien et on parle des casse-couilles, mais pas que. D'ailleurs, si vous voulez parler d'autre chose, allez-y au 41759 sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages et on vous retrouve en direct. On avait promis de faire un truc. Les casse-couilles de l'équipe. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi réagir parce que vous nous connaissez bien. Vous nous retrouvez le matin, le soir ou le matin pour les autres. Vous pouvez d'ailleurs nous dire qui est-ce qui est casse-couille dans l'équipe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est casse-couille et pourquoi? N'hésitez pas à 41759. Vous avez tous les droits. Quand on dit que c'est Radio Libre, vous avez le droit de dire absolument tout ce que vous voulez. Donc les casse-couilles, vous nous faites signe. Et puis bien sûr les casse-couilles que vous avez dans votre entourage. Moi, vous je en choisis parler. Toi direct. On aura, pardon. Moi je suis là, en train de me demander. Ça se vaut quand même. Hein. Pour Diffoul et Cédric, ça se vaut pas mal. Mais pas dans les mêmes domaines. Ouais. Merci, chacun sa spécialité. Merci. habitué. Mais c'est propre, vrai. Moi. Non, mais ouais, mais on est sur les casse-couilles là. Ouais, bah casse-couilles. Non, ouais. Mais tu sais que tu casses les couilles des fois. Moi, je casse souvent même. Ouais, quand t'avais ta Sandini. Je vais te le dire en toute amitié. Vous entendez comme t'as ils bien sont fait de poser la question. Ils sont ingrats dans l'équipe. Hein. Vous devriez refaire le clash de l'embrouille, nous dit Guigui, 15 ans. Et t'as raison, ça va venir, t'inquiète, ça va se terminer en clash de l'embrouille, l'émission. Là. Bon, j'attends du soutien. Hein. 41-759 avec l'appli Skyrock, n'hésitez pas. Je viens d'être diffamé. Je viens d'être diffamé en direct sur Skyrock. Je vais appeler mes avocats. Ah oh bah oui, porte plainte. Non, mais de toute façon, c'est quoi vos arguments de merde pour bah, parce que par exemple, quand t'as un truc. Attends, quand t'as un pet de travers, un truc de merde. On va prendre des exemples concrets. Thomas, est-ce que tu me trouves casse-couille, toi? Hein? Ah, non, ah, la réponse, c'est pas un, même si tu habites à Amiens. C'est non. La réponse, quand je demande est-ce que tu me trouves casse-couille, il faut répondre non, Thomas. Bah, franchement, non, ça dépend des jours. Hein. Il y a des jours où il est lourd. Ouais, voilà. Pourquoi je suis lourd? Bah, quand t'es malade. Non, mais genre, ouais, quand t'es malade, mais t'es un relou. Mais j'en parle jamais. Ça, hein. Non, mais c'était sûr. Est-ce que je vous ai dit aujourd'hui que j'avais mal à l'épaule? Oui, tu l'as dit. Non, mais je te le dis, on se dit les choses. Moi, franchement, quand des fois tu casses les couilles, j'aurais envie de te taper. Viens, Romano. Qu'est-ce que tu vas te taper? Mais t'éclates en deux secondes. Non, mais toi, t'es un gros suceur. Salut. Tout de suite, mon pote. Ah, je pense pas, non. Ah, bah, je suis sûr, moi. Je te balance mon épaule. Je me démonte mon bras, je te balance mon épaule, c'est comme ça. Non mais attends, t'as vu comment il est gaulé? Ah. Non mais Difool, tu sais ouais, qu'il est casse-couille. Comme une meuf gros, tu sais quand tu regardes un film avec lui, il veut savoir avant ce qui va se passer dans le film. Bah je commente le film, oui. C'est quoi ça? Ça vous casse les couilles, ça. Tu sais, il y a un film, un moment de suspense, qu'est-ce qui va se passer? Bah il va oui lui faire ça, et la meuf elle va sortir à ce moment. Tu sais, il pose des questions gros sur le. Sinon quand tu vas au restaurant, il veut tout le temps choisir le restaurant, parce qu'il va tout le temps dans le même oui, restaurant. Mais, quand il va bouffer avec toi, je peux le comprendre. Ah, merci Romano. Désolé, objection monsieur le juge. Question de vie ou de mort, c'est un argument recalé par le tribunal. Ah, j'apprécie. Non mais là, ouais, non mais. Non mais le pire dans les films, c'est quand quelqu'un comprend pas. Non, t'es en bagnole. Il te pose des questions, mais tu sais que même dans les films. Non, mais il y a des films au début. Le plus compliqué pour moi, les films, c'est les 10 premières minutes. Faut que je rentre dedans. Si je rentre pas dedans, après, ça me casse les couilles. C'est la première heure. Donc, tu casses les couilles autour de toi. Et en voiture, comment ça se fait que t'es casse-couilles? Il faut que tu rentres dedans aussi. Tu rentres dans la route pour. Tu sais que c'est comme les matchs de foot. Un jour, on regardait un match de foot et il y a un joueur qui a baillé, je sais pas pourquoi. Il m'a regardé, il m'a dit: pourquoi il baille? La question. Attends, je sais pas, je vais lui demander. Ouais, attends, je l'appelle. Non, mais je partage. Quand t'es avec quelqu'un et que tu regardes un match, non, pas, t'as, partage, des potes, t'as des potes à la maison, tu poses des questions. Bien sûr, mais pas des questions de merde. Tu vois, un match, tu peux parler. Un film, c'est chiant. Pourquoi il baille? Un film, c'est chiant. Bah, un film, c'est chiant quand quelqu'un ne parle tout le temps. Il ne fait que ça. Infernal. Un match, tu peux il arrête pas. Alors, j'ai pas le droit d'être malade. Donc, ça, c'est pour Romano. Non, mais si, t'as le droit d'être malade, mais fermez ta gueule. Voilà, c'est ça. Il y a plein de mecs comme ça. Ah, quand t'es malade, ça se comprend que le mec il se plaigne. Ah, non, c'est tous mis merci sur les Cédric. Foules, là. Avait... Non. Merci Cédric. Ah putain, hey, putain le Cédric, t'en es quand même temps rendu à être défendu par Cédric. Ah, ouais. Eh ben écoute, je prends ce qui reste. Ah, non, heureusement, merci Antoine pour ton message. Mais non, Difool, t'es gentil, t'inquiète. Ouais, ouais. Non, mais attends, t'inquiète, on va s'occuper de ton cas après. Là, je suis pas sûr que Difool te défendra. Il y a PSG77 qui dit: Difool, c'est un casse-couille avec Romano, et Romano, c'est un casse-couille avec Cédric. Je suis pas casse-couille avec Romano, c'est lui qui supporte rien, il a les nerfs. Non mais c'est du harcèlement. Il a les nerfs à fleur de peau. Du harcèlement, harcèlement. Non mais moi je sais que je suis fragile nerveusement. Ah, il est fragile. À tout moment je peux exploser. Regarde. Ah, je suis un peu comme toi. Gothique. Non, là ça va. Gothique. Non mais là je suis en phase concentration extrême pour le clash de la drague. T'as raison, on attaque là. Dans un instant. Et ouais. Bon alors, à part qui donc les casse-couilles de l'équipe, à part moi, il y a qui? Ah bah, non mais trouvez quelqu'un d'autre quand même. Ah bah si, il y a Cédric. Cédric, ah bah, c'est un ah ouais, rôle. Alors vas-y, pourquoi je suis casse-couille? Alors par exemple, alors, putain, je sais pas si on aura le temps avant minuit. Par exemple, ça je pense que dans l'équipe tout le monde sera d'accord. Bon, sauf ceux qui ne l'appellent pas. Ah ouais, au téléphone quand il te pose. Au téléphone. Mais ah ouais, ça c'est. Mais franchement, mais t'es. Non mais ah, t'es chiant, ouais. C'est, et c'est de l'impolitesse. Parce qu'en fait, tu vis ta vie en même temps que tu parles au téléphone. Non mais tiens, ce que je fais. Non. Alors par exemple, Cédric, quand t'appelles, t'es en train. Je sais pas, t'es dans la rue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Par exemple, le mec. Bon, tu discutes avec Cédric, et à un moment donné, Cédric il va rentrer dans une boulangerie, et le mec va aller acheter à bouffer, et toi tu lui parles, et en fait en même temps il parle à la boulangère. Ouais, voilà, bonjour, je voudrais un gland, madame, s'il vous plaît. À ce moment-là, il t'écoute plus du tout. Non, voilà, là, tu raccroches. Non, mais moi ce que je fais maintenant, c'est que je raccroche. Bah, ouais. Je commande mon gland. Je vais prendre un gros gland, vous le mettez plein de crème dedans. Non, ah, ouais. Ouais, c'est un non mais je suis fait, à la boulangerie, c'est à mon tour, je vais pas dire à la meuf, excuse-moi, je suis avec Romano au téléphone. Non, mais tu peux dire, excuse-moi, attends, je commande deux secondes. La politesse, tu peux savoir vivre. A priori, ça c'est inconnu. Non, ouais. Moi je sais pas, je vois. Non, mais je te jure, c'est un peu. Bah vas-y, appelle quelqu'un et la personne, tu lui parles et elle parle à quelqu'un d'autre. Tu vas voir comment ça va t'énerver en deux. Après, le pire, c'est qu'il ça va peut-être lui arriver dans le clash dans un instant d'ailleurs. Oui, bah ça, c'est régulier. Ça le teste. Toi, Samy, quelqu'un de casse-couille dans l'équipe? Bah, le belge, ouais. Encore? Ouais, c'est rend fou. Il veut tout savoir. C'est ouais, c'est ça, il se mêle de tout. Alors, je suis une commère. C'est rend ouais. Je suis une grosse commère. Je veux tout savoir. Non, mais tu sais que, Samy, ça sera confirmé par Cariole. Cariole, ça faisait un moment qu'elle ne l'avait pas vu parce qu'il venait plus le matin. Monsieur avait décidé de prendre des vacances. Allez, c'était en congé. Super, ouais. Mais je te jure, t'es revenu ce matin. Mais on est rentré, on en parlait dans la voiture. Tu es à bout de nerfs. Mais non, non, mais en fait, tu lui as mangé la tête ouais, déjà. Ouais, c'est quoi. Ça, tu manges la tête. En 3 heures, mais. Pourquoi ça? Genre, elle était, mais, elle était ça, épuisée. Mais t'as m'envoyé des photos avec des cœurs toute la journée. Tu mais non, mais elle fait des tests avec la mise à jour de l'iPhone. Il y a des nouveaux trucs, tu peux faire des dessins. Et, faire des dessins. Elle s'est découvert un talent de dessinatrice. Ah ouais, mais. Le jour, elle a dessiné Cédric, je crois que c'était un chien. C'est dire le talent. Donc, Samy, c'est Cédric aussi. Ouais, casse-couille, il rend fou. Bon, moi, je vais prendre la Marie. Moi je suis casse-couille. Ah bah ouais Marie. Ouais, quand... je suis casse-couille oui. Non, alors t'es casse-couille chirée toi Marie juste. Quand elle est bourrée, ouais, qu'elle voilà, te hurle dans les oreilles. Ah, je te dis ouais. Thomas, je sais pas si t'as des copines qui sont bourrées, quand elles sont bourrées, elles te hurlent dans les oreilles, qui répètent tout le temps la même chose. Et qui poustillonnent aussi. Et tu comprends rien en plus qu'elle dit. Et qui pue de la gueule. C'est l'alcool. Bon merci. Vous voyez qu'en ayant choisi Marie, c'est pas mal. Non, c'est vrai. Cool, merci. Non mais c'est des phrases, tu comprends rien. Si elle répète tout le temps la même chose. Non mais en général tu fais un blocage. Ouais. Tu fais un blocage. Vous êtes chauve, monsieur Romain. Ouais, ou alors, je sais pas, on va parler de clés. Et jusqu'à minuit, tu vas nous parler que de clés. Clés ouais. Et clés. Ah ouais. Mais sur tous les sujets. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, on va parler de la météo. Et la clé. Et les clés. Et la clé. Marie, tu donnes des bons conseils, tu es gentille, toi aussi. Les messages qu'on nous donne, qu'on nous laisse. Romano, tu ne trouves pas que tu es casse-couille avec Difool. C'est ton ami, il est malade, et tu le critiques. Ah, tu vois, quand je suis malade. Non, mais vous avez la version déjà à l'antenne. Oui. C'est-à-dire que nous, c'est double. T'es en train de visiter ton appartement, Thomas. Thomas, il fait son Stéphane Plaza. Ouais, c'est ça, ou du sport. Mais non, mais oui. Ouais. Mais toi, nous, vous entendez qu'à l'antenne. Toi, nous, vous. Oui, non, ce sont des. Toi, nous. Vous entendez qu'à l'antenne. Nous, on a droit à la version supplémentaire hors antenne. C'est-à-dire que pendant toutes les pubs et tous les gémissements. C'est-à-dire que tu ne peux pas écouter un son, puisque Difool. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci pour tous les messages. C'est gentil. Là, sinon, Difool, quand il arrive, il a un rhume. Il arrive avec un sac de médicaments. Ah ouais, toujours, ouais. Mais genre, comme s'il avait fait ses courses, tu as vu. Et il te pose ça sur la table, comme s'il avait un traitement. Lourd. Ah ouais, mais c'est un truc. Tous mes médicaments, ils soulèvent des aspirines, des doliprane. Et je les prends en plus. Ah oui, mais bon, c'est du doliprane. Pour ta défense, il y a plein de mecs qui sont comme ça. Hein. Ouais, merci. C'est vrai. Il y en a même qui nous laissent des messages. Classique. Bon, alors, toi. On voit que tu suces Difool dans l'équipe. Hein. Il y en a deux, il y a Cédric et Marie. Non. Bah, je préfère me faire sucer par Marie, à choisir. Ah bah, Cédric, pas moi. Enfin, le mec, je défends et il me chie dessus. Moi, que, pas toi, Cédric. Oh, s'il te plaît. Non. Vas-y, laisse-moi te sucer. C'est ça. Bah, ça va, je suis pas si relou que ça. Une crise d'acné. Ouais, c'est vraiment la semaine dernière dans le best-of de l'émission, dans la spéciale, on vous a mis un truc sur l'acné avec Cédric qui n'avait plus d'acné le jour où on avait enregistré l'émission. Ah bah là, putain. Et là, tu reviens de vacances, et oui. T'en as plein d'acné autour de la bouche. T'as un bouton de fièvre. Mais laisse tomber. T'as roulé une pelle à quelqu'un de sale, non? Non, c'est sur les rasés, j'ai mis un après-rasage. Périmé. Foireux. Ouais. Ah ouais, ouais, je te jure, laisse tomber. Tu m'aurais vu là il y a quelques jours, j'avais des stars comme as. Ah, c'est pas mal. C'est là, sanglant. Pas mal. Ah, ouais, mais là, pas mettre une photo sur les réseaux. Quel non, ça va aller. Un gros ouais. Plan. Vous mettez la photo comme ça, vous pouvez la voir. Rien du tout. C'est Walking Dead le truc. On a fait à peu près le tour de l'équipe. Tout le monde s'est défoulé sur quelqu'un. Ça va. Ça y est, c'est bon. Casse-couille que ça. Ça y est, c'est bon. Ça va, moi, il y a personne qui a dit Karim, donc tranquille. Non, toi, ça va, t'es pas trop casse-couille. Non, t'es bonnet. Ouais, t'es un dans un coin et tu restes. On te pose et on est tranquille. C'est mieux qu'être casse-couille, quoi. Tiens, reste là, je reviens dans deux jours. Oui. Bon, Romano est tellement intolérant qu'il pourrait dire ta gueule à un muet. Bien dit ça, c'est Kninja qui nous laisse ce message. Non, je suis pas intolérant. Salut Kninja, ça c'est bien vrai. T'es tellement intolérant que tu pourrais dire ta gueule à un muet. Un muet, c'est ça, ouais. Mais vas-y, la prochaine fois que t'es malade, on t'envoie chez un auditeur. Le mec, au bout de deux jours, il te fout dehors. Même pas deux jours. Ta gueule. Tu m'accueilles chez toi, Thomas? Bah ouais. C'est gentil. Ta valise de Thomas, il est bien, Thomas. Et donc, toi, dans ton entourage, t'as qui de casse-couille? Ah, ma copine. Ah, allez, oui, quand vrai, même. Tu nous as dit, c'est ta copine. Bah pourquoi c'est reparti? Bah quoi? Non, mais c'est bien, témoignage, vérité. Skyrock. Cela dit, on a eu Lisa qui était avec un tyran, donc bon. Oui. Ça va. Et puis juste avant, on avait quand même eu Vivi qui était elle, une belle casse-couille ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est bien partagé. Qu'est-ce qu'elle te fait, ta meuf? Écoutez bien, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs à vous qui nous écoutez, les gars. Ouais, donc en fait, ma meuf, elle est toujours jalouse de moi. En fait, dès que je parle à une meuf, en fait, elle est jalouse, elle veut pas que je parle à. Bah, aucune meuf en fait. C'est marrant parce qu'on a eu le témoignage tout à l'heure, qui a le témoignage de. C'est Lisa, hein, de Bastia avec son mec là, qui voulait pas qu'elle mette de jupe, de décolleté, tout ça. Toi, c'est dans le même style, mais c'est dans le sens inverse. C'est ta meuf. Ah, vous voulez pas que tu mettes de jupe aussi? Non, t'as pas le droit. Et les décolletés interdits. Oh, bah alors ça. Non, voilà. Donc, ouais, toi, c'est pareil, elle veut pas que tu parles avec le sexe opposé, on va dire. Ouais, voilà. Elle veut pas que j'ai de potes féminins, en fait. Et si t'as. Mais t'en as des copines, comme tout le monde, on a tous des copines. Bah non, j'ai pas le droit d'en avoir, en fait. Mais t'as plus de copines? Bah non, j'ai tout zappé. Mais j'ai qu'un pote. Ah, t'as plus qu'un pote? Ouais, bah ouais, profite-en, il t'en reste un, donc il fait une bise. Mais tu vas péter un câble au bout d'un moment. Oula. Ah bah ouais. Qu'est-ce que t'as? Problème de chaise. Ah, rien de grave. La chaise est trop haute. C'est vrai. T'arrives plus à monter dessus. Bah oui. Il a grimpé. Mais sur l'échelle. L'escalade. C'est un an que je la supporte en plus. Mais ouais, tel que t'en parles là, on a l'impression que ça va pas durer cette histoire, que ça commence quand même à te prendre la tête. Ah bah tu m'étonnes. Bah un peu quand même, ouais. Mais admettons, t'es dans la rue. Tu parles avec une meuf que tu connais et là ta meuf arrive. Est-ce qu'elle est capable de se donner en spectacle dans la rue ou alors elle attend que la meuf soit partie pour te prendre la tête? Non, elle va me dire c'est qui? Bah je vais dire c'est une pote. Mais devant elle, Devant elle. Hein? Devant elle, genre elle va arriver, elle va taper un scandale ouais, devant la meuf. Ouais, bah ouais. Ah ouais, mais moi, ah ça, ouais, c'est pas possible. Moi, non, parce que ça t'humilie, quoi. Ah, puis dans la rue. Non, non, mais puis se donner un spectacle dans la rue, moi, c'est une limite, ça, que. Pareil. Qui est infranchissable. Ah ouais, faut pas dépasser la limite. Ah non, mais c'est la honte. Mais tu l'as jamais. Tu rigoles bien quand c'est les autres que tu vois se mouiller, mais. Ouais. Non, c'est la honte, quand même. Ouais, tu rigoles, mais tu te dis, j'aimerais pas être à sa place. Non, c'est clair. Et toi, quand elle te fait ça, tu réagis comment, toi, Thomas? Bah, j'en ai marre, en fait, un peu. Ouais, mais tu lui dis rien, tu lui fais pas. T'es un peu soumis. Bah non, je dis rien, je m'en bats les couilles. Non mais devant la meuf, tu je sais pas, tu ah ouais, ça t'affiche, tu fais la victime ou tu non, tu l'envoies bouler. Ah oui, quand même. Oui. Ah ouais, faut lui dire. Ouais. Oui. Non mais faut se connaître. C'est insupportable. Mon avis. Non mais le problème, tout à fait. Ce que j'en pense moi. Le problème c'est quand t'acceptes ça au début, après tu t'arrives pas à t'en dépatouiller. Hein. Elle va pas comprendre si tu vas avoir des copines. Ouais, dès le début, faut mettre comme on dit le rôle là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Merci. Aïe aïe. Alors, en fait, ouais, il faut lui dire que t'as pas envie de supporter ça. Ouais, mais parfois au début, on laisse passer des trucs et on devrait pas. Bah, c'est exactement après, elle prend ça. Confiance et c'est de pire en pire. En ou fait. Alors, faut genre la quitter pour qu'elle comprenne et puis. Marie, un gros jaloux. Bah, on a déjà fait une pause, tu vois, mais. Un break. Ça a servi. Ouais, un break, voilà. Ça, bah, elle s'est calmée pendant un moment. Bah, ça s'est calmée pendant les. Bah, pendant le break, déjà, elle était calmée. Hein. Oui, bah, ça, c'est clair. Ouais. Puis après, bah, ça a recommencé, quoi. Oh putain. Ouais, faut pas s'interdire de vivre pour quelqu'un. Ça, c'est vrai. Sinon, faudrait lui mettre la pression. C'est-à-dire que. Moi, je lui dirais, écoute, moi, déjà, bon, moi, la première fois, ça ne passerait pas, mais dans la rue, le coup de. Quoi, le coup de. C'est qui elle? Ouais, ouais, non, mais ça va, t'imagines la honte, même vis-à-vis de la meuf, tu vois, elle va se dire, mais. C'est horrible. C'est qui cette mégère, là? C'est quoi, ça? Mais tu devrais lui dire, tu dis, ouais, moi, la prochaine fois qu'il y a un truc comme ça dans la rue, c'est terminé, peut-être que ça va. Elle va avoir un déclic, et si ça arrive, tu le fais vraiment. Ouais, ouais, bah ouais. Quitte à peut-être te remettre après plus tard, ouais, mais. C'est ça, ouais. Ouais, genre tu refais un break, mais à ce moment-là, t'es au moment où elle t'a fait chier, tout de suite. Ouais, mais ils l'ont fait, et puis elle est revenue pareil après. Donc, ouais. Alors, il y a Milly qui nous dit sur les réseaux, là, vous allez sur le difool.skyrock.com, sur le. Facebook, Twitter, Instagram, voilà. Snapchat. Et le 41759 et l'appli. Comme ça arrive directement dans le studio. Il y a des filles qui sont faciles à vivre, faut pas toutes les mecs dans le même sac. Nous dit Milly Ramuchobu, salut Michi, Milly Ramuchobu. Non, mais là, ouais, ça sur le coup, Thomas, il est tombé sur une casse-couille. Ah ouais, ouais. De première classe. Oui, tu vois, Romano, quand tu dis que je te casse couille. Je peux te demander un truc. Vas-y, vas-y, non, Thomas, vas-y. Ouais, est-ce que tu peux appeler un pote en même temps? Parce qu'en fait, il m'écoute et il veut aussi dire ce qu'il a à dire, en fait. Il veut dire ce qu'il a à dire, et bien l'émission est faite pour ça. Eh bien, il aura le droit de parler. On va l'appeler. Okay. Donc, tu vas nous donner son numéro, peut-être pas à l'antenne, sinon on risque de. Ouais, on va avoir des difficultés. Envoie-le sur Snap, gros. Ouais, comme on risque de vous amuser avec. J'ai internet, mon internet il a bugué. Je vais vous le donner là, si vous voulez. Vas-y, on va le prendre. On va te prendre. Moi, je vais te demander si t'étais casse couille avec elle aussi. Non. Tu devrais lui faire exactement ce qu'elle te fait. Ouais, exactement. Non, mais c'est invivable. Mais méfie-toi, parce que ça risque de lui plaire en plus. Non, mais elle a des potes garçons et tout ça? Non. Ah. Ah ouais, ah ouais, non, c'est ça, ouais, okay. Ça va lui plaire. Elle a envie de rester tout seule avec toi. Ah vous allez vous faire chier parce que là vous avez 17 ans. Elle a 17 ans aussi, t'as 17 ans toi. Non, elle a 16 ans. Elle a 16 ans, tu vois, elle a 16 ans. Ah mais c'est pas possible de vivre comme ça. Vous allez pas pouvoir vivre sans amis, c'est cool d'avoir c'est des amis. Tu peux vivre un moment comme ça à deux. Ouais, quand c'est passionnel, ouais, un petit moment. Mais au bout d'un moment, t'as quand même besoin de voir des gens, quoi. Regarde QLF qui dit elle a 21 ans à dire après. 21 ans QLF, mon mec est pareil, je me suis embrouillé avec tous mes collègues de travail à cause de lui. Boum. Rosie 15 ans qui dit elle est trop dure. Imagine c'est ta mère. Oui, c'est un peu ta mère. C'est John McCoy qui nous laisse le message. C'est-à-dire que la meuf, elle te. Ah ouais, non, mais c'est infernal. Elle l'étouffe totalement. Ouais, en gros, elle contrôle ta vie, quoi. Pensez ouais. à ça, ouais. les filles. Tu fais pas ce que tu veux. Depuis 17 ans, donc tu rendais compte à tes parents. Et là, tu tombes avec une meuf et tu vas être obligé de rendre des comptes encore dans le reste de ta vie avec la meuf. En plus, c'est pas excitant, un mec qui est carpette, du coup. Enfin, je sais pas. Bah, elle, a priori, ça lui plaît. Hein. Ouais. Bon, donne-nous le numéro de ton pote, on va voir ce qu'il a à nous dire. Tu bouges pas, Thomas. Merci du coup de fil, en tout cas, Thomas. Ouais, de rien. Bon, les casse-couilles, elles sont casse-couilles, les filles, en général, mais c'est pour ça qu'on les aime. Oh, ça, c'est mignon. Non. C'est un, non, c'est... mais moi, je pense que vous êtes tout un peu Kev qui nous laisse le message. C'est pas vous. Hey, Kev! C'est pas le sujet, Marie. Je suis désolé de te le dire une fois de plus. C'est pas le sujet. Tes pompes. Oui, c'est vrai, parle. Les mecs font tout pour nous rendre chiantes. Ah, Vanessa qui défend les filles. Les mecs font tout pour nous rendre chiantes. Ouais. Enfin, vous avez entendu Thomas, il faisait vous pas grand-chose. Pas la dénaire, hein, surtout. Le pauvre Thomas. Bon, on prend le numéro de son pote, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre, Sophie? En général, si une fille est casse-couille avec son mec, c'est qu'elle a pas confiance en lui et qu'elle veut être rassurée. C'est pas mal analysé, ça, Sophia. On parle de confiance en soi, là, depuis tout à l'heure. Bon. Oui, c'est vrai que ça doit jouer, ouais. Vous avez confiance en vous, les deux clasheurs? Ouais, moi, j'ai confiance en moi. Ah, ben, disons, t'as du courage. C'est bien, Cédric. Ils arrivent. Ils sont là. D'un côté, Cédric pour son premier clash du mois de novembre. C'est ça. Eh ouais. J'ai vaincu la malédiction du mois d'octobre et j'en ai gagné un. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Oh, il a gagné Clash. Quand ouais. En la semaine dernière. Si, si. La semaine dernière, mercredi dernier, Romano. Il y a une semaine, Cédric gagnait. Peut-être que mercredi est ton jour, Cédric. Je crois bien, ouais. On va voir ça. Romano. Ça me ferait du bien d'ailleurs. Ouais. Alors. Bah, moi, je suis prêt à le baiser. Alpiné en direct live, là. 22h18, j'ai envie de te dire, prépare ton fion. Il va prendre cher ce soir. Vas-y, bah, je t'attends, mon pote. Tu penses que tu seras plutôt Monaco et que Cédric sera plutôt Lyon ce soir? Ah non, ouais, non, je serai Monaco. C'est clair, ouais. À Monaco, il gagne 3-0 et Lyon, il perd 1-0 contre la Juve et Monaco contre Moscou. Tu voulais d'ailleurs saluer ta team internationale, Romano? Oui, en particulier, bon. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mal à mon épaule. Ah non, non, casse-couille, le relou, là. Bon, alors, je voudrais faire un big up. Je voulais t'envoyer un son en plus. À ma team de Shanghai. Alors, oui, car la team Romano est écoutée dans le monde entier. Ouais, on a un auditeur qui vit à Shanghai, c'est Racaille de Shanghai. Ouais. Salut la Racaille de Shanghai, il était venu dans les studios. D'ailleurs. Et en fait, dans une rue de Shanghai, il a fait un pochoir. Ouais, on dirait ça. Ouais, ouais, genre comme un tag avec Votez Romano sur Skyrock. À Shanghai, il y a écrit dans une rue Votez Romano. Ouais, ouais, c'est marrant. C'est bien fait. Hein. Ouais, c'est bien fait. On l'a mis sur les réseaux. Donc tu penses que la Chine est avec toi ce soir? Ah ouais, et là-bas, il y a du monde. Ah ouais, bah, et salut la Racaille de Shanghai. Ouais. Salut à toutes les teams d'ailleurs, les teams du monde entier, les teams de Cédric, les teams de Romano. Big up les teams de France et du monde. Et après cette magnifique réaction. Magnifique réaction. Bah des Chinois là. Ah oui, bah, c'est bien Chinois. Ce qu'ils ont fait les Chinois. Ouais, c'est bien. Eh bien, c'est parti pour le clash. C'est vrai que t'as pas de message à passer, non? T'as pas de team. Non, moi je fais un gros big up à ma team tranquille. La team le belge. Dans le monde entier. Mais c'est pas fini ça? Non, elle existe encore, t'inquiète. Non, mais tu sais, tu devrais peut-être faire des fois, tu sais, quand une marque elle marche plus, elle est obligée de changer de nom. Ouais. Bah non, peut-être bah là, change le nom, pas. Team Lebel, je fais un truc nouveau. Quoi. La Team Romano. C'est un bon moment. Oh ouais, tiens, votez Team Romano, je vais essayer. Vas-y, on essaye ce soir. Bon, on essaye vos deux méthodes. Cédric d'un côté. Vas-y, c'est parti. Ta méthode de rééducation, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. On se rééduque. Rééducation de la bite. Ah ouais, parce que c'est vrai que tu me l'as dit tout à l'heure. Ah, Cédric, déjà, il fait sa star, le mec veut pas être filmé, quoi. Pourquoi tu veux pas être filmé? Oui. Si, si. Allô? Allô, José? Ah non, José est en haut, pourquoi? Ah, tu peux le chercher, s'il te plaît, ma chérie? C'est qui? C'est Michel. De où? Michel, je suis un voisin, j'ai appelé pour la rééducation que j'ai commencé là. Ah d'accord. Merci. Je vais l'appeler. Merci. Michel de La Rochelle. Ouais, Michel de La Rochelle. Ah mais si elle habite pas à La Rochelle, je suis comme un con. Ah bien vu, c'est vrai. C'est là qu'on reconnaît le grand professionnalisme des clasheurs. T'inquiète. Maîtrise un peu. On est sur Perry, sur Facebook Live, vous pouvez aller voir. Sur Snap. Samy, décale-toi, je filme la salle de Perry, Cédric. Ah oui, ça vaut le coup. Donc on n'est pas sur Perry, mais on est sur Facebook Live. Samy, décale-toi, bordel, j'arrive pas à... Viens vers moi, mon petit. À filmer le veau. Comment il s'appelle? José. Ah. Le veau. T'es rougeau, mon pote. José arrive. Il démonte la maison, il se casse la gueule dans les escaliers, mais il arrive. Allez, vas-y, j'ai des ch'tards. T'as des ch'tards. Cédric, concentre-toi, putain. Non, mais ça me perd. Eh, vas-y, vous voulez pas arrêter de me filmer ce soir? Mais t'es trop beau, Cédric. Allô? Ouais, c'est qui, là, pareil? José, attends, ouais, je te pose. José, comment ça va? Tu vas bien? C'est qui? Ouais, c'est Michel au téléphone. Je t'appelais parce que j'ai commencé la rééducation de ma bite, là, cette semaine. Et du coup, j'aurais bien aimé. Voilà. Allô, voilà. Ouais, vas-y. Cédric, j'avais un bruitage pour toi. Alors, quand tu dis j'ai commencé la réaction de mes bites, là ton truc, je balance. Je suis précoce en fait. Là, vas-y, mais rappelle-le. Tu veux le rappeler? Ouais, je fais un rappel. Allez, rappelle pour mais toi. Mais là, tout le monde parle en même pas temps, sûr, c'est le bordel. Hein. C'est toi, t'es pas concentré. Mais là, mais vous me cassez les couilles. Mais pourquoi tu veux pas te faire filmer? Eh, Karim, tu t'es foutu de ma gueule. Non, mais alors, c'est vrai que non. Allô, José? Ah, vas-y. José! On va pas y arriver, je crois. Franchement, tu... Ah, José! Tu maîtrises le game. Mais oui, il est là. José, je suis à côté, là! Ouais, ok. Reste-y. Non, c'est en balance, José. C'est... Bon, bah, voilà, ta gueule, toi, on t'a pas demandé de commenter. Non, mais t'as niqué un rappel, t'as un gros nain. Vas-y, raccroche, putain, vas-y, tout le monde parle en même temps. Laisse, on est dans la famille, c'est le bordel. C'est des choses. Non, bah, je vous dis, on va pas attendre une heure. Peut-être que la femme attirée par ta voix sensuelle au téléphone va se jeter sur le téléphone et se mettre à lécher. Ouais, carrément. C'est peut-être pire que ça d'ailleurs. Attends. Qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, Cédric, t'abandonnes, tu fais quoi ? Parce que là, vas-y, raccroche-le, c'est pas grave. D'un moment, on a d'autres choses à faire. Hein. Ouais. Non, mais raccroche-le, là, on va pas attendre la cinglingue. Non, mais je voulais aller au bout de ton rappel, Cédric. Il n'y a rien à en tirer. Que tu as bien fait de prendre. Ah, non, mais franchement, il y a une maîtrise du jeu, c'est assez incroyable. C'est pas mal. Il y a ta technique. Allez, c'est toi qui vas fermer ta gueule. Voilà. Donc ta méthode, on la rappelle aussi, Romano. Parce que ah moi j'ai plein à bouffer, je rentre de week-end de la Toussaint. Tu rentres de week-end de la Toussaint. Ouais. Et je boufferais bien de la tarte au poil ou une paire de couilles. Au poil. Allô ? Ça des couilles. Allô ? Gaëtan ? Ouais. Ouais, comment tu vas ? Ouais. Tu m'entends, Gaëtan ? Gaëtan ! C'est quoi ce cri ? Salut les filles ! Calme, Cédric, ne parle pas sur les appels de Romano. C'est quoi ce cri que t'as fait, gros ? Gaëtan ! Il a parlé en plus, ce con. Gaëtan, parle, bordel de merde. J'ai envie de bouffer la chatte de ta femme. Je suis pas sûr, moi. Ouh. Gaëtan, c'est qui, espèce de gros con ? Ah, bah voilà, t'es là, enfin. Parle, t'as peur ou quoi ? T'as qu'à me dire quitter avant de la ramener. Bah, moi, je suis Jean-Louis, là. En fait, je t'explique, je rentre le week-end. Plus rien dans le frigo. Je boufferai bien la chatte de ta femme pour me régaler ce soir. T'es enculé, espèce de gros con. Je peux venir te voir, peut-être ? Gaëtan. Je prends un rappel. Ouh, Gaëtan, écoutez, boys and girls. Oh, ta gueule, le gars, ça, je les ai tous attirés, ouais. Il a une bonne voix, lui. Alors, je suis content parce qu'on revient de loin. Le mec, je croyais qu'il voulait plus parler. Un rappel pour toi, Romano. Bah, je vais le prendre maintenant parce que c'est vrai qu'on a pris un. Ah, ça m'a donné soif, cette histoire, tiens. Ah, bah. Ouais, allô. Écoute-moi bien. Si tu rappelles encore une seule fois. Non, mais je viens dire. T'as bien compris ? Je viens direct là. À la maison. Ouais, tu fermes ta gueule. Bah, et oui. Tu nous fous la paix parce que j'appelle les steaks tout de suite. Alors, oh, c'est même pas la peine. J'ai envie de toi, mon amour. Ouais, ouais. Essaye de rappeler une seule fois et t'as les clics au cul, espèce de gros con. Oh, ta tarte au poil. Oh là là. Je suis pas sûr. Moi. Bon, écoutez, c'est pas mal pour aller. Je crois que c'est foiré là, moi. Je me demande, est-ce que. Vous étiez autour de chauffe ? Moi, je dis c'est bien. Non, je me prends pas de rappel. Ah, je sais pas trop. Mais t'as déjà rappelé. Faire un deuxième rappel. C'est pas interdit. Un troisième appel, un trappel alors. Ouais. Mais c'est quoi cette règle ? Quand vous voulez, tu veux un rappel ou pas ? Ouais, prends-le gros. Non, attends, je te sens pas, t'es une pute. Karim, il dit oui. Ouais, mais des fois, il roule pour l'autre biatch. Vas-y, je vais le prendre, je le prends. Allez, un trappel. T'es un dingue. Ouais, je suis un ouf. Je suis un ouf dans ma tête. Je pense à pas répondre. Mais t'es un vrai con, toi, tu me fais signe de le faire. Ah non, j'ai rien dit, mais bon. Non, j'ai mal compris ton signal. Tu vas niquer son rappel. Ça a mis longtemps à décrocher, là, tu vois. Tu le sens pas. Ah, bah si, tiens. Allô ? Wouh ! Gaëtan ! Picou les boys and girls ! Bah, j'arrive dans 5 minutes, hein. T'as niqué ton rappel. Non, mais ils ont quand même décroché. Oui. Super. Bon, Cédric, t'as encore un rappel. Ouais. Bon, et on essaye de faire un truc potable. Deuxième tour. T'as rien fait, gros. Non, mais au moins, il y avait de l'action. Tu t'es fait insulter. Rigoler. Là, il y avait de l'action. C'est le clash du délire. C'est le clash du délire, mec. C'est le clash de la drague. Tu casses l'ambiance. Non. Emballe. Le clash du Dell, c'est bien ça. On va chez qui, là ? Allô ? David. Allô, David ? Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? C'est qui ? Eh ben, c'est un ami de ta femme. Dis-moi, je t'appelais parce que. Ta gueule, toi. Je t'appelais parce que j'ai commencé la rééducation de ma bite, là, cette semaine. Et du coup, je voulais tester avec sa femme ce soir si ça fonctionnait bien. Et voilà. Tu m'as pas laissé le temps de mettre. Ah ouais. Tu es précoce, en fait. Non, mais ça, t'as un rappel. Bah ouais, t'as raison. T'as un rappel. Moi, j'aurais fait pareil. Il prend un rappel. De toute façon, je vais en prendre 3 des rappels, gros. T'as je vais faire comme lui. Mais ça me prend rien du tout, là. Mais si, on sait jamais. Mais allez, un rappel. Laissez faire, Cédric, laissez-le jouer. Ah bah voilà. Ça compte plus, il a pas décroché. Ah, bip bip. Ouais. Bon, vas-y, renvoie de la famille. Allez, dernier rappel pour Romano. Chez Jérôme. Qu'est-ce qui se passe ? Je pensais que c'était bien démarré. Comment ça, moi. Dernier appel ? Un autre tour on après. Dit ta méthode est trop violente, Cédric. Tu les agresses avec ta bite. Ah non, attends. Ils n'ont pas envie de la voir. Ah bah ça, on les comprend. C'est Julio qui nous laisse le message. Salut, Julio. Frédéric, c'est bizarre, les familles qu'on passe, moi, à chaque fois, me raccroche à la gueule. C'est, bah, c'est peut-être parce que t'es nul, non ? Ouais, c'est ça, ouais, bien allô sûr. Allô, Fredo ? Fred ? Vous entendu ? Fred ? Mais alors, ils ont entendu. Fredo ! Wouhou ! Salut, les filles. Dis allô, Fredo. Ok. Bon, bah. Allô. Ça te dit de fermer ta gueule ou pas, toi? Bah, bon. Attends, on le fait pas. Il a parler, pas répondu. On appelle. Allez, on allô, comme il raccroche direct quand c'est bah, ouais, galéré. Mais on va pas attendre 3 heures. Abusé. Ça, il faut garder le rythme, c'est Olivier, l'autre sur mon appel, on attend que le mec. On attend. Non, mais ton appel, il t'avait déjà décroché, Cédric. Non, mais rien, mais c'est un abruti. Quel salope, je t'arrive. Je vous le dis à un moment donné, personne ne m'écoute. Bah, ok, ouais. On sait pour qui ça roule là. Égalisation de Lyon en fait, tiens. Merci à Lampard pour le message, j'avais pas vu. Allô. Allô. C'est qui? Allô. Olivier. Ouais. Ouais, comment tu vas? Ça va, c'est qui? Je te dérange pas? Ah, copain de ta femme. D'Ivoire, j'ai un petit souci là, j'habite pas loin de chez vous. Je rentre de week-end de la Toussaint là, le frigo est vide. Est-ce que je pourrais passer à la maison manger la tarte au poil de ta femme? Olivier. T'es un petit comique toi. Ouais, mais je crois que je vais arriver dans 5 minutes là. Ouais, mais moi je crois que je vais te faire sauter tes dents. Ah, bah moi je vais sauter ta femme, moi. Là, hier. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je vais arriver dans 5 minutes, puis je pense que tu feras rien du tout, tu me regarderas à l'œuvre, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Et peut-être même que tu m'applaudiras quand je serai en train de manger la tarte au poil de ta femme. Ouais, t'as raison, ouais. Bon, je viens dans 5 minutes. C'est ça, ouais. Eh bah vas-y, à tout de suite alors. À tout de suite. Il t'a pris pour un tien. Viens. Mais t'es sérieux là, Difool? Bah ouais, bah il est sérieux, mais tu sais, Difool, il a écouté le clash contrairement à toi. J'adore le clash de la drague. Et il l'a sans doute compris. Non, mais c'est vrai, j'adore le clash. Quel suceur, incroyable. Bon, top vote, il est quoi? 22h28. Ben on va vous laisser jusqu'à la fin de Joule. On se met l'OVNI ou on se met le ghetto phénomène et Joule? Moi, j'aime bien les deux. Et Romain. Non. Alors, on va mettre le nouveau alors. Allez, on se met ghetto phénomène et Joule. Et ça s'appelle Wesh alors, en chaleur. Et pendant ce temps, vous votez au 41759 ou sur l'appli Skyrock pour Romano ou pour Cédric. Je lance le top pour les votes. Bon, bah, Cédric, la famille. Ce soir, il n'y a pas photo, les amours. Moi, bon, dernier coup de fil, bim, serrage, tour d'avant. On a bien rigolé avec une famille très en forme. Eh bien, pour tout ça, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Votez alors, pas Romano, votez pas le mytho, votez Cédric, la famille. Il y a Kek qui vote Romano, il y a le Pélican qui vote Romano. Elle vote Romano, c'est une pélicane. Malou qui vote pour Cédric. Romano pour Perrine, on te fait un bisou Perrine. Non. Un mix des deux, on nous dit là, tiens. Ah, votez Cédric. Romano pour Stanislas. Cédricain, tu votes pour toi-même. Ah bah tiens, ouais, Cédricain, t'as envoyé un message, c'est noté. Vous votez donc vite. Et Romano plus, bah dans un instant, vous aurez voté les résultats. Romano. 5 votez minutes Cédric, pour voter votez le Romano, nouveau, le nouveau vous... ghetto phénomène. Écoutez tout de suite. Et Joule, c'est sur Sky. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Un nouveau son sur Sky, nouveau Bruno Mars tout à l'heure. Enfin, dans une demi-heure, tiens, on se mettra le nouveau Bruno Mars. Et on écoutera On m'appelle l'OVNI avant minuit. Et non. The Weeknd avec Starboy. Votre Weeknd, Daft Punk et Starboy. On va voir pour qui ça a voté. Les résultats du clash, merci pour vos votes. Parce que sans vous, le clash ne serait rien. Je passe au clasheur, je dis ça à vous, je dis ça à Alexia qui a voté pour Cédric, à Simon qui a voté pour Cédric, à Algérie qui a voté pour la team le belge. Oh là là, trois à la suite. Mais c'est la folie. Et on va voir ça. Le meilleur, c'est Romano pour Val. Oui, je vois tous les messages. Je trouve aussi. Shai qui nous écoute et qui dit je vote Cédric, je vote pour Romano pour Doudou, le roi Romano pour Dimo. Je suis pour Romano. Pour Laure, c'est noté. Romano pour Cam, Liam, votre Romano. Ah oui, quand même. L'inconnu, votre Romano. Mais attends. Tirino, il vote Romano. C'est bon, ça. Ouais. Lucas Kaka, qui vote Romano. Bonjour, Lucas Kaka. Parfait, parfait. Un très bon pseudo qui aurait pu plaire à Cédric. Mais bon. Le caca, c'est bon. Je sais, mais oh, ouais. Lucas Kaka, non. Lui, il vote pour Romano. Bon, les résultats du clash, je l'ai dit que vous votiez jusqu'à la fin de Ghetto Phénomène. Et ben, les ça résultats arrivent. Les résultats du foot, et fin du avant match. Tout ça, fin des matchs même ce soir. Skyrock est premier sur le foot. Bien sûr. La semaine prochaine dans le morning, je dis qu'on aurait plein de cadeaux qui déchirent et on aura notamment des places de foot à vous filer pour France-Suède sans Zlatan. Et ouais, c'est ça. Mais match qualificatif pour la Coupe du Monde dans deux ans à Moscou. C'est ça. Il joue plus pour la Suède. Bah parce qu'il a pris sa retraite internationale. Ouais. Trop vieux, donc il laisse la place aux jeunes quoi. Non, mais pourquoi il joue encore en Angleterre? C'est comme ça. Bah tu sais, tous les joueurs de foot, c'est comme ça, Cédric. Quand ils sont en fin de carrière, ils jouent plus en équipe nationale, ils jouent que dans leur club. C'est comme Zidane, il avait arrêté avec l'équipe de France, il joue avec le Real. C'est ça. Ça fait plaisir que tu t'intéresses au foot, Cédric. Question bête, mais c'est intéressant. Bah, je sais pas, non, moi. Tous les joueurs font ça. Donc, il n'y aura pas Zlatan, complètement couillon. Il y aura les Bleus face à la Suède. On vous offrira des places dans le morning dès la semaine prochaine. Vous gagnerez vos places pour le Stade de France. Yep. Plein de passes à choper, voyage, hôtel, la totale. Ouais. Vous gagnez ça dès la semaine prochaine dans le morning. Mais pas que, mais ça, on en reparlera un petit peu après. Je laisse un peu de suspense, là. Bon, les résultats du foot. On en parle. parlait. Monaco, bah, ça s'est arrêté sur le score de la mi-temps de tout à l'heure. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, ouais. 3-0. 3-0 contre le CSKA Moscou. Ouais, score net. Tranquille, ils ont pas eu à forcer, Monaco, pépère. Ouais, ils vont se faire torturer, les moscovites, par Vladimir Poutine. Ça va être chaud pour eux. Tu perds un match. Ils vont aller au goulag. Ouais, ils vont se voir rentrer en à pied. Goulag polonium. Allez, hop, se faire niquer. Voilà, mange polonium, joueur de foot. Ouais, casse des cailloux aussi. Voilà, casse cailloux. Non, mais il y avait eu un truc comme ça il y a pas longtemps. Je crois que c'était aux Jeux Olympiques, mais pas ceux-là, ceux d'avant. Il y avait une équipe de Russie, genre d'athlétisme. Ils avaient fait de la merde un peu. Après, ils étaient rentrés en. Hein, c'est la Corée au foot, gros. Non, non, mais en Russie aussi. Et les mecs, quand ils étaient rentrés dans leur pays, ils avaient dû faire un stage d'une semaine, genre de préparation physique dans un camp. Mais genre un truc abusé. Camp militaire. Les Coréens aussi, ils avaient fait la Coupe du Monde. Ah, eux, ils font à chaque fois. Ouais. Gros, ils avaient fait la Coupe du Monde et ils avaient fait de la merde. Et Ching Chong Il, là, je sais pas comment il s'appelle. Il les a hagarés, il les a tous envoyés au Habs, gros. Il les a tous envoyés en prison. Eh, s'il est déjà pas fait dévorer par son chien, c'est qu'il était de bonne humeur ce jour-là. C'est déjà cool. King Jong-un, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. C'est le mec qui fait tuer des gens. Voilà. Ouais. Et qui veut que les mecs ils aient la même coupe que lui. Ouais, en Corée du Nord. Il a une coupe de merde hein, quand même lui. Hein. Faut quand même dire qu'il a une coupe de merde. Il a une coupe de ouf. Ouais, bon, sinon Lyon, un partout finalement, ils ont égalisé à la fin. Eh oui, Lyon a égalisé contre la Juve. Ouais. C'est pas mal sur le terrain de la Juve. Ouais, c'est un bon résultat pour eux. Carrément. Voilà. Ils avaient perdu les Lyonnais à l'aller. Vu comment ils ont subi en plus, ils auraient pu perdre 4-0. Tu vois, ils s'en sortent avec un match nul, franchement. Ouais, ça fait bien chier. Ouais, ça fait bien chier. Voilà. C'est vrai que t'es moins joyeux que tout à l'heure. Ouais, moi ça me fait rire quand Lyon galère, tu vois. Ils ont galéré pendant tout le match et ils ont égalisé à la fin. Tant mieux pour eux. Un partout pour Lyon et la Juve. Et tu vois, tout à l'heure, on se moquait du Legia Varsovie face au Real. Et ben, ils ont réussi à mettre 3 buts parce qu'il y a 3 partout. Partout, ouais. Ah ouais, ouais, c'est ouf, hein. Et c'est fini. Et Benzema, il a mis un but. Ouais, Benzema, et le Real, ça va pas super là, cet ancien. Ça va pas trop là. Ouais. Ils sont PPR, quoi. Ils forcent pas trop. Ouais. Bah, quoique, ils sont premiers en Liga. Ouais, ouais, tu vois. Ça va. Hein. Oui, ça va aussi. Alors, qui est premier dans le clash? J'ai les résultats à vous donner. Je vous les donne tout de suite. Au 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous n'hésitez pas si vous avez un truc à dire. Profitez-en. On est là jusqu'à minuit. C'est radio libre. Tranquille. Et c'est pour nous, pour vous, tous les soirs. On fait de la radio ensemble sur Skyrock dans toute la France. Donc, vous avez un truc à nous dire, un conseil à demander, 01 53 40 30 20. Et donc, vos messages, 41-759 et appelez Skyrock. Allez, résultat du clash, le voici tout de suite. Je ne vous fais pas attendre. Les résultats donnent la victoire du premier clash du mois de novembre. Ouais. Donc, pour le mois de novembre, ça fait 1-0. Tiens, regarde, Kevin de Castres qui croit en toi, Cédric, puisqu'il nous dit Cédric, ce mois de novembre est pour toi. Ah, j'espère ma gueule. Putain, hashtag Team Cédric. Ah, il faut, putain. Il faut. Tu nous écoutes depuis la Turquie. Et allez, Cédric, c'est l'eau qui a voté pour toi. Merci, merci. Eh ouais, tu me parlais de la Chine tout à l'heure, mais la Turquie est pour Cédric, parce que Mais bon, la Chine, c'est plus grand. C'est plus grand, c'est vrai. Romano, tu fais 36%. Hein? Si tu fais 36%, comment tu réagis? Ah non, c'est pas possible. Cédric, si tu fais 36%, comment tu réagis? Ah putain, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, je pense que j'aurais envie de l'étrangler, l'autre. Qui? L'autre con. Mais il est pour rien. Si, il me fait ce qu'il peut. La violence tout de suite. 36% pour qui? Parce qu'il y en a un des deux qui a 36%, l'autre qui a 64. Ouais, bon, allez, vas-y, moi je prends 64. Tu prends 64, bon, bah. Ah, je veux prendre 64, moi aussi. Non, c'est trop tard, Romano, il a pris. 64, putain. 64% pour Romano ce soir. Ouais. Grâce à l'appel des insultes de tout à l'heure. Ouais, c'est bon, ça. Et à l'invitation de la fin aussi. Eh ben, merci beaucoup à toute la team Romano. Merci la team Romano. I love you, merci pour tous les votes. Et ben, prochain clash vendredi, on refait la même en mieux. Il y a Rob qui nous laisse un message et qui dit ce qui fait le plus d'arcade dans le clash de la drague, c'est les gens que vous appelez. C'est vrai que ce soir, ils étaient particulièrement bien. Bravo Romano, tiens, regarde, tu as des messages de félicitations. Cédric, rassure-toi, ce sera pour vendredi. Bah ouais, vendredi, nouveau clash et en direct. C'est bien noté. Ah, j'espère. Tu seras là ou pas? Ou tu repars en vacances ou en week-end? Non, je serai là, t'inquiète. Ne te laisse pas abattre, c'est que le premier clash du mois de novembre. Ah, mais chat, t'inquiète. Non, mais abandonne. Non, mais jamais de la vie, mon pote. Deuxième, c'est vendredi. Impossible. Alors, sinon, là, on était avec. Ah ouais, tiens, on va prendre le pote de Thomas. Vous savez, on a eu Thomas tout à l'heure avec sa meuf qui est casse-couille. Alors, Thomas, il n'a pas une meuf dans son entourage et il a un ami. Ouais, c'est ça. Et bien, son seul ami est en direct avec nous. On va le prendre tout de suite. Là, il est là, c'est Franck. Allô, Franck? Ouais, je suis là. Eh ben, ne lâche pas, Thomas. Le pauvre. Au moins, Thomas, quand il fait des dédicaces, c'est pas long, quoi. Ouais, oui, c'est vrai, c'est rapide. C'est vrai. Dédicace à Franck. C'est tout. Il a un ami. Donc, t'es là, c'est Thomas. Thomas. Ouais, Thomas, allô. C'est lui, ton ami. Il est là. Ouais. Bon, c'est mieux. Vaut mieux en avoir un de bien que plein qui sont pas cool. Ouais, en plus, ça fait 10-11 ans qu'on se connaît. Avec Franck. Ouais. Le lâche pas, Franck. Hein. T'es le dernier sur la liste, là, c'est fini. Ouais. Hein. Mais je suis toujours là pour lui, moi. Après, il lui reste que sa meuf. Mais toi qui la connais, toi qui vois l'histoire de l'extérieur, la meuf de. Parce qu'on parlait des chiens depuis tout à l'heure. Ouais. La meuf de Thomas, elle est vraiment relou comme il nous l'a décrite. C'est vraiment une grosse chieuse. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Ah ouais. Mais toi, elle t'aime bien ou elle t'aime pas? Ouais, on va dire comme son frère, quoi. Ah ouais, donc toi, elle t'aime bien, toi, elle te supporte. Putain, t'as de la chance. Ouais. T'es la seule personne de l'entourage de Thomas qu'elle supporte. Ah bah non, t'as des meufs qui veulent faire le vide. Non, mais c'est le seul dans l'entourage, donc en même temps, bon... Oui, c'est vrai. Il s'est mieux comme ça. Qu'elle peut en tolérer un. Qu'est-ce que tu fais une grimace? Je fais des photos pour le. Pourquoi t'as fait une grimace? Pour les réseaux. Je souriais. Tu souriais. Moi, Romano. Et ça, c'est une grimace. Ah oui, c'est vrai. Très belle photo que vous pourrez voir sur tous les réseaux de Skyrock, le Snap, le Facebook, tout Twitter, Instagram. Oh yeah. Qu'est-ce que tu racontes? Oh yeah. Marie, elle fait l'américaine, Frank. Elle fait la cow-boy. Ouais. Ouais, c'est ça. Marie, c'est une trompette. Bon, et toi, elle t'en parle de Franck, Thomas, ton meilleur ami, donc mes meilleurs amis Franck, ta meuf Thomas. Bah, ouais, rarement. Hein. Mais elle, tu sens qu'elle l'aime bien, elle. Ouais, ouais. Putain, c'est dingue. Hein. Et donc, Franck, il a une meuf parce que. Bah, ouais, moi, en fait. T'en as pas en couple, du con, les gars. T'es en couple ou t'es pas en couple? Non, moi je suis en couple. Ah, toi t'es en couple. Et elle s'entend bien avec ta meuf? J'imagine que non. Ouais, ça va, c'est ça, commencement. Ça va. Ah non, mais toi tu t'entends bien avec ta meuf, mais est-ce que la copine de Thomas, elle s'entend bien avec la meuf? Non, ils se connaissent pas encore. Ah d'accord. Ah, ouais. À mon avis, c'est pour ça que ça va. Ouais, pour l'instant ça va, mais à mon avis non, ça va. Parce qu'elle peut faire des crises si tu sors avec. Je sais pas, si tu sors avec Franck Thomas et qu'il y a sa meuf. Si tu sors avec Franck Thomas, Marie veut que tu couches avec Franck Thomas. Non, mais tu sors, je sais pas, vous faites une sortie ensemble. Pour voir si elle est vraiment jalouse. Mais ouais, non, mais. En toute honnêteté, Franck, la meuf de Thomas, tu la trouves bonne? Franchement, c'est pas mon style. D'accord. C'est l'amour, hein. Ça, c'est la belle phrase pour dire les dégueux. Après, comme je dis, les goûts sont faits pour tout le monde. Bon, ben voilà, c'est ça. Bah, c'est ce que je voulais, ça y est, vous n'êtes plus copains. Tu as perdu ton dernier ami. Tu peux poser la question à Thomas aussi, tu sais. Thomas, t'as déjà vu la meuf de Franck ou pas? Ouais, j'y sais. Et tu la trouves bonne, toi? Ouais, ça va. Ça va. Moi, ça va, je l'aime, elle est cool. Oh bordel. Bon bah écoutez, c'est une belle histoire qui s'achève comme voilà, ça en direct, en direct sur Skyrock. C'est ça mignon. Bah oui, c'était mignon, mais c'est fini maintenant. Bon bah en tout cas, ne le lâche pas, hein, Franck. Hein. Non, jamais. Bon, merci en tout cas du témoignage. Ah, c'est beau. C'est bien de vous avoir eu tous les deux. Il nous manque plus que ta meuf et on a tout ton entourage, Thomas. C'est ça. Non mais c'est vrai. Hein. Viens, on l'appelle, on lui dit qu'on est en teuf histoire qu'elle pète un plomb. Ouais. Ah ouais, Marie, elle parle. T'as le numéro de ta copine? Bah ouais. Tu veux nous le donner? Ouais, attends, je te le donne. Alors vas-y. Ah mais t'es sûr, ça va pas aller trop loin. Si, c'est pas grave. Non mais c'est pour Del. Romano, tu me disais tout à l'heure, ce soir c'est Del l'émission. Non mais moi ça va me faire rigoler, mais il faut pas. Oui, on n'est pas là pour briser des couples. La fin de l'histoire, faut pas qu'elle te largue, quoi. Tu vois qu'elle le prenne pas trop mal. Non, mais t'inquiète, j'ai dit, je te donne. Attends, il faut une musique pour, il faut un son pour la teuf là. Bah Cédric, balance-nous un de tes sons. Allez, vas-y. Ah non, ça craint ça. Rien d'autre. Ça craint. De plus moderne. Pas un truc cool, je sais pas. Ouais, si tu veux. Ouais, c'est cool. Ouais, ça va, ça. Allez, ça c'est cool. Bon, alors on est en teuf. Tu veux récupérer le numéro? Ouais, c'est pour ça, ouais. Ah, tu l'as pas? Ah, ben, attends, on récupère le numéro. Comment tu penses qu'elle va réagir, Franck, la copine de Thomas? Bah, moi je dis RIP Thomas. Hein. Ah, rest in peace. Okay. Ah, bah. Ah, mais Thomas, là, elle sait pas où t'es pour le moment. Attends, Thomas, il est en ligne, là, on prend le numéro, Romano. Faut qu'on mette le plan en place quand même. Ouais, c'est vrai, alors, t'as raison. Qu'est-ce que tu voulais mettre en place? Non, mais savoir. Déjà, il faut pas que la meuf de Thomas, elle sache qu'il est galère chez lui, tu vois. C'est bon. Genre, Thomas. Non, mais. Non, ouais. Non. Il y a des potes qui sont passés de prendre pour aller boire un coup. Voilà, et là, ouais. On est en teuf. Voilà, ouais. Et on écoute du gros son. Et il y a deux meufs, il y a Marie et Pamela. Oui, ouais. Je suis là, oui. On va péter un plomb. Putain, deux meufs autour de toi, elle veut faire une crise, la meuf. Vas-y, on l'appelle, elle s'appelle Désirée. Oh, c'est mignon. Non, j'avais un copain qui s'appelle. Allô, Désiré. Hey, Thomas, tu lui parles, tu lui dis ouais, je t'appelle, je voulais quand même te prévenir, je suis en teuf. Ouais. Et nous, on danse. Salut les filles. Allô. Allô bébé. Allô bébé. Allô. Allô. Bébé. Désiré. Ouais. Allô. Désiré. Mon bébé. Allô bébé. Elle veut pas te parler, je crois. Avec un autre mec, je crois. Je crois, ouais. Non, toi, tu veux faire une blague. Oui, allô. Y a Tom. Tom qui dit, elle est allô. Ah, Désiré. Allô, B. T'es avec qui? Allô. Ah, t'es avec qui? Ça va? Ouais. Ouais, je suis avec Franck, tu vois, on est... bah là, tu vois, j'étais avec une pote à Franck, tu vois, et là, je suis en soirée. Coucou. Mais non. Elle est bonne. Je t'attends pas. Tu sais quoi, t'es avec tes potes, salut. Allô. Allô, ne raccroche pas. Non, ne raccroche pas. Non, pas tout de suite. Moi, je t'avais dit. Ah putain, on n'est pas responsable. Ça va. Non, attends, Romano, Désiré. Ah, Désiré, t'es encore là. Il a rien fait, monsieur. Putain, bah, Romano, vraiment. Hein. Non, mais j'ai rien fait. Pamela, comment t'appelles? Non, Désiré. Ah, Désiré. Putain, je regarde Romano, je dis Pamela. Non, bah, ça va pas mieux. Ça va, Désiré? Je te parle en fait. Non, je sais pas. Ouais. Thomas, là. Thomas, ouais. Thomas, tu viens me faire un bisou? Ouais, non, je suis en manga parce que j'ai vraiment mon gamin. Qu'est-ce qu'elle. Ah, elle a pas. Je t'entends pas, en fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit gavé. Eh, faut qu'elle se détende, ta meuf. Sinon, Pamela, tu veux pas sucer Thomas, vite fait? Ah, et pas maintenant, quand même, je suis pas une fille facile. Ah, si. Désiré, faut pas t'énerver comme ça. Bah, non. Non. Tu cherches quoi, toi, en fait? Tu cherches quoi, toi, en fait? Je crois qu'elle est en train de t'embrouiller. Ah, je crois que. Attention, elle va m'en mettre une. Allez, Thomas, viens faire un bisou, Thomas. Ouais. Allez, Thomas, regarde. Ouais. Attends, il en profite. Hein? Non, mais c'est. Mais parle mieux dans ton. Parle mieux dans ton téléphone, on comprend rien. Désiré, ouh. Dis bonjour à Pamela, Désiré. Bonsoir, Désiré. Coucou. Ah, dis bonjour à Marie. Désiré. Désiré, elle est pas facile. T'es en dépression, vivre. Quoi. Désiré. On parlait des casse-couilles depuis tout à l'heure, là, on en a une pas mal. Désiré, faut être gentil avec Thomas, il t'aime, il n'a qu'un ami dans la vie, le pauvre. Ouais. Bon, bah, en tout cas, merci, Désiré. Oui. Oui. Attention, Désiré parle. Ça va insulter les mères. Attention, Désiré s'exprime. On t'écoute, Désiré. En fait, il vous fout de ma gueule. Il vous fout de ta gueule. Mais non, il vous fout de ta gueule. Ah si, complètement. Mais non, allez, ça pas. Mais non, il vous fout de ta gueule. Fais-lui un bisou, Thomas. Ouais, je te fais plein de bisous, bébé. Ah, t'as vu. En fait, c'est combien? On est combien en soirée, là? Il y a Marie, Pamela. Karim, oh ouais, ouais, je suis là, et moi aussi je suis là. Cédric, salut les filles. On laisse pas rentrer. Salut les filles. C'est sérieux, quoi. Ah bah on est sérieux, ouais. Il y a Mathieu Delormeau en plus. Il y a même Mathieu Delormeau. Kikou les boys and girls. Et bah tu sais quoi, s'il y a pas Mela, il y a Marie, je vais dire à Thomas une chose. Ouais. C'est que si à partir de ce soir il ne m'appelle pas. Oui. Et bah c'est fini, il sait pas faire. Mais il va te rappeler. Ouais, arrête de casser les couilles. Faut pas être casse-couille comme ça dans un couple. Moi je savais que ça allait partir en couille. Je vous ai prévenu. Oui, elle est non, jalouse de Pamela et de Marie. En et plus. En plus tu te rends malheureuse. Hey, Thomas, bon courage, ouais. Mec. Pour rattraper le truc. Et rappelle-la, hein, attention. Hein. Bah oui, je vais la rappeler. Bon, merci pour non, ce. Mais je rigole pas en fait. Non, mais ouais, bah, tu rigoles pas. Oh là là, mais là, est-ce que tu rigoles, madame? Tu rigoles parfois dans ta life, Désiré? Parce qu'il faut rigoler dans la vie. L'impression. Pas vraiment. Bah, beaucoup plus que vous me pensez en fait. Ah, bah ça fait plaisir. Ah, bah, ça c'est gentil, Désiré. Fais un sourire. Voilà. Allez, ça se moi, Thomas en fait. Comment? Bah, on te passe, vas-y. Attends, on passe, Thomas. Bouge on pas, te passe, Thomas. Thomas, dis-lui un truc. Ouais. Allô? Non, en fait, je rigole pas. Hein? Je comprends rien, que... Mais Thomas, tu arrives à la comprendre? Bah, pas trop, là. C'est son dialecte. Je comprends pas. Allô? Je comprends pas un mot, moi. Allô? Mais il faut parler plus doucement. Allô, bébé? Ah. Ouais. Je m'entends. En fait, j'ai dit bébé déjà tout de suite. Je t'entends pas. Je comprends rien, c'est gentil. Non mais au moins c'est ce qui est bien. Et Thomas, si elle t'insulte, au moins tu comprends pas les insultes. C'est clair. Et Thibaut dit un truc pas con d'ailleurs sur SMS. Thibaut, 25 ans, elle c'est peut-être la sœur de Tête de Tortue. Tu sais ta meuf qui m'a dit comme ça, Rognon. Rognon, Rognon. Mais c'est un peu tu sais la meuf que tu comprenais pas. Non mais c'est incroyable, je comprends absolument rien. Non mais c'est bien, tu devrais sortir avec elle, Romano. Non, ça va. Tu lui dis New Fing. Oh putain. Alors. Elle est pas très contente. Non, pas contente. Non mais on l'avait remarqué. Pas contente. Tu es pas contente. Non mais vas-y Thomas, rappelle-la. Allez, rappelle-la, tu ouais, passes un petit coup de fil d'amour et voilà, on rigole, hein. Bip ouais. Bip. Ouais. Ouais. Voilà, c'est bien. Bip bip. Ouais. Bip, bip. Bon courage, hein. Pourquoi tu dis ça, Marie? On a niqué un couple, ouais. Mais non. Pourquoi tu dis ça, Marie? Elle a pas l'air très jouasse, hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, pas trop. Demain, ça va 5h. Oui, ah. Ah, en plus. Mais elle est rude comme ça avec toi tout le temps? Ah bah non, là c'est pas grand chose. C'est parce que ah là c'est pas grand chose. Ok, ah, ouais. C'est la fête à la maison. Samba. Oh, samba. Ambiance. Bon, merci Thomas, on t'en fait une bise. Merci au poteau de. Je peux avoir un cadeau quand même pour merci ma copine. À Franck. Ah, Franck, oui, on va lui envoyer. Elle va être mignonne avec son t-shirt Skyrock, magnifique. Franck aussi, t'en veux un t-shirt Skyrock. Elle te fout à la gueule, ouais. Oh, bah écoutez, moi je veux bien. Oh, ouais, attends. Skyrock en plus. Ah, là, c'est pas vrai. Bon, bise Thomas, bise Franck, merci les gars. Bonne soirée. Et bah bonne soirée à vous. Salut les gars. Dans un instant sur Skyrock, on va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Oh, et on va parler de l'anniversaire. Bon, tant à... Que... Non, c'est, il dit ça c'est bon parce que tu parles d'argent évidemment. Ouais. On en parlait ce matin déjà, Romano, tu te rappelles? Ah, le joueur là. Ah. Le joueur le plus riche, j'allais dire le footballeur, c'est pas un footballeur justement. Le sportif le plus riche de France, celui qui gagne le plus d'argent. Mais qui c'est? Tu sais, Samy? Ah oui, je sais. C'est qui? C'est un basketteur. Ouais. Je dis son nom. Vas-y. Rudy Gobert. C'est Rudy Gobert. Ouais, ouais. Tu te rappelles combien il gagne, Romano? 24 millions. Et ouais, il se rappelle de tout. Dès qu'on parle d'argent, c'est fou. Toi, c'est quoi, ça? Et tu te rappelles combien ça fait par jour? 60 000 euros par jour. Ah, ouais, euros, t'as tout retenu. On a fait les calculs ce matin en direct, il a tout retenu. C'est énorme. 24 millions d'euros par an, 60 000 euros par jour. C'est putain, pas mal, ça. Ça va, bah, ouais, ça va, ouais. Vous aimeriez bien gagner. Et pendant ça, 4 ans, hein, ah, ouais. Il est tranquille. Donc oui, c'est par an, et lui, il est sûr au moins pendant 4 ans. Ça. Ouais. Et on parlait des sportifs riches. Tiens, par exemple, les filles, dites-nous franchement, et même les gars, d'ailleurs, vous pouvez nous laisser un message. Un mec qui joue au basket, qui gagne 24 millions, est-ce que ça vous le rend un petit peu plus excitant? Tiens, Franck, puisque t'es là. Tiens, la question se pose même pas. Est-ce que, si, je la pose justement, Romano. Est-ce que quelqu'un qui a 24 millions sur son compte est plus excitant que quelqu'un qui a zéro? Ah, Romano, bien sûr, lui. Bien sûr. Bah, évidemment. Bah, déjà, il peut faire de la chirurgie. Ah, ouais, mais même sans chirurgie. Romano, en plus, il n'y a pas besoin. Même à d'autres sports. Attends, tu vois la tronche de certains footballeurs, tu vois les nanas qui se trimballent. D'ailleurs, pas que dans le football. Oui. Même, tu vois, je sais pas, des hommes d'affaires, ils sont dégueulasses. Les meufs, ils se trimballent des super gonzesses. C'est la thune. Oui, ah bah, c'est clair. C'est-à-dire, quel mec, il serait, je sais pas, vendeur. Bizarrement, il aurait peut-être pas la même meuf. Non, mais c'est ça, ouais, quand tu vois des vieux comme ça qui se trimballent avec des bombes. Rudy Gobert, même sans argent, il est trop excitant. Ah bah, tu vois. Non, mais après, ouais, ils sont pas tous dégueux. C'est Cécile qui nous Il est venu nous voir, Rudy Gobert. Bah oui. Ah ouais? Ah, il est jamais venu. Il est jamais venu. Non, il est jamais venu. Je croyais. J'ai croisé quelqu'un. Non, moi, jamais. Oui. Bah, à la télé. Ah, la télé, j'ai croisé. C'est grave. Tu l'as pas sur les parquets, Diffoul, tu l'as croisé? Ah ouais, en NBA. Ah, bah oui. Mais bien sûr, quand j'ai été joueur de NBA. Bah ouais. Non, mais j'ai fait du basket, moi. En NBA. Ah bah, on y croit, ouais. Quand je vois ce qu'il gagne. Non, mais t'as pas besoin de nous. Ne te justifie pas. T'inquiète. Non, en tout cas, si vous voulez choisir un sport, les gars, choisissez le basket. Oui, là, il y a le golf. Rudy Gobert, 24 millions. En tout cas, pour les Français, il n'y a pas de golf. C'est Batum le deuxième. Les deuxièmes, c'est Batum. Troisième, il y a Tony Parker ou Pogba. Ouais. Ça dépend des classements. C'est le seul footeux, Pogba, non? Pogba, c'est le premier footeux. C'est Pogba, ouais. C'est Poulpe Pogba. C'est Poulpe le Poulpe. Vas-y, dis les autres. 19 millions d'euros, lui. Ouais. Ça va, hein? Ça va pour lui. Ouais. Après, il y a Joachim Noah. Ouais, c'est ça. Encore du basket. Bon, non, c'est du tennis. C'est de la chanson. Non, c'est Saga Africa. Après, il y a Evan Fournier, basket. Basket aussi. Après, il y a Karim Benzema, Real Madrid, donc football. Franck Ribéry, j'ai que ça qu'à dire, mais je gagne quand même 14 millions. Et c'est bien. Mal, hein. Et Samir Nasri, aussi Séville, 12 millions. Ah ouais, il prend 12 avec. 11 millions 9, il est assez. Des broutilles à côté de Rudy Gobert, tu vois. Bah, la moitié. Mais moi, je la prends aussi. Hein. Ouais, bah, tiens, tu m'as. Ouais, c'est clair. La moitié. Il a donc signé son contrat hier. Bravo, Rudy. Félicitations. Super, magnifique. Et le truc, le chiffre qu'on apprenait qui fait peur, c'est 60% des joueurs de la NBA qui gagnent pas d'argent comme ça, qui sont ruinés 5 ans, c'est ça hein? 5 ans. Ouais, c'est ça, 5 ans. Après la fin de leur carrière, à cause d'un gros train de vie. Ils font des trucs de merde. Et ils sont de merde. Alors. Et attendez, gros train de vie et divorce aussi. Là, ça, ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher. Ils sont ruinés. Et je vous demandais si quelqu'un avec le... Ah, c'est bien, regardez. Il y a Tismé, elle a 15 ans. Elle nous dit, bien sûr que non. Ça la rendrait quelqu'un qui a beaucoup d'argent sur son compte, ça ne le rend pas plus sexy pour elle. Ouais, bah peut-être pour toi, mais tiens, bien sûr que oui, c'est qui ça? C'est Pfukix. Salut Pfukix, 15 ans aussi, mais c'est un gars. Moi, pas du tout excitant pour moi. Essile du. Non, pas du 28, mais 28 ans. Salut à toi. Excitant, mais bien sûr que oui. Moi, je coucherais même avec Donald Trump. Moi. Il y en a qui sont chauds. Ouais, dégueu quand même. Ah ouais. Midi du 27. Genre pour un million, il ne ken pas. Donald Trump? Ouais. Ah, moi, j'ai bien le ken, moi. Pour un million, tu le ken ou il te ken? Ah, je préfère le ken. Ah, mais ah, bah, violent. Oui. Hein. Ah, ouais, violent. Ah, ouais. Ah, tu lui tires les cheveux. Ouais, ouais. Tu lui arraches sa perruque, quoi. Ouais, tu l'étrangles. Exactement. Bon, alors. Ken gratuit, moi. On parlera d'argent, on parlera. anniversaire aussi, tiens, on va filer un petit coup de main là, après avoir parlé de Rudy Gobert. Rudy Gobert, elle a pas de problème pour faire des cadeaux d'anniversaire. Ouais, il est cool. Non, c'est bah, clair. Tranquille. On parlera anniversaire, c'est votre anniversaire bientôt. On en reparlera d'ici quelques instants. On aura le nouveau Jules à se passer dans les. Même pas une demi-heure. Et puis Bruno Mars tout de suite sur Sky, un peu avant 11h, c'est parti. 24K Magic, on parlait d'argent. 24K Magic tout de suite. Full Radio Libre, 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Oui, c'est ça quand on est trop fort. Ouais, c'est ça, ça ouais. Ouais, tu contrôles plus ta force. C'est ça, j'ai l'impression de faire des caresses aux gens qui m'entourent. Non, en plus, tu mettais des baffes, quoi. Et en fait, mais pas du tout. Si. Pas du tout, c'est toi qui es fragile. Ouais, bah ouais. C'était un robot fragile, vous savez. C'est ça, man. Ouais. Bon, on est là jusqu'à minuit, profitez-en. Hein. 01 53 40 30 20 pour nous appeler. Vous nous laissez vos messages sur le 41 759 et sur le skyrock.fm. J'étais assez étonné de vos messages par rapport à l'argent. Ça rend pas forcément les gens plus excitants. Les résultats de cet appel, c'était même un sondage express. Ouais, ouais, ouais. De ce sondage express. Ah ouais, quand même. C'est quand même 63% que ça rend plus excitant, l'argent. Et puis donc les 37%. Ouais, bah, ça m'étonne pas, moi. Bah, je pensais que c'était plus équilibré que ça, vous me décevez un peu. Hein. Bah oui, l'argent fait pas tout. Oui, mais bon, Simon, pour 1 million, je fais un cuni à Suzanne Boyle. Waouh, Simon, 19 ans, t'es chaud toi, Simon. Ah ouais, 1 million, t'aimes la granit, toi. Ah ouais, bah tiens, Romano, tu lui fais toi pour 1 million. Bah, 1 million d'euros, je bouffe la chatte. Ah, Suzanne Boyle. Ah, oui, qui c'est Suzanne Boyle, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Hein, c'est la vieille dame. Ouais, ouais, bah mais elle est pas si vieille que ça d'ailleurs. Hein. Par contre, elle est moche. Hein. Elle a 50 piges. Hein. Ah ouais, et bah elle fait déjà 20 ans. Ouais, je m'en emmène. Je crois même qu'elle a gagné, elle avait même pas 50 ans. Elle avait 46 ou 47, je crois. Ah ouais, donc elle fait beaucoup plus vieille. Donc elle est pas granit, elle est juste au stade de cougar. Elle est dégueulasse, quoi. Bon, elle est surtout dégueulasse. Non, mais ouais, elle est moche, quoi. Eh ben, Simon, tu as donné une idée à Romano. Le cuni à Suzanne Boyle. Beau. Ah. C'est bien parce que dans l'émission, on parle de trucs excitants, là, parfois. Ah bah, c'est très excitant. Ouais, genre dans l'équipe, genre dis fou, tu bouffes pas la chatte. Elle a 55 piges. Ah, putain. Suzanne Boyle, t'avais la gueule qu'elle a. Mais si, tout le monde. Pour de l'argent, t'as la meuf. Combien tu dis ? Un million. 1 million d'euros. Mais si, tu lui bouffes la chatte. Ouais, elle est propre. Moi j'en sais rien, c'est des propres. Mais non, elle chante. Ah non, tu nettoies avant. Non, mais je pense que c'est toi, Marie. Elle arrête pas de chanter là sur le truc. My dream, oh, ta gueule, Suzanne. Ouais, 1 million d'euros. Ouais, c'est vrai, toi tu le bouffes. Ouais, de toute façon, lui. Moi, gratuit. Tu fais ce qu'elle veut. 1 million, je bouffe ce qu'elle veut, moi. Ce qu'elle veut, d'accord. Elle veut rien. Suzanne a décliné. Je ne veux rien du tout. Merci. T'imagines 1 million d'euros, ce que c'est, gros. Non, mais tu vis à vie. Flo du 5-9 avait un sportif qui gagne beaucoup. Je ferais la michetonneuse, malgré que je suis un homme. Ah ouais, tu serais prêt à te déguiser en femme, toi. Carrément. On parlait de Rudy Gobert. 24 millions d'euros, il gagne Rudy Gobert. Ouais, pas mal, ouais. Par an, hein. Ouais, chaque saison. Et pendant 4 ans, c'est-à-dire que là, il est tranquille. Il est tranquille. Et vu comme il est jeune, sa carrière est devant lui, t'inquiète, sinon il signera d'autres des contrats. Ah, je préfère les messages comme celui de pirate, là. Regarde, pirate, toi, moi, tu mets l'argent de côté. Moi, je lèche Marie gratuit. Voilà, ouais, tu vois. C'est gentil. Eh ben, ZOMC08. Oui. Pour 0€, je baise la Marie. Bah, ouais, bah, super. Ouais, voilà, vous, moi, ouais, cadeau, vous êtes bien. Faut pas mélanger l'amour et l'argent. L'amour, ça sert. L'amour, c'est l'amour. L'argent, c'est autre chose. Exactement. À Romano. Ah ben moi je suis d'accord, moi je suis pas un michetonneur. C'est bien. Ah tu vois, c'est bien. Sauf que t'as envie de bouffer la chatte à Suzanne Boyle. Comment elle réagirait, Cariole? De quoi, que je bouffe? Ah non, mais je pense que je la dégoûte. 3 millions. Elle me dit oui, ah bah vas-y, elle me dit. Elle te dit oui. Bah, ouais, non, mais je pense pas. Non, mais jamais. Je demanderai demain matin. 1 million, gros, c'est chaud quand même. Ah bah ça c'est chaud. Tu me dis, tu bouffes la chatte aussi, c'est chaud. Alors attends, tiens, on met le truc dans le sens inverse. Elle boufferait la chatte à Suzanne Boyle pour gagner 1 million, t'acceptes? Ah, je préférerais autant que ce soit elle, ouais. C'est bien, t'es pas jaloux. Non, mais là, sur le coup, franchement, il n'y a pas de quoi être jaloux. Limite, c'est un soulagement de que ce soit quelqu'un qui le fasse à ta place. Ouais, par exemple, pas partager. Pour 1 million d'euros, elle se fait baiser, ou alors tu te fais baiser, mais par un mec, genre par Donald Trump. Non, j'ai mieux comme truc. Allez, pour 1 million d'euros, elle suce Cédric. Ah ou non, alors non. C'est toi qui suce. Tu serais jaloux ou pas? Tu préfères. Ah non, je préfère pas. Non. Un million. Tu prends 1 million d'euros, gros. Ah ouais, mais moi c'est pas possible, quand elle te suce, je peux plus la baiser. Non, mais 1 million d'euros, bah, de regarder. Un million. Genre, tiens, dis fou, Cédric, c'est pas moi qui ta meuf, elle suce Cédric, genre derrière, tu l'as dit, c'est normal, quoi. Je la désinfecte avant. Ah non, mais je me dégoûte, je peux plus la niquer. Ah ouais, c'est clair, je coupe la bouche. Non, mais je change. Plutôt que de finir en prison, bah je préfère la larguer. Tu prends l'argent ou pas avant? Ah bah oui. Non, mais ouais, non, mais vas-y, laisse tomber. Limite, c'est moi qui te la suce. Ah ouais, carrément. Tu veux me sucer la bite? C'est bien. Ah, il y y a Momo du 13 qui se la pète. Il est content. Il a un sourire, mais. Il est chaud, le dans cette configuration-là, je prendrai le relais. Donc là, tu me suces la bite. Je prendrai le relais. Non, mais non. Mais dis-le que tu me suces la bite. Non, il dira pas. Mais t'as un problème. C'est vrai que t'as un problème avec ça. Après, chacun sa chose. Le mec, tu sais, il est en train de se lécher les doigts. Voilà, dis-le que tu suces la bite. C'est la bite. Allez, hop. Non, mais tu te caresses les couilles en plus. Non, mais au moins 10 minutes, t'as dit au moins 20 fois, bon, tu suces la bite. Ah, voilà. Cédric, il est chaud. Non, mais j'ai envie que tu le dises. Mais je le dirai pas, je suis pas débile, tu sais. Oh là, dis-le, vas-y. Après, il va se leur passer ce soir, il va se taper une queue ce soir. Non, après, je garde le dossier, t'inquiète. Tu vas en faire quoi? Tu vas en faire quoi du dossier? Ben, au prochain clash. T'as pas de bouton, t'as un. Tu vas le mettre, si, sur la gueule, là. Tu voulais l'enregistrer. Non, mais t'as accès à rien, gros. Tu sais, je peux même te le faire. Je peux même te le faire, ça passera jamais. Vas-y, dis-le. Non. Bon, en tout cas, pour un million, il y en a qui seraient prêts à tout. Black Goku, pour un million, je fais ce que je veux à qui tu veux. Merci, moins, Black Goku. Moi, toi, t'es clair. Black Goku, 20 ans. Ah, et Momo, du 13. Moi, on devrait me payer pour que je lèche tellement j'ai la langue du futur. Ah, bah, c'est super. Momo, 18 ans, 13-200. Olé. C'est quoi 13-200 13-200, ça doit être, je sais pas du tout ça. Salon de Provence. Ouais, j'allais dire, c'est un salon ou Vitrolles, peut-être. Oh, Vitrolles. Vitrolles, non non, Aix. Non, c'est 100. Non, ouais, c'était 100, Aix. Bon. Eh ben écoutez, vos messages, allez-y. Je suis sur. Ok, très bien. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud là. C'est pas très loin, mais c'est Arles. Dès qu'on rajoute un petit peu d'argent, vous êtes chaud. Thomas est avec nous en direct de Rouen. Salut à toi, Thomas. Salut tout le monde. Salut Thomas. Ouais, Thomas, tu me suces la bite. Alors, pour un million d'euros, Thomas, excuse-moi, t'étais pas venu pour ça, mais bon, au moment où on arrive dans l'émission, on choisit pas le moment où on arrive, là t'es en plein dedans. Pour un million d'euros, est-ce que tu sucerais Cédric? Peut-être, ouais. Ah ouais, t'as du succès. C'est fou, moi, pour un million. Là, Thomas, t'as dit ça, Cédric? Voilà, vas-y, Thomas, dis-le que tu suces la bite. Non, Thomas, t'inquiète. Ah, un million quand même. Même Karim, il me suce la bite pour un million d'euros. Et voilà, les Karim aussi. Qu'est-ce que tu veux, gros? Ça fait longtemps que tu t'es pas fait sucer. C'est toi, Diffoul, tu me suces la bite. Pour un million? Ah non. Tu me suces pas la bite pour un million d'euros? Dégueulasse. Karim, toi, tu le fais, toi, ou pas? Non. Ah ouais. Non, non, non. C'est Arles 13-200. Ouais, c'est ça. Merci pour les messages. Il n'y a pas qu'un monde de Arles. Bon, alors Thomas, dis-nous pourquoi tu nous appelles, toi, parce que tu appelles pour complètement autre chose. T'as un mec qui coûte. Et juste après, tiens, je te demanderai une idée pour Johnny qui nous a laissé un message. Johnny du 5-9. Big up à toi, Johnny. Johnny qui. Je peux vous en parler tout de suite. C'est juste un petit message qu'il a laissé tout à l'heure. Lui, il va fêter l'anniversaire d'un pote qui a fêté ses 18 ans. Mais on aimerait faire une blague à un pote qui va fêter ses 18 ans pour son anniversaire. Si vous avez des idées, l'équipe. Alors quand tu dis blague à un pote, on peut des cadeaux à la con aussi. Ouais, mais moi j'ai vu un truc comme ça d'ailleurs, cadeau à la con. Bon, on va reparler dans un instant, donc dites-nous, on vous demande à vous, donc il y avait des idées, dans l'équipe aussi. Ouais, on cherche. Bah je sais pas, un truc à la con, vous organisez une teuf, mais vous y allez pas. Y a personne vient, hein. Ah, horrible. Idée acceptée, pas mal. Non, où tu dis que c'est une teuf déguisée et en fait il se déguise. Deuxième idée, Marie, acceptée, pas mal. Bon, vous en avez d'autres, allez-y. T'as une petite idée pour une. Pour Moi, cadeau à la con, c'était en fait, tu mets une grande boîte, tu vois, tu l'emballes bien comme il faut, mais grande balèze. Et à l'intérieur, tu mets une boîte plus petite. Oui, après une autre boîte plus petite. Après, pareil, une boîte plus petite. Après, quand t'arrives, ouais, à une toute petite boîte, je sais pas, tu lui mets de la merde, t'achètes un Kinder Bueno, tu le fous dedans. Ou une pomme déjà troquée, quoi. Conneries. Très bien, et c'est son cadeau d'anniversaire. Et ça va lui casser les couilles à ouvrir en plus. Très bien, ouais, puis en fait. Puis à la fin, il va être déçu quand même. Ouais. Non, on cherche à lui gâcher son anniversaire. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, le pauvre. Parce que tu l'invites à une teuf, il est tout seul. Non, mais j'imagine qu'après, il va lui faire des trucs bien, quoi. Non, tu ne viens jamais. Tu non, laisses sa teuf tout seul. Marie avec son truc déguisé, ça, à la limite, ouais, ça passe. Ouais, pourquoi pas. Ouais, parce que là, au moins, t'es là, il y a du monde. Ouais. T'as une idée, Thomas, non? Quoi? Une idée? Non, pas là, non, je sais pas. Non, tu n'as pas d'idée. Je ne pense pas. Non, là, non. Elle va venir, là, pour l'instant. Elle n'est pas là. Mais je l'attends, elle va venir. Je pense. Bon, si vous avez des idées, allez-y, là. Allez-y. Des trucs blague aux potes. Ah, c'est pas mal, ça, ça. Ouais. Par contre, c'est horrible pour le mec, quoi. Tu organises un paintball et lui, tu le déguises en lapin. Mais rien. Mais tu lui dis pas qu'il y a un paintball. Ça va être horrible pour lui. Quand il arrive. Ah, en plus, ça fait super mal, hein, ça. Le paintball. Ah, ouais, ouais. Bah, surtout si t'as pas le costume. Quoi que déguisé. Non, mais même avec le costume. Et nous, on l'avait fait dans le couloir pour un problème du mois. Mais j'avais eu trop mal. Hein. Ouais, t'as vu des bleus. Ah, ouais, j'avais des bleus sur les fesses et tout. Donc, on est sur une soirée d'anniversaire, mais pas une soirée normale. Parce que là, il y a la bonne couille qui se fout de la gueule de la Marie qui dit. soirée chicken shock avec un verrou et une lettre. C'est les trois idées de la Marie qu'elle balance régulièrement dans l'émission. Ça. Ouais, pas mal. Non, non, on n'est pas sur des soirées normales. On sert une soirée, on fait une blague à la con. Bon, on y revient juste après toi, Thomas. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Thomas, toi? Bon, en fait, voilà, je me suis inscrit à une salle de sport récemment. Ouais. Ouais. Et ça fait à peine un mois que j'y suis et je kiffe une meuf là. Enfin, je la vois quasiment tous les jours, quoi, quand j'y vais. Et puis, j'aimerais bien l'aborder, mais en fait, j'arrive pas, quoi. Je suis trop timide. Tu peux en parler là, non? Et c'est quoi le rapport avec la salle de sport? Bah, c'est une meuf de la salle de sport, Marie. Ah, ouais. Je viens de comprendre. Merci. Mais t'es complètement con. J'ai pas capté. Romano, excuse-moi, mais tout le monde a le droit de s'exprimer dans l'émission, même les mal comprenantes. Non, mais là, c'était clair. Bah, non, pas pour moi, tu vois. Alors, tu sors avec une salle de sport. Ouais. Mais elle est vraiment très sale. Ouais, voilà la meuf. Ah, oui, c'est bien. Bah, ben voilà, le problème est géré. Super. Merci. Et la meuf, elle vient toute seule? Ah, ouais, elle est toute seule, ouais. Ouais, non, mais méfie-toi qu'il n'y ait pas son mec qui soit en train de soulever 200 kilos avec une barre et que le mec, il vienne pas te défoncer la gueule. C'est vrai. Ah ouais, dans une salle de sport, c'est prendre des risques quand même. C'est vrai. Je suis le mec, c'est un Golgoth. Est-ce qu'elle est célibataire? Je me dis, tu vas le voir arriver, va avoir des bras, ça va être tes cuisses. Enfin, je sais pas, parce que du début à la fin, je la vois toute seule, quoi. Donc. Ouais, c'est... Enfin, le mec, il est peut-être pas il fait peut-être pas de muscu, mais il existe peut-être son mec. Bah ouais, peut-être. Bah faudra lui. Tu peux pas l'aborder, je sais pas. Tu lui fais tomber un poids sur le pied. Oh bah super. C'est ouais, ou alors tu l'étrangles avec une des cordes ou un truc. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais ce qu'il faudrait peut-être que tu fasses. Déjà, tu la vois tous les jours, ça fait un mois que tu la vois tous les jours. Ouais, déjà, tout bêtement, tu peux lui dire bonjour. Ouais. Bonjour. Ouais. Non, mais c'est un truc à la con, mais pour engager la conversation, c'est mieux. Tu as raison. Ou peut-être lui demander des conseils. C'est bien parce que dans l'émission, on apprend des trucs quand même importants. C'est-à-dire que pour engager la conversation, c'est mieux d'arriver en lui disant bonjour. Voilà, non, mais c'est ça. Non, mais quelqu'un que tu vois tous les jours, au bout d'un moment, ouais, naturellement, tu dis bonjour. Et de là, voilà, si t'as le courage, tant qu'il. Sur la suite, quoi. Tu lui parles de choses. Non, mais tu peux demander un conseil sur un exercice. C'est ce que je viens de dire. Ah, Cédric. Ça, c'est pas con, Marie. Ça tombe bien, Cédric, que tu donnes ton avis, car au niveau de la séduction, on l'a vu ce soir dans le clash d'ailleurs. T'es quand même un spécialiste. Un sacré loser. Allez, ta gueule. Non, mais tu peux faire ça, ouais. C'est-à-dire que tu sais, la meuf. Agressivité. Si tu vois qu'elle est forte sur un truc, bon, si la meuf, tu vois qu'elle s'entraîne, je sais pas comment. C'est quoi les trucs dans. Samy, dans les salles de sport. Tu peux tout faire. Non, mais les exercices, donne-moi un nom d'un exercice. Bah, je sais pas, du cardio par exemple. Bon, voilà, si tu vois que la meuf, elle est forte en cardio. Tu dis que toi tu sais pas trop, tu connais pas trop en cardio et qu'elle donne un conseil. Pas bon ça, c'est pas bon, tu passes pour une baltringue. Bah non. Ah si. Tu passes pour une baltringue. C'est pourri ta méthode. Ouais, mais non, c'est en plus c'est un truc. Tu sais, dans les salles de sport, tu remarqueras, les mecs ils aiment bien se motiver entre eux. Non, justement j'ai une ça. Ouais, mais tu vas voir une meuf et tu vas lui dire bon, je suis un gros naze. Toi tu en fais bien, moi je suis. Non, mais en plus j'allais dire le contraire, c'est que dans les salles de sport, en général, les gens ils ont la musique, ça te casse les couilles quand il y a quelqu'un qui vient de parler, parce qu'elle écoute pas de musique. Bah ça va motiver Thomas. Tu viens, t'as envie de rester une heure, de mettre ton son et de parler à personne et de te barrer, tu vois, t'as pas envie de taper. Dans ce cas, tu passes pas la meuf. Dans ce cas-là. Non, mais c'est pour ça que j'irai pas moi parler à la meuf quand elle fait son truc la dernière. Non, mais pour un peu, et puis la meuf, tu sais, elle y connaît rien, tu sais, elle va dire, ouais, c'est qui ce relou qui vient me parler? Elle va demander au la meuf, de elle va dire, ouais, va demander au mec qui est payé pour ça, connard. Plus, elle a parler. Des écouteurs, t'as ouais, dit, Thomas? Ouais. Alors, en plus, elle a ah ouais, ça, les écouteurs, c'est-à-dire, me parle pas. Bah, vole-lui son iPhone, elle en fera mieux. Voilà, simule l'agression. Sinon, tu veux te faire des pompes. Bon, l'idée de Cédric, vous en pensez? C'est de la merde. Bah, vas-y, propose une idée, couillon. Bah, moi, je lui ferai signe, tu sais, genre, tu suces avec un bus. Ça, c'est bien, ça. Je pense que ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Genre, tu mets ta main devant, alors. Ouais, c'est vrai, tu peux pas lui parler, ton âme. Il faut faire des gestes, hein. Le langage des signes. Faut se faire comprendre. Sinon, tu sors ta bite direct, gros, tu l'as fait tourner. Non, mais je pense qu'il te fait sortir dans la salle. Il l'aborde dans les vestiaires, ouais, mais vestiaires hommes et femmes, c'est pas les mêmes vestiaires. Ah non, jamais de la vie, ça, ouais, c'est bon. Sauf si c'est. Non, mais tu mais ça doit exister, une salle de sport un peu. Échangiste. Non. Si, je pense. Ouais, à mon avis, ça existe, il y a même des trucs où ça baise à la fin, tu vois. Avec des vestiaires communs. En général, c'est plus des trucs gays, quoi. Il y a pas des salles de sport, il y a des salles de sport gays, non? Ouais. Il y a à côté de la radio, là. T'es pas inscrit là-bas, Samy, gros? Ouais, tu sais, je fais une heure de cardio, une heure de sodomie, tu vois. Bah écoute, au moins, ça te muscle un peu toutes les parties du corps. Le fion un peu, c'est pas mal. Bon, qu'est-ce que. Thomas, mais un moment, elle enlève son casque quand même. Ouais, enfin, elle fait beaucoup de tapis surtout et bah, mais ça me dit quoi. C'est quoi un tapis roulant? Ouais, tapis de course. Ouais. Bah, tu cours, Tu cours, mais tu restes toujours à la même place. C'est con, hein. Alors que tu peux courir dehors et là tu peux. Tu cours mais t'avances jamais. Non mais il y a des trucs bien maintenant, il y a des trucs en immersion et tout. Le ouais, toi, avec ils des écrans à la télé là. Oui. Tu sais par exemple le vélo, il te met un casque. Ah comme si sur une route. Ouais, ouais, t'as un écran de ouf, un écran ouais, vidéo et en fait t'es en immersion, t'as l'impression d'être dans un décor et tout avec de la musique à fond. C'est ouais. Limite ça donne envie d'en faire. Alors que t'es au troisième sous-sol de la ouais. salle de sport. Ouais, alors t'es dans une cave, ouais. T'as l'impression d'être ailleurs quoi. Bon qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi? On va demander déjà à ceux qui fréquentent les salles de sport. Ou pas d'ailleurs. Bah, est-ce que ça ouais, lui. Thomas si vous aviez des idées pour. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Parce ça premier pas, quoi. Tel que tu décris la meuf, elle a pas l'air d'avoir envie de se faire emmerder. Il ouais, bah, y a ça. Que des petits regards des fois, mais bon. Est-ce que. Ah, films. Quand t'avais un petit regard, tu fais, reprends l'idée de Romano. Là, tu fais. Avec la langue, tu sais, contre la ah, tu fais le. Non, je pense pas. Non, mais est-ce que des fois, elle fait que du. Tu sais, de la course ou quoi, ou des fois, elle va sur des machines de. Un peu de muscu. Ouais, il va des fois, ouais. Bon, bah, tu te démerdes pour aller à la machine quand elle y va. Et tu si c'est la tu seule la pousse. Non, yeah, c'est à moi là. Allez, dégage. Allez, dégage. Écoute, c'est une bonne méthode. Et si c'est la seule machine de ce type dans ta salle, tu lui dis est-ce qu'on peut alterner? Tu sais quand il y a du monde dans une salle de sport. Ah, tu vois, t'as un casse-couille toi. Bah non, mais c'est comme ça une salle de sport, c'est quand il y a du monde, t'attends partage. Pas. Ouais, tu alternes quand la savoir vivre, Cédric, ouais, savoir vivre. Mettre ça nul à chier. Toutes les salles de sport, méthode, elle est bien que la tienne, Cédric, mais bah je trouve que c'est mieux de demander conseil au moins la meuf. Surtout si elle a un casque, elle a pas envie d'être emmerdée. Mais parce que dans une salle de sport, tu vas parler comme un connard la meuf. Dans ce cas-là, la meuf, si elle est sur la machine, elle va mettre son casque, elle va faire son exercice. Mais non, parce que quand tu tournes, là au moins tu auras quelques secondes où ni toi ni elle sera sur la machine, tu sais, quand vous reposez. Et puis là, ça laisse un petit temps de battement. Bah ou... Alors à son casque. Mais non, mais tu pourras quand même enclencher, parler d'un truc. Bah oui. Je sais pas, tu lui remets le poids. Bah moi, je trouve ça plus intéressant de demander un conseil. Et mon idée du départ, le poids sur le pied, c'est pas mal, non? Ouais, non, pas mal. Sur la gueule aussi. De faire la gueule. Ah, tu lui fais tomber un poids. Voilà, sur tu lui brises les orteils. Tu lui brises les orteils. Super. La meuf, elle vient pas à la salle de sport pendant 6 mois. Si elle revient, mais bon, elle a plus qu'une jambe. En plâtre. Ah, il y a Mathieu qui te reproche, Samy, d'avoir pris ton idée. Son idée. Ah, je l'ai pas vu, Mathieu. Il a raison, Samy, il a pris mon idée. C'est Mathieu, CSB, 19 ans. Et méfie-toi, les regards, parce que pour un peu, elle a remarqué que tu l'as regardé. Elle se dit, ouais, c'est qui le relou qui me regarde. Pervers, ouais. Absolument, oui. Ouais, ou alors tu lui voles un truc, tu le mets par terre et tu dis, t'as fait tomber un truc. Idée de l'inconnu, là, sur SMS. Ouais. Ah, ouais. Ouais, enfin, quand tu lui vois, la voix que tu lui as volé, la meuf défonce la gueule. Après. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, Vince qui reproche également à Samy d'avoir volé l'idée. C'est mon idée enflure. Vince, j'ai regardé aucun message. Mais bon, c'est un truc. Bon, en général, c'est comme ça, tu vois. Sinon, sur le tapis roulant, tu fais une blague. Tu sais, quand tu passes, tu accélères. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas, ça? Tu balances un truc dans les pieds. Ah, t'accélères, tu mets le truc à donf, le tapis à donf quand tu. Et là, quand t'es dessus. C'est éclate. Voilà, c'est pas la jambe, c'est la gueule. Tu brises la mâchoire. C'est vrai, c'est pas mal. Et bon, bah si vous avez d'autres idées, on vous attend. Et si vous avez déjà dragué dans les salles de sport, ça drague dans les salles de sport? Moi, j'ai pas les salles ouais, de sport. Ouais, ça branche un moi, peu, mais. Je fais du sport dehors, moi. C'est surtout baiser, ouais. Moi, j'ai... en fait, tu sais, les gens. C'est déjà pas mal, baiser. Les meufs, ouais, elles ont ouais. tous des écouteurs, donc c'est pas ultra facile, je trouve, quand même. Ah, c'est pour ça, Thomas, que tu galères, en fait. Mm. Ouais, mais je sais pas si t'as remarqué dans les salles de sport, il y a toujours une meuf ou deux, tu sais, qui est toujours là. Ouais. À chaque fois que tu y vas, elle est toujours là, gros, et elle parle à tout le monde. Ouais, bah, il y a des meufs qui sont chibonnées par ouais, tout le ouais, monde. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as des non, mais c'est aussi. Vrai, il y en a toi, il y en a. Il y en a, ils y vont comme ça, des choses. Et c'est vraiment la seule qui te plaît, toi, Thomas, dans cette salle de sport. Ouais, c'est la seule qui me. Ouais, qui me ouais t'as plaît plus ouais, que les autres. Meufs, là, qui veulent se faire baiser par tout le monde, c'est des déchets, non? Ouais, il y en a des. Ah, bah ouais, gros. Ah, ouais. En plus, il y en a la plupart, sont c'est pas le haut du panier, quoi. Ah, non, non. Et sinon, non, là, c'est la cerise dégueulasse, quoi. C'est ça, c'est la cerise pourrie. C'est la barquette. Sinon, il y a une petite truc. On fait des pompes dans les salles de sport. Ouais, tu lui dis. Tu fais des pompes et là, tu sors ta bite. Allez, vas-y, pompe. Fais les séries, tiens, pompe. Bon, j'ai volé cette idée à Tarzan sur SMS. Merci, Tarzan, pour ton message. Bon, Thomas, reste avec nous, on va en reparler. Des idées pour les anniversaires. Ah bah vous en avez eu plein, j'ai vu les messages qui défilaient en même temps là. Alors, idée pour un anniversaire, je vous rappelle le message de Johnny du Nord. 18 ans de son pote, blague à son pote pour son anniversaire. Si vous avez des idées, l'équipe, il nous demande. Et puis vous aussi, on vous a demandé, même chose. Alors, ouais. Je vais vous présenter. Il est où? Où elle est où d'ailleurs? Zane en direct. Bonjour, Zane. Zane. Bonjour tout le monde. C'est pas Zane. Zane. C'est Zane. Zen, tu dis ça pour m'énerver peut-être? Non, même pas, t'inquiète. Zen. Je vais rester tranquille. Bah reste Zen, man. Donc Zen, 32 ans, était dans le 77 et on a Dimo de Arras aussi. Salut Dimo. Oui, salut. Salut Dimo. Ouais, Dimo. Et donc vous avez des idées pour l'anniversaire? Ouais. Parce que bon, Johnny veut faire une blague. C'est marrant en plus pour les 18 ans. Ouais, c'est marrant, oui. Ça fera un bon souvenir. Bon, après, ça dépend des blagues. Parce que la blague, genre, tu l'invites à une soirée et puis en fait, il y a personne qui y va et il se retrouve tout seul. Non, mais c'est pas super. Non, mais le but du truc, c'est. Je pense qu'il faut pas que toute la soirée ça soit une blague. Non, ouais, qu'il attend 10 minutes. Genre, voilà, tu. Allez, à 5h du matin, tout le monde débarque. Ah, ouais. Non, mais genre, le mec, tu lui donnes rendez-vous. Mais tu l'invites à 10h. Pour le coup de la soirée, ouais, tu dis, ouais, c'est à 23h. Et les gens, à 23h30, ils arrivent tous d'un coup. Genre, c'est la surprise. Et bah, lui, c'est pareil, il est tout jeune chez lui. Oui, bon, bah, voilà, bon, bah, dans ce cas-là, tant pis, vous faites la fête sans lui. Truc glauque. Alors, Zen, t'avais quoi comme idée, toi? Ouais, bah moi c'est un truc, c'est un peu vicieux, mais bon, c'est toujours marrant. C'est vous, soit vous faites ça à domicile, soit vous faites ça dans une petite salle des fêtes, voilà quoi. Mmh. Et vous lui faites croire que pour la soirée il va avoir une fructiseuse. Ouais. Donc il va se mettre, il va s'ambiancer comme il faut et tout, oui. Sauf qu'à la fin, ce qui arrive, c'est une drag queen. Ça c'est bien ça. Ah, c'est un cum. Et voilà, tu mets un cum dans un gâteau par exemple, et à un moment il sort et il te fait. Salut les filles. Salut les filles. Et ah, Cédric dans toute sa splendeur. Je pense qu'il se vénère le mec. T'arrives et tu fais un show, Cédric. Ouais, bah oui. Non, parce que pas forcément, il va pas forcément se vénère. Oh, c'est marrant, après, toi ça t'énerve, ouais, toi. S'ils ont la thune, ils vont mettre une vraie fétiseuse derrière. Mais le truc c'est juste pour que. Non, mais c'est marrant, moi je trouve ça bien. Ouais, moi je trouve ça marrant. C'est rigolo. Et Cédric, toi non. Regarde, il est énervé. Moi je trouve ça marrant. Oh là, ça m'énerve, j'ai envie de baiser le drag queen. Ah non, peut-être pas, non. Non, mais pourquoi ça t'a... T'as pas ouais, d'humour. Ouais, je sais pas. Ah, là-dessus... T'as pas du monde. Non, mais c'est vrai, c'est marrant. Mais si le mec il se frotte à toi et tout. Mais t'es un animal. Mais pourquoi tu veux qu'il se frotte à toi? Parce que le mec il est après. Non, mais t'inquiète pas, il aura pas envie. Ah non, non. Il va partir en courant. Ah, vous avez pas dit, il y a un supplément aussi. Non, mais Gifou il dit ça, mais c'est un gros mytho. Je suis sûr, on lui fait la blague, ça lui fait pas plaisir. Bah si, ça me fait rigoler. Ok, d'accord. Bah attends, bah oui. C'est marrant. Bah ouais, moi. Voilà, demain, j'arrive avec des copines à bite. Bah, si tu veux, Cédric. T'inquiète, j'ai déjà une idée. Voilà, tu connais du monde, Cédric, c'est bien. Ouais, t'inquiète. Ah, trop drôle, l'idée de Cédric qui sort du gâteau. Eh ouais, mais Cédric qui sort du gâteau, attention. Il est là. Il arrive à poil. Salut les filles. Et après, il vous fait un show. Un show sexy, il danse. Non, mais notez bien ce moment, hein. T'inquiète. Non, mais c'est bien, Cédric. Il est content. Tu verras. En fait, Cédric, il annonce les blagues. Non, il est content, il annonce les blagues avant qu'elles aient lieu. Tu vas amener des drag queens dans l'émission ? Petite surprise. Mais si tu... Vas-y, Cédric, j'en ai vu d'autres, des drag queens. Hein. Ah, bah, ah ouais, c'est clair. Tu les as vus, non ? Bah, tu bah, je sais pas, tout le monde en a vu, non ? T'as jamais vu des drag queens, toi ? Bah, moi, j'ai vu des trans en Thaïlande. Ah, bah voilà, tu vois, j'ai pas son truc. Oh, on n'est pas loin. Hein. Ouais, c'est pas très loin. Bon, alors, une bonne idée, moi, je mets. allez, je te mets 17 sur 20 pour ton idée. Ah ouais. Bien. Zen, elle est bien. Ah, c'est déjà pas tu mal. N'as pas 20 à cause de Cédric qui lui n'aime pas. Voilà, oui, Cédric aime pas, donc je suis obligé d'enlever 2 points. J'aime pas. Ça passe marrer tout le monde. Ouais, c'est marrant ça. Et puis ça laisse, ouais, c'est un bon souvenir. Ouais, là, c'est vrai, tu fais cette blague, il te pète la gueule. Voilà, badaboum. Voilà, je te mets de voile. Non, peut-être pas, mais bon, ça me plairait pas en tout cas. Dimo, toi aussi, t'as une idée, Dimo? Ah, moi, c'est une mission commando même. Alors, mission commando. Attention. Alors, attention, l'idée va-t-elle être acceptée par Cédric? On va voir. Ah bah, excusez-moi, ça va être dangereux. Hein. Ah. Alors en fait, nous, l'année dernière, on avait kidnappé un pote. Ah ouais. Et on l'avait suivi dans la rue quand il est sorti de son boulot. Ouais. On l'a mis kidnappé. Ouais, j'aime bien. Ouais. On l'a foutu dans le coffre, mais on l'a fait flipper. Hein. Ah ouais. Moi, ça, je valide. Depuis, il est mort. Ça, t'aimes bien, ça? Ouais, je trouve ça marrant, moi. T'es plus qu'il est en stress, en fait, c'est une surprise, quoi. Ah bah ouais, c'est pas grave. Ouais, il a fait une crise cardiaque dans ton coffre. Attends, bouge pas, laisse parler Dimo. Alors, il a fini la soirée dans le coffre. Ta gueule. Combien de temps? On l'a amené sur une bête de soirée avec tous ses potes, toute sa famille, quoi. D'accord, mais il est resté combien de temps dans le coffre, le temps de faire le trajet, quand même? Au moins 45 minutes. Ah ouais, il a enfermé 45 minutes dans un coffre. Mais le mec, non, en plus, il a su pendant le transport que c'était vous? Ah bah non, c'était la blague. Ah oui, non, mais la blague, elle est longue quand même, non? 45 minutes. Le mec, il a dû flipper ça. Ah ouais. Tu sais quoi, t'as de la chance qu'il ait pas fait de crise cardiaque, gros. Bah ouais. Voilà, un coffre, gros, il est mort en plus, génial. Ah ouais, voilà, bah la fête, elle a annulé. Bon, parce qu'il est mort. Oh, génial. Voilà. C'est très con, ça. Et toi, ton pote, ça va, il a gueulé après, non? Franchement, quand on l'a amené sur la bête de soirée, il était super heureux, mais le lendemain, ils en ont un peu voulu, quoi, en disant, ouais, c'était pas très drôle, ça, mais... Ah bah, 45 minutes dans le coffre, c'est pas génial. Non, moi, je te dis, avec la période actuelle, moi, je le ferais pas. Non. Ah, tu veux dire terroriste, tout ça? Ah, non, mais ouais, c'est moi aussi, quoi, déclenché, t'imagines, il y a quelqu'un qui prévient, ouais, non, mais c'est tout à bord. Alerte, enlèvement, le pote de Dimo a été enlevé. Non, mais en plus, ouais, si tu le fais dans la rue, qu'il y a des gens qui voient. Non, mais tu te retrouves avec le raid et tout, tu sais, maintenant, les mecs sont sur les dents, hein. Et là, après, c'est, tu rigoles, moi, là. Non mais au moins tu te souviens de ton anniversaire. Non mais tant mieux que vous ayez pas eu d'emmerde, mais moi j'éviterais de le faire. Non mais ou alors tu peux lui bander les yeux, tu vois, et l'asseoir dans la voiture et pas dans le coffre déjà. Ah mais non, mais on est déjà 5 dans la voiture. Ah bah ouais, il y a plus qu'une place. C'est avec des Kalachnikov. Le mec on l'a braqué et tout. Bon, si vous avez d'autres idées pour un anniversaire, bon, combien vous mettez à bon, Cédric a bien aimé donc. Non mais c'est là, ouais. Non mais c'est marrant mais dans une autre période. Ouais ouais ouais. Ah ouais, bah je ferai pas ça. Là, plus 45 minutes, c'est chaud. Non, mais il y a. Oui, 45 minutes, c'est long quand même. Bon, vous pourrez choisir après. Puis le mec, il a dû flipper trop. Ouais, ouais. Ah ouais. 45 minutes dans un coffre, ouais. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Ah, déjà, tu te fais embarquer dans la rue par des mecs, tu dois. Déjà rien que ça tu dois comme pas te rassurer. Ça arrive quoi. À mon mec, ça lui est arrivé ça. Il s'est fait embarquer. Ouais, il s'est fait kidnapper à une sortie de boîte pour avoir sa carte bleue et son code. Putain mais c'est horrible. Il a réussi à sauter de la voiture, ouais. Ah ouais, ouais, ouais sur les champs. Ouais. Ah bah, tu vois, Dimo, il aime bien ce genre de blague. En fait, non, t'inquiète, Marie, c'était Dimo, il s'est pote. Tu vas mal finir, Dimo. Ah, c'était pas son anniversaire. Dimo, il s'est pote. Mais si, mais tu t'es trompé de mec. pas moi. Bah oui, t'as enlevé le mec de Marie. Ah merde. Là, on aurait kidnappé Marie, nous. Ah bah merci. Ah ouais, mais c'était il y a longtemps. Ouais, ouais, 4-5 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, pas si longtemps que ça. Ouais. Ah ouais, putain, ça fait flipper. Ah bah laisse tomber. Bon, vous avez d'autres idées pour un super anniversaire, allez-y. Vous nous laissez vos messages. Merci Dimont, on voit le t-shirt Sky à la maison. Et puis Zen, merci aussi. Pareil, deux bonnes idées là pour Johnny. Là. Il va choisir ouais. Parmi tout ça. Il faudra nous raconter, Johnny d'ailleurs. Merci les deux là. Ouais, juste deux petits trucs. Vas-y, dis. Pour l'idée de Dimo, ouais, j'ai un pote à qui ça. On a mis ça pour son enterrement de garçon et ça s'est fini au poste. Ah, donc c'est vrai que ça veut bien finir, comme on le disait. Non, mais c'est super. Heureusement qu'ils avaient la vidéo de l'enterrement du garçon, parce que sinon, les flics, ils vont chercher la fourgonnette et compagnie. Non, mais bien sûr, s'il y a des gens qui donnent l'alerte pour eux, ils savent pas que c'est une blague. Dans un petit village. Ah ouais, oui, enfin même. Et pour celui pour la salle de sport, vu que ça faisait... Ah, c'est Thomas. Tiens, viens voir, Thomas, viens voir. Les flics, ils vont sur le tapis de course, c'est même pas la peine. Pourquoi ? Je suis d'accord avec Samy. Je suis d'accord avec Samy, si la fille elle va sur les bancs compagnie, sur les appareils pour aller tourner, c'est le meilleur moyen. Il faut qu'il prenne son temps. Mais le tapis de course, l'idée de Romano d'accélérer le machin pour qu'elle se casse la gueule, non ? Non. Non. Pour non, faire non, que l'essence. C'est génial. Une petite blague. Pas, comme le poids sur le pied. Ah bah sur le tapis de course, elles ont leur casque, elles n'écoutent pas et ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, il ne faut pas qu'il fasse le lourd, il faut qu'il prenne son temps. Et de toute façon, c'est simple, les filles à la salle de sport, elles vont jamais calculer les gars qui vont derrière elles. Donc faut se mettre devant. S'il veut qu'elle s'intéresse à lui, si tu veux qu'il soit rigoureux dans ses entraînements, et au fur et à mesure la fille elle viendra d'elle-même pour lui demander soit des conseils ou soit avoir ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Bon bah écoute, Thomas, on aura peut-être d'autres petits. Il y a quelqu'un pour toi en plus qui voulait te parler, ouais. C'est Lorenzo. Tiens, on passera à Lorenzo dans un instant. Comment draguer dans une salle de sport, hein, oui. Et comment fêter un super anniversaire? Oui, c'est qui? C'est Dimo. C'est moi. Ouais, Dimo. Oui, moi je voulais juste dire une chose, c'est que je vote à vie Romano. Ah merci. Tu as un vote à vie. Merci. Et si un jour, je sais pas, c'est tous les jours, enfin, si tu fais de la merde. Tu vois, si Cédric fait un super clash par exemple un jour, tu voteras quand même Romano? Ah mais c'est à vie. À chaque clash, vous pouvez me compter une voix pour moi. Ça c'est les fans. Bah t'es nul. Ça toi. C'est les vrais. Mais heureusement que vous n'êtes pas tous comme ça, parce que autrement il y aura, bah, y aura, sinon, y aura plus de suspense. Cédric gagnerait pas. Non mais il y aura plus. Ouais, ouais, ça me ferait chier. Pourri le belge. Voilà, merci, ça c'est bien dit. Il a raison. Ça va me faire plaisir de te reprendre en antenne, toi, tiens. Ah bah tiens, on va te le passer, Dimo, tiens. Salut Dimo, raccroche pas, merci. Salut mec, Zen. Merci. Et dans un instant, bon, on poursuit avec l'anniversaire, la drague dans les salles de sport, c'est pas fini. Et le nouveau Joule que je vous avais promis tout à l'heure, c'est On m'appelle l'OVNI, le nouveau Joule sur Sky. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et attention, dans moins d'une demi-heure, vos places à gagner pour aller voir Drake. Vous voulez aller voir Drake en concert avec Skyrock? C'est possible. C'est possible. En s'inscrivant, vous pouvez vous inscrire à leur dire dès maintenant. 7-20-20, vous envoyez roulette. On roulette. Fait tourner. Allez, dans 25 minutes, il est quoi? 23h35. Dans 25 minutes, ça tourne. On écoutera ça aussi. The Weeknd et Starboy. Et Daft Punk. Votre mano. C'est bien ça. The Weeknd. Découvert sur Skyrock. Pourquoi tu prends une voix de femme, Romano? Bah, c'est comme il chante. Oui, The Weeknd. Ah, il est pas non plus. Il n'y a plus masculin, quoi. Il est plus grave, ouais. Vas-y, fais The Weeknd. C'est Karim qui fait bien ça. Vas-y, fais la femme, Karim. C'est ça, ouais. Un truc. C'est le truc. C'est pas encore quel truc, mais tu l'as le truc. Oula. C'est les pirates qui arrivent. Ah, très bien. Les pirates des Caraïbes. Bon, The Weeknd, Starboy. Allez, avant minuit, à écouter sur Sky. On a, tiens, les témoignages pour la salle de sport. On va s'en occuper. Bon, pour l'anniversaire, l'idée du trav, elle vous a beaucoup plu. Enfin, du trav, comme vous nous dites, là, je lisais le message de Fer. Ouais, Drag SMS. Queen, quoi. Oui, Fer, qui trouve très très bien l'idée du trav, il nous dit. Travesti, l'idée de la Drag Queen, oui, c'est ça. Ouais. Vas-y, fais la Drag Queen. Non, mais ça va, gros. Fais la Drag c'est, Queen. C'est bien, c'est pour le sujet. Tap, tap, tap, tap, tap. Oui. Moi, ouais, c'est moi qui le fais. Cédric. Ah, merci, ouais, Cédric. Bon, alors, on a. Merci, Cédric. On a Thomas, donc, ouais, Thomas, salle de sport, les meufs avec un casque. Arrêtez de mettre des casques, les filles, parce que vous avez entendu, c'est quand même un problème des salles de sport. Je connaissais pas ça. Ah, ouais, c'est le nouveau truc. Pour draguer. C'est du son. Et pour draguer, non, je pense c'est pas facile. Tellement de lourds en même temps. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tout le monde a un casque. Ouais, en fait, c'est pour rester tranquille. C'est comme quand vous mettez un casque dans le bus. Ouais, dans le métro, tu vois. Pareil. Ouais, tu mets un casque dans le bus, comme même ça. Si même si j'écoute pas de musique, ouais, c'est ça. Parce que j'arrive pas à monter le son. Alors, on va t'expliquer, Marie. Non, mais même quelquefois, je mets pas de son ou quoi que ce soit. Je mets un casque de moto pour prendre le bus. Non, mais très bien, comme ça, t'es sûr qu'on te fait pas chier. Quand quelqu'un te parle, au moins tu traces, t'en fous quoi. Bon, il y a Lorenzo qui est en ligne avec nous en direct de. Il est où? À Paris. Lorenzo, 17 ans. Salut, ouais. Lorenzo. Lorenzo. Allô? Ah, ouais. Ah, coucou. Ah, ouais. Comment ça va, Lorenzo? Bien. Bien, bien. Alors, parle bien fort dans ton téléphone, ouais, qu'on t'entende bien. Ouais. Et donc, toi, t'as des idées pour la salle de sport. Parce que toi, tu fais du sport en salle. Ouais, vite fait. Voilà, moi je suis sale, mais je fais du sport. Ah ouais, là, moi, je fais pas de sport. Je fais du sport sale. Non, non. T'en fais depuis longtemps? Non, là j'ai commencé il y a pas très longtemps, là en fait. D'accord, mais tu t'es dit quoi? C'est parce que tu te voyais dans la glace, tu disais je suis trop fille, je suis trop mince. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là tu dis je vais être beau gosse. Non, parce que. Ouais, enfin, ouais, c'est un peu tout ça, ouais. Pour comment, sculpter t'entends, quoi. T'entends très très ouais. mal, Lorenzo. Vas-y, fais quelque chose, Samy, parce que c'est Marie qui l'a pris au téléphone, donc forcément il y a des galères. Non, mais c'est vrai, c'est le premier auditeur que Marie nous envoie ce soir. Non, c'est pas vrai, on a eu Dimo, on l'entendait très bien. Ah, Dimo, c'est vrai, on a eu Dimo. Ouais. Oui. Excuse-moi, Marie. Bah, ah, oui, voilà. C'est vrai, il y avait Dimo. Je t'excuse. Alors. Un coup de pression. Ouais. Je te pardonne. Très bien, merci, Marie. Je suis pardonné et alors, je vais bien terminer la soirée. Ah, bah j'imagine, tu vas mieux dormir. Et après, on parlera auto-école, parce qu'on a un moniteur d'auto-école. École, parce qu'on était un peu sur la drague là. Il y a Jean qui est en ligne avec nous dans le 93. T'es là, Jeannot? Ouais. Bien. Salut, Jeannot. Salut, tout le monde. Salut, Jeannot. Salut, Jeannot. Tu peux, tu peux donner filer un tuyau aux auditrices ou aux auditeurs de Skyrock qui passeraient dans le 93, le permis ou un truc. Bah écoute, moi ce que je peux dire, c'est quand ils passent notamment sur la conduite, oui. Il y en a plein qui me disent ouais, si je grille un stop, j'ai trop peur de griller un stop ou de caler ou autre. Moi je vais vous dire clairement. Si tu te fais baiser si tu grilles un stop. Ah bah oui. Bah il te donne pas ton permis si tu grilles un stop. Ah bah non, attends, justement, dis-le, on va en parler. Attends, moi je vais t'expliquer. Quand tu passes le permis de conduire, et on est d'accord, on donne un papier en disant t'as le permis de conduire, tout ça, on te met un A au cul. Le A il veut dire quoi? Ça veut dire que t'as encore un apprentissage. Anus. Non, pas du tout, Marie, mauvaise réponse. Mais si on te met un A en apprentissage, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux être en apprentissage, mais tout seul. Mais en gros, si tu sais pas en examen de la conduite, tu grilles un stop ou autre, mais tu sais l'expliquer que c'était fait en toute sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est l'allure et le regard. Bah, ton permis, tu peux l'avoir, ça veut dire que t'es autonome. Je serais vous, si vous passez le permis, même si mais t'es c'est quoi, moniteur d'auto. Moniteur de merde. excuse-moi, mais non, mais tu dis de la merde. Mais non, comment, mais jamais de la vie, n'importe quel examen. Alors, excusez-moi, j'ai grillé le stop, ok. Bon, la vieille, je l'ai écrasé, bon, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai fait en toute sécurité. Non, mais y a pas un inspecteur qui va te donner ton permis si tu grilles un stop, t'auras beau lui expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi je l'ai grillé, mec. Mais le mec, il va te dire, je m'en branle, recalé. Non, mais j'ai compris, Jeannot, tu dis ça en fait, parce que t'es moniteur d'auto-école, c'est pour faire tourner l'auto-école. Ils loupent tous le permis, donc ils sont obligés de le repasser. Mais même pas, mais même pas. Passez au rouge, vous l'expliquez après. Ça marche. J'ai rien à gagner dans l'histoire, mais ce que je veux juste dire, c'est rassurer les gens. Tu vois, si tu cales pendant ton examen, c'est pas grave, t'arrêtes pas, continue ton examen, ça dure quoi, 25 minutes, 30 minutes maximum. Dit que c'était éliminatoire. Hein, non, calé, non. Mais non, calé, c'est pas éliminatoire. Moi, j'ai calé, je l'ai eu. Ah bah ils auraient mieux fait de pas te le donner, Romano, moi je te l'aurais pas donné. Tu vois, j'aurais été inspecteur, j'aurais joué la pute, j'aurais dit, il maîtrise pas son véhicule. Non, maîtrise du véhicule, tu calmes. Non, calé, ça va. En fait, calé, t'as le droit. Bon, évidemment, après griller les stops, les feux rouges, prendre des sens interdits, ça c'est éliminatoire. Sauf si tu sais les stops. Par exemple, si tu manges un trottoir dans un virage, c'est éliminatoire. si tu montes sur le trottoir quand tu fais un créneau, c'est éliminatoire. Non, c'est pas éliminatoire, tu perds juste des points. Par contre, si tu fais que ça, oui, c'est éliminatoire, bien sûr. Bon, en tout cas, toi, tu devrais être inspecteur, tu serais cool, tout le monde aurait son permis. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste si t'as une conduite sécuritaire, c'est-à-dire que tu regardes. Non, mais il y a rien de sécurité à griller un stop. Moi, je te dis, t'es un escroc. C'est quoi ce moniteur qui incite à griller les feux rouges de Carmel, là? Franchement, mais c'est la honte du métier, monsieur. Vous êtes des ouf. Bon, alors, mais c'est toi le ouf. Mais attends, moi, j'ai. Je sais pas, j'ai fait de te demander un conseil, toi, tiens. J'aurais des potes, je leur dirais pas d'aller le PC, le permis chez toi, excuse-moi, mais. Mais vous êtes à combien au taux de réussite dans votre auto-école? Bah, un taux de réussite à 2%. Normal, comme en nation, quoi. Voilà. Non, mais moi, par contre, tu vois, ce que je peux dire, un truc, c'est que pour les gens qui veulent passer l'examen en candidat libre, parce qu'apparemment, tout à l'heure, la personne que j'ai au standard, elle était un peu surprise, on peut le passer maintenant l'examen du code. J'ai dit l'examen du code à la poste, ça c'est ouais, possible. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. À la poste? Ouais. Ouais, ouais, tu fais beaucoup plus d'économies. Il y a des postiers qui sont assermentés pour faire passer les codes. Ah, je sais pas, ça. Ah, si, en fait, c'est moins cher. Ouais. Pour que je t'explique comment ça marche, tu vas dans l'ordre, t'envoies un dossier à la préfecture, ouais. La préfecture te renvoie un dossier avec un numéro, c'est très important. Ensuite, avec ce numéro-là, tu vas sur le site leCode.laPoste.fr. C'est bien ce qu'ils font, la poste, là, maintenant, ils font plein de trucs. Bah ouais, et en même temps, je suis un peu de la pub pour eux, mais bon, c'est con, j'aurais dû payer pour ça. On leur demandera, vive la poste. Ouais, grave, voilà, exactement. Et tu vois, tu reçois donc ce numéro, et ce numéro de dossier-là, il faut que tu rentres sur le site de la poste, et tu peux passer ton examen. Et là, du à ce code, moment-là, tu exemple, reçois une enveloppe gratuite. Oui, magnifique. Chronopost, peut-être euros. Même. Non, non, mais tu ça, peux passer ton examen au bout de deux semaines. Hein, ouais, ouais, deux c'est semaines, super rapide. En fait, c'est pour désengorger. Il y avait trop d'attentes, tu vois, sur, par exemple. Engorge-moi. Non, mais sur Paris, région parisienne, ouais, genre, des fois, il fallait six mois pour passer le code quand tu te foirais. Mais tu peux apprendre aussi avec quelqu'un qui a son permis depuis un moment. Tu sais que les. Là, vous mélangez le code et la poste, là. Enfin, vous mélangez le code et la conduite. Non, mais c'est Marie qui mélange. C'est moi. Je te rassure, elle a pas son permis, elle ne passera pas. Non. Non, mais après, oui, tu peux. Ce que dit Marie, c'est que, par exemple, si t'es en train de passer le permis t'entraîner, tu peux louer avec quelqu'un qui a déjà le permis depuis un certain nombre d'années et les voitures à double pédale comme dans les auto-écoles. C'est ça. Maintenant, il y a des boîtes qui louent ces bagnoles-là. Ouais. Après, bien, une voiture à double pédale, donc. Mais tu vois, juste pour revenir sur l'aspect code, si tu passes ton code à la poste et que tu loues, tu peux même repasser l'examen le lendemain. Y a pas de souci. Ça, c'est cool, ça, tu vois. Ça, c'est pratique, quoi. C'est vachement rapide. C'est avant, il fallait 6 mois. Voilà, mais c'est moins cher qu'en passant par l'auto-école. Car en fait, tu le loupais, il fallait 6 mois pour le repasser. Non, mais c'est ça. Exactement. Parce qu'en fait, t'étais plus prioritaire vis-à-vis de l'auto-école. Priorité à droite, exactement, d'ailleurs. Hein. Priorité à ceux qui arrivaient, les nouveaux qui arrivaient et qui passaient pour la première fois. D'accord. Ouais, parce qu'il y avait un truc de place. C'est la première chaque auto-école avait un nombre de place. Non, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que regarde, il y a Jer Wild qui nous dit: moi, j'ai calé au permis, il m'a même dit que j'étais trop sûr de moi et je l'ai eu. Ah non, mais calé, ça, t'es autorisé. Tu regardes en dessous. Laurent, moi, j'ai grillé un stop et j'ai eu mon permis, nous dit Laurent. Ben voilà. Ah. Ça, putain, ça me troue le cul, ça, je dirais. J'ai un super bon plan, je vais t'expliquer. Là, on t'a bien compris dans l'histoire, tu pouvais passer ton examen du code à la poste. Ok. En candidat libre. Non, mais tu travailles pour eux, bien. Non? Attends, tu vas comprendre. Tu veux des colis gratuits, toi? Non, même pas. Attends, tu vas comprendre le truc. Ok, c'est bien, ils peuvent passer leur examen du code là-bas, y a pas de problème. Mais comment ils font pour se former, du coup, sans passer par l'auto-école? Ben, moi, je vais te dire. Comment ils font? Hein, ouais, comment ils font? Eh ben, je t'explique. J'ai créé un site avec des amis. Je me disais, on y arrive. Ah, partie business, la partie publicité illégale. Je vous rappelle quand même que c'est le même mec qui il y a deux minutes, nous disait qu'il fallait griller des feux rouges et des stops. Non, je te raconte pas le site du code, il doit être bourré de feux, le truc. Au feu rouge, avancer ou reculer? Bon, on l'a dit. Le site, ils appellent, en fait, je vais t'expliquer vite fait, je veux mon permis.fr, et dessus, tu peux apprendre le code de la route en vidéo et gratuitement. J'ai bien dit gratuitement. Gratuitement. Voilà. Là, tu fais bien la pub, c'est bien. C'est ça, ouais. Donc, je veux mon permis. Attends, voilà. C'est ça avec le nom, il est pas con. Le nom, il est bien, je trouve. Et dessus, donc, tu peux prendre le code de la route gratuitement. Sans branle, mais total. Faut que je faisais un compliment, ils sont fous. Ah, le nom est pas mal. Bien trouvé. Et en fait, ce qui est pas mal aussi, c'est que tu peux tu vois, choisir aussi un forfait pour t'entraîner sur les questions de l'examen. Ah, un forfait. C'est moins gratuit, là, déjà. Non, mais attends. Le forfait, c'est que pour les QCM de l'examen, tu vois. Marche pas ton site, mec. Voilà. Mais si, il marche, bien sûr qu'il fonctionne. Je veux mon permis.com. Non, .fr. Ah, .fr. Parce que .com marche. marche pas. Ouais, con. Alors, CO2N, j'ai écrit. Ça marche pas non plus. Non, mais il marche pas, sérieux. Mais bon, à mon avis, c'est que là, vu que j'ai parlé du site, à mon avis, là, c'est en saturation, mais faut attendre un peu. Voilà. Parce que moi, ça met ressources limite exceeded. Ouais, c'est ça. C'est que voilà, là, c'est saturé. Là. Ah, t'as fait une bonne pub alors. Ah bah ouais, puis tout le monde confirme, le site il est HS. Et t'imagines, t'es passé sur Skyrock, t'as créé un site, tu l'as fait avec qui? Tu l'as fait avec des potes? J'ai fait avec des amis et tout. Nous on fait que des cours de code gratos dessus, donc voilà. Et puis, oui, gratos. Ton forfait question là, tu le fais combien, escroc? Attends, camarade, j'ai bien dit, les cours ils sont gratos. Les QCM ils sont payants, c'est 30 euros le forfait QCM. Ouais, pour 30 euros, t'as l'enculé, c'est cher. Mais attends, mais non, dans l'auto-école ça coûte 350 en auto-école. J'achète le code Rousseau dans une librairie, il me coûte 10 balles et j'ai des QCM dedans. Et le code Rousseau, c'est le truc officiel de utilisé par toutes les auto-écoles. Et moi, je vais te dire un truc, c'est que c'est pas mis à jour de une, et deuxièmement, il y a des nouvelles versions tous les ans. Et ben, c'est pas code Rousseau que la poche. Ah, ça fait de la merde. Alors, quand on essaie de se connecter dessus, ça écrit quoi, Romano? T'es dessus? Ah, forfait mini, 30 euros. Forfait musclé, 45 balles. Ah, bah, dis donc. Moi, j'irai pas acheter ça. On a réussi à se connecter, tu vois. Voilà. Bon, bah écoute, merci Jeannot du conseil. Bon, pas cher la pub sur Skyrock. Ouais, pas cher. Ouais. Pratique la radio libre. Dis-moi, il y a personne dans ton équipe qui a pas le permis là. Non, mais tu sais ce que. Non, mais il y a Cédric qui leur passe tous les 6 mois. Hein, ouais. Vu que t'as fait de la pub gratos, tu peux pas nous filer genre 10 forfaits musclés à 45 balles pour 10 auditeurs, tu passerais le permis? Eh ben écoute, si c'est voilà, vraiment ça te fait mal au cul. Si c'est une vraie proposition que tu me fais là, ok, on peut faire en mettre en place un jeu sur votre antenne et tout. Puis on va pas faire comme pour la PlayStation non plus. Non mais genre on les file maintenant quoi, tu vois, on en file 10 ou 5 ou. Jeannot, il y a donc. Bon vas-y, y a pas de problème, on peut faire ça, y a pas de souci. Bon alors vous laissez vos comment. Si vous êtes en train de passer le permis ou si vous envisagez de le passer. Tu veux pas poser une question permis de conduire? C'est bien l'examen du code, attention, faut pas. Oui non mais t'inquiète. Que le code de la route, hein. Que la plateforme QCM. Bon, alors attends, une question code de la route. On va trouver une question. Puisque t'as passé ton permis bateau, Romano. Tu fais pas les permis bateau non plus. Non, mais je m'en fous. Moi, je l'ai eu. Je vais pas. Et en plus, moi, le forfait internet, c'était 9 euros. Donc c'était moins cher. Oh, il doit le dire. Je suis désolé de vous le dire. Donc, si vous voulez le forfait, vous passez votre permis, vous envoyez un message. Non, mais c'est vrai, ça peut servir pour réviser et tout. Bon, c'est bien, Jeannot. Tu vois, on t'aura gratté un truc. Il est fort, ce Romano, quand même. Bah, attends, avec la pub gratos que t'as fait, ça va, quoi. T'es ouais, fort. C'est quand même un minimum. Bon, salut à toi, en tout cas. Raccroche pas, Jeannot. Merci, l'équipe. C'était cool. Merci. Rien, tu reviens quand tu veux. Ciao. Bisous. Salut. Et la poste, maintenant, ils peuvent vendre des médicaments, on nous dit. Ouais, et des piqûres. Ah, mais dans les petites villes, les petites villes, ils filent des coups de main aux papillons, mamies, ouais. Ah, ouais, très bien. Mais ils font des piqûres, mais c'est flippant, non? Mais non, mais ils ont une formation quand même. Ouais. C'est pas. Ouais, c'est bizarre. Mec, il arrive pas avec la piqûre. jamais fait, je vais essayer. Allez, bon, ce matin, je vais vous opérer de la panicie. Baisse ton froc, ouais, c'est ça. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, Marie. Lorenzo a disparu. Ouais, bah ouais. C'est-à-dire qu'on l'entendait déjà pas tout à l'heure. Et alors là, Samy, t'as des nouvelles de Lorenzo? Bah, je lui ai dit, je te laisse 5 minutes pour te déplacer dans un endroit où il capte bien. Et alors? Il m'a dit, ok, j'y vais. Et puis depuis, plus de nouvelles. Et là, c'est mais le drame. Où est-il passé? Qu'est-il devenu? On ne sait pas. J'essaie de le rappeler. J'ai très peur. Je vous tiens au courant. Très bien, tu nous dis pour. Il voulait dire quoi? Bah, dis-nous, Marie, ce qu'il voulait dire. Non, mais il a des méthodes, mais je me souviens pas de toutes les méthodes, moi. Ah, souviens rien, en fait. Bah, c'est quoi des méthodes pour serrer dans le. Ouais, en salle de sport. Non, mais la méthode que Samy avait donnée avec vous aussi. Avec plein d'auditeurs, Il avait plus précisément volé vos messages. Donc, essaye ça, Thomas. Thomas, salle de sport, vous rappelez, hein. Ouais. Désolé, on a perdu Lorenzo. Mais tu n'avais pas d'une idée, Marie? Non. Mais aucune idée. Bah, non. Tu prends quel code? C'est même pas ce qui. Ça t'intéresse même pas de savoir s'il a des idées. Mais je m'en souviens pas, je vais parler avec d'autres gens. Rien à foutre, moi. De quoi il paraît? Non, mais j'ai eu à un moment, Lorenzo. Il y a un moment, c'était il y a 10 minutes, Marie. Même tu as eu 10 minutes. On lui a dit bonjour. Non, bah, même Cédric, pas. Qui pourtant n'est pas non plus le plus fils de l'équipe. Lorenzo. Même Cédric, ça rappelle. C'est ouf, ça. Bon, Thomas, tu vas faire quoi pour ton histoire de meuf, là, à la salle de sport? Ouais, mais j'aime bien celle-là, j'aime bien cette technique là, d'alterner. D'alterner sur une machine, bah oui. Ouais, c'est bien. Ouais. Comme ça, tu partages la machine, c'est déjà partager un truc, c'est pas mal. Ouais, en plus, la meuf, elle sentira pas venir le truc, parce que, tu sais, quand tu vas dans une salle de sport, t'es obligé d'alterner avec les gens, donc. Ça sera normal pour elle. Sauf s'il y a pas beaucoup de monde. Bah, s'il y a pas beaucoup de monde, même si c'est la seule machine comme ça, tu vois. C'est par exemple un truc pour le dos et que c'est la seule machine qui est disponible pour le dos, t'as le droit d'alterner même s'il y a pas beaucoup de monde. Oh là, une machine à laver. Non, j'alterne pas. T'as le bêche, c'est un gros con. Ah, tu l'as Toi, t'es sur une machine, t'as un peu. Si. Quand même. Non, bah si, ouais. Bon, bah écoute, c'est, t'as pris combien? Parce que t'as 17 ans, t'as commencé. Ouais, 17 ans, c'est pas mal. T'as fini ta croissance, Lorenzo? Ah, ouais, non, attends, Lorenzo, non, il est Lorenzo, parti. On l'a... Ah, excusez-moi, ouais. Oui, alors oui, je disais ça parce qu'il y a plusieurs qui nous ont dit que tout à l'heure à 17 ans, c'était dangereux. Tu peux faire hein, du. Ouais, 17 ouais. ans, ça va, t'es ça déjà formé quand même. Hein. Bah là, ça fait un mois. T'as déjà pris ou pas? Ben, ouais. Non, mais il en a moins, tu crois pas? Mais il a, là, tu, non, mais Lorenzo tu... a disparu, Marie. Non, mais je parlais à Thomas. Ah, très bien, Marie. Je parlais à Thomas. Ouais, je parlais à. Je ne sais pas à qui. Non, je parlais à Thomas. Il nous a dit que ça faisait un mois. On parle toute seule. Non, mais ça faisait un mois qu'il avait commencé le sport, donc je lui demandais s'il avait déjà pris, s'il avait vu une transformation. Un petit peu. T'as pris où? Dans le cul, dans les vestiaires. Dans les vestiaires, on prend énormément dans le cul. Alors ça, vraiment, c'est... T'as pris où? T'as pris des bras, des pecs? Ouais, un peu tout, quoi. Enfin, je touche un peu à tout, donc... Tu savais pas que j'ai pris des pecs, moi, un peu, là? Ouais, grave. Ah ouais. Pendant les vacances. Les épaules. Ah, mais bientôt un soutien-gorge. Ah ouais, à ce point, Wano. Ah ouais, trop. Non, parce que je trouve que j'ai pris des pecs. Ah bah, des pecs et des bras aussi. Ouais, pris. Beaucoup. Non, bah. Bon, bah écoute, Thomas, bon courage. Tu es au courant pour cette histoire de... Ouais, je vais essayer dès demain. T'as pas son prénom, t'as rien. Non. Mais après, elle discute avec personne d'autre. Non, je l'ai pas vu, donc. Dans ta salle, quand tu rentres, tu sais, tu passes ta carte là. Genre pas un écran. Ouais. Y a pas un écran avec le prénom, la photo qui s'affiche. Ouais, enfin, c'est derrière l'accueil, donc. Ah ouais, parce que tu sautes à ce moment-là, dès qu'elle arrive, tu sautes derrière l'accueil, tu regardes. Tu fais des exercices. Hop là. Et tu chopes son prénom. Ou alors demande, je sais pas, t'entends bien avec les mecs de l'accueil. Ouais, le mec qui vient à la salle de sport, il est cool. Ouais. Ah bah demande-lui, bah ouais. Ça le fera rire le mec. Bah oui. Ah, sauf s'il a envie de la serrer lui aussi. Ah ouais, là. Ouais. Si parce que là, il te donne un sale prénom, un faux prénom. Ou si ça passe pour un con derrière. Bon, merci à toi en tout cas, Thomas. Salut Thomas. Salut Thomas. Ciao mec. Bon, on va vous le filer le truc de Jean là, le permis là. Ouais, ça s'inscrit. Hein. Je vais pas vous cacher, je galère un peu pour trouver la question. Non, mais il n'y a pas de question en fait, on a dit vous. Ah, le filer ça. Comme ça ouais. Ah, bah, Romano, bah, continue à galérer. Tu cherches une question, Romano. Mais tu me dis, au début, je dis, on les donne comme ça, tu dis, pose une question. Oui, bah, parce que les questions en fait du code de la route, c'est surtout visuel. Non, pose-la dans ta tête. J'ai vu que tu galérais un peu. Éventuellement, je peux vous poser une diapo. Alors, réponse A. Bon, alors, tiens, on va faire tourner la roulette. Là par contre faut s'inscrire. Vous envoyez au 7-20-20 roulette et vous gagnez Drake, concert de Drake le 12, le 13 et concert supplémentaire le 14 en mars, c'est l'année prochaine. Évidemment concert Skyrock, des concerts Skyrock qu'on vous offre maintenant si vous voulez aux places de concert. Donc roulette au 7-20-20. Ouais. Et on vous offre tout ça. Tiens, on parlait d'anniversaire tout à l'heure, on a le temps de se mettre ça. Ah oui, tiens, viens. C'était l'anniversaire de Jean-Luc Reichmann ce matin. Eh oui. Et on a 56 fait... ans. Il a 56 ans. C'est Jean-Luc Reichmann. Je m'appelle Jean-Luc moi. Oui, Reichmann même. Donc 56 ans aujourd'hui, on a fêté ça avec le réveil de star. On a deux minutes, je vous le fais réécouter. Réveil de star, enfin un des réveils de star de ce matin. Écoutez bien, Jean-Luc Reichmann, c'est un beau cadeau d'anniversaire. On parlait de cadeau d'anniversaire tout à l'heure. Magnifique. Hein, vous savez, de surprises qu'on peut faire à un pote, de trucs à la con. Tiens, j'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi ceux qui proposaient des poupées gonflables. Ouais. Faire un cadeau, une poupée gonflable devant sa meuf, trop rigolo. On l'a fait à un pote. C'est Jonathan qui nous laisse le message. Ouais, sinon il y a les godes et tout ça aussi. On peut également offrir des godes qui ont été proposés par Cédric. D'ailleurs. Non, c'était pas toi. Je sais pas par qui. Mais j'ai vu ça tout à l'heure. Donc, des petits cadeaux d'anniversaire. Et écoutez l'anniversaire qu'on a fêté à Jean-Luc Reichmann. On lui a passé quelqu'un de sympa comme tout. C'est Sébastien. C'est parti. C'est un beau cadeau d'anniversaire qu'on lui a fait ce matin. C'était dans le réveil de star. Écoutez bien, Sébastien, le cadeau d'anniversaire de Jean-Luc Reichmann. Allô? Allô? Ouais. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Ça va? Bah, ça va, mais c'est qui? Je m'appelle Jean-Luc, moi. Jean-Luc? Oui. Ah ouais? Vous êtes accompagné dans la vie, non? Oui. Oui. T'es amoureux ou pas? Oui, vas-y, continue. Vous vous rappelez de la première fois avec elle ou pas? Tu débloques comblé, là. Ah, vous pouvez le raconter? Tu te fous de ma gueule, là. C'est fou, ça, hein? Non, mais attends, tu me poses des questions comme ça, tu viens me les poser en face, c'est pas par téléphone. Est-ce que tu sais comment on fait les enfants? En fait, t'es un blaireau, toi, t'es une tête de con, en fait, là. C'est une bonne réponse! Ouais. Écoute, au lieu de téléphoner en privé, donne ton identité. Et Jean-Luc! Oui, bah Jean-Luc, ouais, bah des Jean-Luc. J'en ai rien à foutre des Jean-Luc, on n'en connaît pas. Et c'est Jean-Luc Reichmann sur TF1. Arrête de te foutre de ma gueule, va. C'est gentil. Non, c'est pas gentil. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'as appelé? Quel est ton but? J'avais une interrogation sur les faufounes. Ah. Putain, mais en fait, t'es complètement dérangé, faut que t'ailles te faire soigner à Ravenel, mon gars. Tu rappelles encore une seule fois ici. Moi, je mets la ligne sur écoute, mon gars. Et toi, on va te retrouver. T'as compris? T'as retrouvé? Tu veux poser des questions, savoir si c'est des foufounes, etc. Je vais te les couper, moi, tes couilles, mon gars. Quel est l'endroit le plus torride où vous ayez fait l'amour? Tu veux me trouver? Tu viens aux avios. Eh ben d'accord. Allez, on va se trouver tout de suite, mon gars. Dans 5 minutes, je t'attends aux avios. Lèche-moi les fesses. Toi, mon gars, je vais te découper en morceaux, va. Espèce de grosse merde, va. Ben voilà, un beau cadeau. Ah, voilà. Un beau cadeau d'anniversaire, une invitation chez un inconnu. Ouais, qui... viens aux avions, qui s'appelle ouais. Sébastien. Oh, pas Dieu, les avions. Qui l'invite aussi à l'hôpital psychiatrique du coin. Ouais. Ouais. Bon, voilà, une bonne idée pour un cadeau d'anniversaire, une de plus. Bon, allez, dans un instant, la roulette qui tourne et le son de The Weeknd et Daft Punk tout de suite sur Sky. What the fuck? C'était la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, Starboy, c'était The Weeknd et Daft Punk. Ensemble, vous avez découvert dans le morning. Morning, demain matin on arrive ouais. Entre 6h et 9h. On a un petit Karim Comedy Club de prévu, Karim. En tout cas, on a la roulette qui va tourner là. Il y a Drake à gagner dans la roulette. Vous voulez vos places pour Drake? Eh ben, ça tombe bien. Il y a Elias qui est avec nous, qui a été tiré au sort, dis donc. Quelle chance! Salut Elias! Salut, ça va? Comment ça va, Elias? Ouais, Elias. Ça va, super, merci. Elias, tu sais que Romano, s'il avait un fils, il appellerait Elias parce qu'il y a Elias dedans. Elias de billets, ouais. Elias de billets. Il a de bon goût, ouais. Ouais, ouais. Il a bon goût. 21 ans dans le 95, tu fais quoi dans la vie, Elias, toi? Je suis publicitaire, en recherche d'emploi, mais publicitaire. T'es publicitaire en recherche d'emploi? Ah ouais. Si vous êtes dans le 95, région parisienne, tout ça, n'hésitez pas. Si vous cherchez une team créative jeune et ambitieuse, appelez-moi. Alors, une team créative, c'est bien, tu te vends bien. Une team créative jeune et ambitieuse. C'est un peu l'émission des nouveaux entrepreneurs. C'est vrai, c'est ça. Vous avez entendu Jean tout à l'heure. À qui on a offert les forfaits gratuits là, le truc monde, là. Comment il appelait ça, ces trucs QCM, forfait QCM? Ouais, c'est ça. Bah, je ne sais pas, moi, qui s'en est occupé? Qui s'en occupe dans l'équipe? Ah, a priori, personne encore. C'est dingue parce qu'on est nombreux, pourtant. Ah, bah, faudrait s'en occuper. Donc, on va. Oui, il a pas reçu son cadeau. Non, on va prendre les 5 premiers. Ouais, les 5 premiers. Les 5 premiers qui ont laissé des messages tout à l'heure pour Jean qui a monté un site sur l'auto-école. Oui, je veux mon permis.fr. Donne une fois gratuitement. Voilà, tu vois, Jeannot, gratuit la pub encore une fois. Allez, hop. Bon, taille du monde. Tu vas en offrir que 5, t'es sûr, hein, Jeannot, hein? Bah écoute, tu veux monter jusqu'à combien? 5, 10? Oh, allez, allez, 10, allez, 10. Allez, on fait péter 10. Bon, allez, les 10 qui ont envoyé là, parce qu'il y a eu plein de messages. Je le veux, regardez, Black Mamba. C'est grave un escroc, mais je. Ah, bah tu prends quand même, c'est Tishon là qui nous a envoyé ça tout à l'heure. Bon, allez, on vous prend les. Bon, les 10 premiers, on dit. Allez, les 10 premiers qui ont envoyé les messages. Allez, 10. C'est pour eux. Bon, mec, lève-toi bien, Jeannot. Hein. Bah merci les gars, en tout cas, c'était cool. Hein. Mais tu veux vivre de ça, toi? Tu veux faire. Bah moi ce qui m'intéresse sincèrement, tu veux que je te dise? Oui. Bon, on va rentrer dans le. C'est la thune. Non, c'est quoi? On va rentrer dans l'explication de pourquoi je fais des cours de code gratos. Ouais. Mon père est une victime de l'insécurité routière. Donc comment lutter efficacement contre l'insécurité routière sans rendant accessible la connaissance et la compréhension du code? Ah ouais, donc et toi t'as fait ça de manière. J'ai rien compris moi. Non mais en gros, c'est normal. Non mais Karim, il comprend pas. Non mais t'es gentil, Jean. Tu as confondu Karim et Romano. Oui, tu vas me parler sur un autre ton parce que j'ai fait la pub de ton truc là. Et Romano est très vexé. Il était pour Karim, t'as vu? Putain, mais j'ai rien compris. Ouais. Moi, je vais t'expliquer, Karim. En gros, son papa a eu un problème, a eu un accident de la route a priori. Ok. Et en fait, toi, t'as été choqué. De là, t'as monté ce truc pour mieux apprendre aux gens le code de la route. Pour pas qu'il y ait d'autres problèmes à l'avenir. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est une belle motivation. Mais moi, j'ai pas été choqué. Non mais lui. Non, mais Karim, tu comprends définitivement rien. Je sais pas, je comprenais rap gros. Voilà. Cédric, t'as compris? Ouais, j'ai compris. Ouais. Même Cédric a compris, t'as vu? C'est quoi Cédric? Bah en fait, il a été victime, d'insécurité routière, donc du coup, il a envie que les gens comprennent en fait. Bravo Cédric. Ah, pas mal. Et là, pour comprendre, il le fait gratos. Bon, bah merci Jeannot en tout cas, puis bonne chance pour la suite. En ouais. Tout cas. C'est cool, merci à vous, passez une bonne soirée. Salut Jean. Merci. Salut. Et donc, Elias, on va faire tourner la roulette. T'as une petite blague pour le Karim Comedy Club? Attends, je vais voir ça. Allez, une petite, mais on fait tourner la roulette. Donc Elias, c'est pour toi. T'as 21 ans, tu vas aller voir Drake. Tu travailles dans la pub. Ah ben c'est parti. Et tu veux ta roulette. Allez. 200 places de concert pour voir le numéro 1 mondial Drake avec Skyrock. 12, 13 et maintenant 14. Le 14, date supplémentaire pour aller voir Drake en concert. Et le 15, on fera mon anniversaire. Avec Skyrock. Ouais, attention, il n'y avait personne à demander. Hein. Ouais. On va parler d'anniversaire ce soir, Cédric a essayé de le caser. Est-ce que tu vas aller voir Drake, Elias? Oui, ta place pour Drake et une place pour qui tu veux en plus. Donc ça fait deux. Avec ma meuf, pense. Bah écoute, bah, c'est bien. On va lui faire une bise, comment elle s'appelle? Emma. Eh ben Emma, on t'embrasse. Emma, Elias, au concert de Drake, donc à Bercy, à l'Alliance, machin, rien, tout ça. Ah, ouais, super. D'accord, Rotel Arena. Voilà, ça, voilà. Donc, c'est à Bercy, hein, vous trouvez. Ouais, c'est ça. Bon, faites, okay. Oui. Bon concert, éclate-toi bien. Salut Elias. Merci beaucoup. Et déplace ton concert demain matin. Et ouais, demain matin avec nous dans le morning entre 6h et 9h. Et puis, bah, évidemment, tout au long de la journée, avec toute l'équipe de Sky, vous gagnez vos places de concert pour aller voir Drake. Ouais. Bon, bah, vous souhaitez une bonne nuit, alors, Karim. Ah, une petite blague, vite fait. Allez, si j'en ai, moi aussi. Une petite avant de partir. Je fais celle de Kevin, vite fait. Oui. Moi, c'est des blagues alors, sur Cédric. Hein. À la base, Cédric. Ah, Samy, c'est bon, tu vas les faire toute seule. Non, ça va. Tu sais qu'à la base, je voulais, moi aussi, celle-là, je voulais la faire sur deux membres de l'équipe, mais après, ça va dire, bon, pas mal, tu vois. Alors, vas-y, fais la coupe. Donc, alors, c'est deux potes qui parlent ensemble. Donc, t'en as un qui dit, bon, là, j'ai une nouvelle meuf en ce moment. D'accord. Je dis pas les blazes. Hein. Non. Et t'as l'autre qui lui dit, ah ouais, elle a quel âge? Bah, t'as le premier, il dit, bon, là, elle a 55 ans. T'as l'autre, il lui dit, putain, Hachim, ça pourrait être ta mère. Et l'autre, il lui dit, bon, là, bah, c'est la tienne. Ah ouais. Alors, moi, c'est Cédric qui passe, tu vois, dans son hall d'immeuble, comme ça, il passe devant un miroir, et pouah, il voit, tu sais, il se voit dans le miroir, il fait, oh! Et je suis bien peur. Là, il se dit, voilà. Je le connais, lui, je l'ai déjà vu quelque part. Comme ça, puis il regarde, il fait, oh, je l'ai déjà vu, je l'ai vu où, je le connais. Après, il dit, ah oui, c'est le gros con qui me fixait chez le coiffeur tout à l'heure. Voilà. Ah, ça m'a fait, ça t'a fait rigoler, Cédric. Ah non, elle est putain. Elle est pas craquer, gros. Bon, mais le Karim Comedy Club. Non, comme Karim et le Samy Comedy Club. Allez, demain, je t'en fais une autre, level. Bon, demain, on est de retour pour la radio demain. Libre. Vivement demain, alors. Hein. Allez, hop. Demain, on est déjà jeudi. Ouais, problème du mois, donc. Il y aura, entre autres, le problème du mois. Vous tous en direct dès 21h. Loupez pas le rendez-vous. Et puis, demain matin, le morning, évidemment. Bonne chance pour les 1 500 €. Ouais. Pour vous inscrire au 720-20, vous envoyez 1 500 € au 720-20 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Et vous envoyez maintenant, vous appelez demain matin. Demain matin, à gagner toutes les demi-heures sur Sky. Et Priska, eh ben oui, avec une nouvelle coupe. C'est quoi ce cri de... Quoi, mais elle est dégoûtée. Pourquoi t'es dégoûtée? Il t'a loupé. Un mouton. Ah ouais, mais on dirait Dolly, tu sais, la brebis. Qu'est-ce qu'il t'a fait, le coiffeur? Être cloné. T'es allé où? Elle est dégoûtée. Je sais pas, tu ta gueule ou pas? Si on te met à l'envers, on fait ça, fait serpillère. Non, mais t'es pas contente? Tu vois, Romano, je suis même pas sûr qu'il aimerait prendre. T'es pas voir la coupe de Priska? Oh, moi, tu sais, des cheveux, je pense. Tu vois, il est gentil, lui, au moins. C'est bien, Romano. Fais une bise à Priska. Allez, c'est parti toute la nuit. Urban Music non-stop, on démarre avec. Drake, bah tu vois, ça tombe One bien. Dance. Drake a gagné demain toute la journée. On vous souhaite une bonne nuit. Priska, toute la nuit. Et nous, bonne de nuit. Retour dès 5h avec le Morning Best. Ouais. C'est les meilleurs et les pires moments du morning. Et dès 6h avec le Morning en direct. Bonne nuit à vous et à demain. Bonne ciao. Allez, salut. Skyrock. C'était ce matin sur Skyrock. C'est la totale. Il a gagné la